Sabatier. Il a dit que c'était super. Ah, c'est cool, viens c'est cool. Viens t'asseoir sur ce banc, regarde le banc. Ah, mais moi, c'est avec plaisir. Enfin, le banc, quand on dit le banc, il n'y a plus de banc ici. On dirait des cool. sièges de Formule 1. Djifoul. Djifoul, c'est bon. Vu que t'es pas là, on fait l'émission. Voilà. On reste un peu. En direct du banc de touche de l'OM. Alors, attends, on est sur le banc, on est sur le banc. On va faire une grosse dédicace. On va faire un gros message à monsieur McCourt. Qui arrive lundi. Lundi, qui arrive. Régler lundi ici. Voilà, à un moment donné, fais quelque chose. Salut, comme il dirait notre frère Bengouz, que j'ai fait une grosse dédicace. Qu'est-ce que t'as fait à la tête, bébé? Fais-nous des bons burgers, McCourt. Ah, McCourt, lâche l'oseille surtout, voilà. Voilà, si tu nous lâches l'oseille, fais un bon truc. Fais-nous rêver. Franchement, il y a tout un peuple, il y a plein de gens derrière. C'est un truc de fou. Les gens, ils sont pas conscients quand Marseille a commencé par rapport à ça. Ah, c'est la ferveur. Ouais, ouais. On vit pour ça. Écoutez-les, les Marseillais, il va falloir les arrêter. Là, oui, il faut arrêter un moment. Il y a un remballe. Allez, tu sais. Samy, il y a un mot qui est important chez les rageux, la jalousie. Ça, c'est le mot de la jalousie. Ils peuvent pas comprendre. Ça, ils l'auront jamais. Ouais. Jamais. Non, c'est dans le sang, OM. Ouais, notre rassurant qu'à dans le classement, comme on dit. Hein. Voilà. Ouais, mais ça, au-delà de ça, voilà. Mais c'est, voilà, c'est ce mais regardez, vas-y, c'est la jalousie, Samy. T'as c'est bon, on s'est compris, gros. Voilà. Merci, Sopra, en tout cas, magnifique. Pour cette grosse semaine. Un gros album, il est dans les bacs. Merci, en tout cas, c'est bon, rigole. On est là, c'est bon, on s'amuse. C'est le moment, bah. Tranquillement. Eh oui. Et en tout cas, merci pour les messages, merci à tout le monde. Oui, il y a eu beaucoup de messages, merci. Il y a des gens qui sont autour du vélodrome aussi. Donc je tiens à les saluer parce qu'ils sont en train de nous écouter tout autour du vélodrome, ils essayent de rentrer. Ouais, ça va. Salut le vélodrome. Vous êtes encerclés, quoi. Mais on les salue en tout cas. Ouais, on salue tout le monde. Merci, salue tout le monde. Tous les gens qui nous ont soutenus, qui sont déplacés pour nous voir à Skyrock aussi. Et dans toutes les promos que j'ai faites. Merci beaucoup. Yes, merci. Et tout à l'heure, demain, Prédo, je suis en Antibes pour les séances dédicaces. Donc, je fais une dédicace à tous ceux qui seront là demain à Antibes. Voilà, on est Antibes pour qu'est-ce faire que une je pourrais piquer ici. Je suis en train de mater ce que je pourrais piquer. Prends dans ce... un peu de gazon pour Samy. Prends un siège. Attends, le gazon, il y a le jardinier, franchement, déjà, il a fait une corsée tout à l'heure. Tu vois, Marie, je vais croire que c'est de la bœuf. Ouais, c'est bon ça. Le jardinier, parce qu'il vient de reposer la pelouse, Samy, elle est toute neuve. Ouais, je sais, elle est toute neuve pour le match de dimanche en plus. Et le jardinier nous a dit pas plus de 3. Très bien. Ah, il surveille le mec. Donc on a une pression terrible sur la pelouse. Heureusement qu'avec mes frères on est 3. Ouais, voilà. C'est bon, ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon, on est de retour dans un instant, Fred. Tout à l'heure à minuit, Planète Rap, il y aura du Perpignan dans Planète Rap. On reste dans le sud. Demain, Sopra en type, tu restes dans le sud aussi. Et nous, on est dans toute la France, dans le monde entier pour la radio libre. Et ce soir, il y aura des infirmières, il y aura des piqûres, il y aura Pamela, il y aura Cédric qu'on retrouvera en direct de chez lui. Et puis des surprises, et vous tous en direct. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler. On met la plus bonne speed et on arrive juste derrière. Yes. Avec vous. Ah, et puis il y avait Jules qui était invité de Planète Rap. On va se mettre au phénomène. Allez. Allez, Jules, on se fait plaisir. Jules Sopra dans Planète Rap. Il t'entend. Ça va, Jules? Hein? Attends, Jules. Ah, c'est bon ça. J'entends ta voix là, c'est bon. Bah, t'es ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et bah, Jules, on t'écoute tout de suite sur Skyrock. C'est magnifique, la radio, hein. Ah, c'est Djifoul, il va mettre un son, ouais, là. Ouais, ouais. Je crois qu'il va mettre Maria. Ouais. Allez, Maria, c'est parti. Ça. Et 01 53 40 30 20 pour nous appeler. On vous attend, à tout de suite. Attends, Jules, voulez-vous passer un petit coucou? Ouais, Jules. Jules, famille. Tranquille, quoi. Quand est-ce que tu reviens faire du scooter dans l'émission, Jules? On va revenir, là, en fin d'année. Bah, il a installé des cascades en Y et tout le reste. Djifoul, il s'en est pas remis du scooter. J'espère que tu as appris à être le copilote du scooter en cabrant, parce que la dernière fois. Aucun problème. C'était pas trop ça. T'inquiète, la prochaine fois, c'est démonstration. Cascade en direct. Salut Jules, salut Sopra et Jules et le ghetto phénomène tout de suite sur Skyrock et ghetto phénomène. Yes, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le morning de Djifoul sur Skyrock. Tu refais là. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, monsieur Blanc? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public,

tous les soirs sur Skyrock. Oh là, million d'années, mais t'imagines pas, Karim, c'est un peu. Oh là, c'est beaucoup. Oh là, c'est la folie. La folie, man. Bon, on va déjà passer trois grosses heures ensemble pour démarrer le week-end en direct sur Skyrock jusqu'à minuit. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. La semaine, on l'a fini ensemble avec vous. Bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes déjà là, nous laisser des messages. On salue Omer, il y a G-Unit, il y a Sam Sider qui vient d'arriver, Camille. Bonjour Camille, on te fait un bisou. Il y a Tal qui est là aussi, Difoule le beau gosse. Eh ben salut Tal. Ça c'est un beau pseudo, Difoule le beau gosse. C'est bien, toi t'es bien, toi. Difoule le beau gosse, salut l'équipe, 13 ans. C'est bien, toi tu auras un bel avenir, je te le dis, Difoule le beau gosse. Sois le bienvenu. Bonjour à Zach, bonjour à Romano qui est en face de moi. Bonjour Romano, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. T'as pas créé un stylo que tu m'aurais volé, petit crayon? Non, là j'en ai un, je te le vends 2 euros. Très bien, merci Romano, je te l'achète. Oui, bah donne-moi les 2 euros avant. Marie, t'as 2 balles, Marie, vas-y, finis 2 balles. Attends, j'ai que 50 balles. Bonjour. C'est pas en plus. Je dis bonjour à Snap. Bonjour Snap qui me regarde actuellement. Oh, je suis très beau, Snap. 2 euros. L'autre, il m'a fait une tête de myrtille. 2 euros. Oh, ta gueule. Voleur. Mais je l'ai pas volé, il était posé là. Moi, je te rends service, 2 euros, 2 euros, 10 foules. Bonjour, Romano. Je rends service, l'autre. Je vais écrire avec mes doigts. Tu sais que c'est en train de le foutre à bout de nerfs, 2 euros. Bien sûr. Bon, Marie, bienvenue à toi. Oui, bonsoir. Tu es là et on est très heureux que tu sois avec nous tout au long de la soirée. Tu vas pouvoir profiter de cette belle soirée avec nous. Bah ouais. Et en plus, t'es quand même gâté d'être avec nous. Ah bah oui, oui. Oh bah ça, oui. Bonjour Karim, toi aussi, tu vas profiter de toute la soirée en direct. Ouais. Salut Karim, mets le micro allumé comme ça. Allumé, man. Non, voilà. C'est l'autre bouton. Voilà. Voilà, c'est le bouton rouge. Et bonjour à Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Eh bah oui, c'est galère, il y a un bouton jaune, un bouton rouge. Lequel choisir? C'est toujours la question qu'on se pose. Ah ouais, j'hésite à chaque fois. Voilà, merci à Charlotte qui dit Romano, arrête de voler 10 foules. Romano, on t'a entendu hier, tu lui as volé sa bouteille d'eau. Ça, c'est le message de Florian. Et oui, je vois que tu as écouté, ouais. D'ailleurs, tu sais que ce soir, j'ai encore soif. Oui, mais écoute, bon courage. Il y a une machine au fond du couloir, là. Ouais, mais j'ai pas de sous, moi. Bon, allez, on s'installe en direct sur Sky. Karim, tu t'es assis, mais tu as oublié de mettre une chaise. Pas de chaise, mais il n'y a pas de chaise. Karim, ça va de mieux en mieux. L'autre, il s'assoit, il a oublié de mettre une chaise. T'as cassé le mur, gros. Tu t'es assis par terre. Non, mais le mec a voulu s'asseoir, il n'y a pas de chaise. C'est même pas comme si on lui avait enlevé la chaise, gros. Vous voyez, une équipe en pleine forme ce soir. Bon, ne pas oublier de mettre la chaise pour s'asseoir. Ça, c'est un petit conseil qu'on peut vous donner dès maintenant. Et puis là, c'est parti jusqu'à minuit en direct sur Skyrock avec vous tous et vous toutes au 01 53 40 30 20. Si vous voulez nous appeler, bah c'est dès maintenant sur le 41 759 et sur l'appli Skyrock, vos messages. Non, il a rien bu, il y a Flo qui nous dit, 21 ans. Qu'est-ce qu'il a bu, Karim? Non, il a rien bu, il a juste oublié de mettre la chaise. Cédric, depuis que t'es à la place de Cédric, gros, tu prends son cerveau. Ouais. Là, tu t'assois dans le vent. C'est étrange. Oui. C'est vrai, tu as digne représentant de Cédric. C'est bien, tu as digne successeur de Cédric. Lundi, il sera en direct avec nous dans l'émission. Et je disais à toute l'équipe qu'ils avaient de la chance ce soir. Une soirée qui s'annonce top déjà, comme le dit Jules sur SMS. Oui, il y a un truc quand même, il faut que je vous annonce, l'équipe. Ce soir, il y a des infirmières qui viennent nous voir. On en a de la chance, hein. Ouais, cool. Et oui. Bon, on dirait que ça vous fait pas plaisir. Ah bah, moi, ça m'est égal. Génial. J'avais trop bien, moi. Il y a des infirmières qui viennent, Romano, ce soir. Des filles. C'est joli, au moins, j'espère. Bah, j'espère, mais sur les éditrices de Skyrock. Sans pas une infirmière moustachue, comme une fois, là. Ah bah, mais c'était un homme. Avec des grosses mains. Mais oui, mais c'était un infirmier. Qui est con. Donc, des infirmières qui viennent nous voir ce soir, c'est pour la piqûre contre la grippe. On se préserve ce soir contre toutes les maladies, contre la grippe déjà, c'est déjà pas mal. Et donc elles viennent nous piquer en direct. C'est un petit cadeau que je voulais faire à toute l'équipe. J'espère que vous êtes contents, ça vous fait plaisir. Ah mais ouais, cool. Moi, ça me fait rien, les piqûres. Il y a Boulanger qui nous fait la piqûre. Génial, nous dit Nicolas Junior. Et ouais. Et Dracoles qui nous parle évidemment de Samy. Samy qui doit être. Dans un état pas possible. Je suis dans un bon état d'esprit. Mais vous êtes un métier avec les micros ou pas? Mais c'est pas ton métier d'allumer les micros. Non, parce que, vous avez un interrupteur. Comme j'avais un serveur de con. Non, ça va, tout va bien. Je suis en train de voler des cigarettes, je peux pas tout faire. Ah bah tiens, ça. Voilà, une petite surprise pour toute l'équipe. Ce soir, vous l'avez promis. Enfin, c'est même plus une surprise. On avait dit qu'avant vendredi, on le ferait. Eh bien, ce soir, nos infirmières débarquent. Elles vont venir nous piquer d'ici en pas longtemps. On va faire ça rapide. Ah, faut prévoir le temps. Non, histoire de voir un peu les conséquences. Ce que ça peut avoir d'ici minuit, hein, parce que tu fais une piqûre et après il va se passer des choses, on sait jamais, hein, ce qui peut se passer. Après, on a vu, hein, les effets secondaires, tout ça. Vous aurez peut-être droit aux effets secondaires en direct avant minuit dans la radio libre. Elles sont arrivées, nos infirmières, déjà? Encore. Aucune idée. Très bien, je les attends avec. Je les attends avec impatience. C'est marrant, vous êtes pas aussi aussi pressé que moi pour les accueillir ce soir. Ça va pas vraiment, tu vois. Moi, tranquille, gros. Tranquille. Mais je voulais te demander, moi, on peut se piquer autre part que le bras, genre les fesses. Tu veux te faire piquer par les fesses? Ouais, parce que le bras à chaque fois, gros. Ouais, c'est vrai, tu préfères. Ouais, j'ai mal à chaque fois, gros. Tu préfères avoir mal au cul. Ouais, c'est mieux, c'est une meilleure sensation. Il a l'habitude. Ouais, c'est ça. Il y a Samy, il va tomber dans les pommes, on nous dit là. Mais c'est pas con, Karim, ta proposition. J'hésite, moi aussi, du coup. Je vais en parler avec les infirmières. Non, mais à chaque fois, j'ai courbatures au bras, tout. Ouais, ça fait mal après. Vous avez vu ces flippettes quand même. Bon, c'est parti pour le vaccin contre la grippe, notamment pour tous les asthmatiques et les vieux. Ouais. Aussi, si t'es pas tout jeune, faut te faire piquer. Et si t'es asthmatique, faut te faire piquer. Romano, tu as toujours ton asthme? Ouais. Eh bien, on va peut-être te sauver la vie ce soir. Tu t'en rends pas compte, mais te sauver la vie en te piquant en direct. Ou alors t'achever carrément en te piquant en direct. On verra comment ça se passe. On verra tout à l'heure. Bon, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. C'est au 01 53 40 30 20, je vous le disais, avec vos messages sur le 41 759, sur l'appli. Bonjour Akima, bonjour Colonel Charlie. Ah, tiens, faudrait qu'il nous dise s'il est allé au Bois de Boulogne, s'il s'est fait sucer par un travelot, Colonel Charlie. Et oui, Colonel Charlie, je pense que d'ici la fin de l'année, les travelots, il va y passer. Il se posait la question. C'est clair. On l'a eu hier soir, il est chaud. Ah, il est chaud, hein. Et puis il y va souvent, hein. Oui, il va souvent au Bois de Boulogne. Vous avez passé un coup de fil il y a un mois pour savoir s'il devait y aller, là. On l'a revu hier. Il est allé quoi, 3 ou 4 fois, non? Ouais, ça avance, cette histoire. Salut, Colonel Charlie. Et puis, salut à vous. Donc, je vous disais, vous voulez passer à l'antenne, vous avez un truc à dire, vous avez besoin d'un coup de main, vous voulez faire les coins avec nous. C'est parti, en direct jusqu'à minuit. C'est parti, mon kiki. Et oui, et en direct avec Pamela, qu'on accueille tout de suite sur Skyrock. Bonsoir, Pamela, comment vas-tu? Eh ben, ça va, et vous? Bienvenue à toi. Je vois que tu souris, mais comme jamais. Ah ouais, t'as l'air heureuse. T'es très heureuse de venir dans l'émission ces temps-ci, encore plus que l'année dernière, je trouve. J'ai sans doute une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il, Pamela? L'autre, il revient lundi. Bah, Cédric revient lundi, oui. Ouais. Eh bien, c'est peut-être mon dernier soir ici. Tu vas partir en vacances? Non, tu vas nous quitter. Carrément. L'autre, il revient. Bah oui, lundi soir, c'est la soirée spéciale pour Cédric. Lundi, retour de Cédric dans la radio libre. Enfin, s'il lui arrive pas une galère d'ici lundi, hein. Il revient définitivement. Bah oui, tous les soirs, il sera là, ouais. Ça serait bien que Romano, il leur tape avec sa voiture comme il a fait l'autre fois. Ah, c'est Romano qui l'a... Chut, faut rien dire, je lui avais demandé. Ah d'accord, tu avais demandé à Romano qu'il lui rentre dedans et avec sa voiture et pam. Il lui a pété la clavicule et quatre côtes à ce con. Le pauvre, bravo. Mais alors ça, je savais pas, bravo Pamela de nous annoncer tout ça, parce que c'est vraiment une nouvelle qu'on ne connaissait pas. C'est donc Romano le coupable qui lui rentrait dedans avec sa voiture. Ouais, comme ça, je lui avais dit, tu l'attends ce con, il va arriver avec sa mobilette. Au moment où il passe, bam, tu lui rentres dedans. Ah oui. Intéressant, dis donc. Mais vous savez que ce con, avec son gros ventre, a déformé le capot de la voiture de Romano. Oui, et je sais qu'ils ont été obligés de refaire la route après. Aussi la route, ouais, la route. Et le capot foutu. Et le capot foutu. Il est là, l'autre con? Non, il n'est pas là pour l'instant. Mais il sera là lundi soir. Et soyez là lundi. Profitons-en ce soir, c'est la fête, là, peut-être la dernière. Peut-être la dernière de Pamela, mais lundi, le retour de Cédric, c'est à ne pas louper si vous avez des surprises pour lui, si vous voulez lui parler. Lundi soir, en direct avec nous, on va faire venir des invités dans l'émission. Ouais. On va lui faire des surprises de ouf. Une grosse soirée. Content. Mais là, je pense qu'il bave sur son oreiller parce que je l'ai eu au téléphone il y a, je sais pas, 25 minutes. Il n'arrêtait pas de bâiller en me parlant comme un porc. Très bien. Il m'a dit, je m'allonge en attendant que tu m'appelles. Cédric, fidèle à lui-même, hein. Comme on l'aime très fort. Bon, bah, Pamela, puisque ce sera peut-être ta dernière, on va te présenter tes invités de ce soir, nos pervers du jour. Il n'y a pas de problème. Les pervers de la semaine qu'on va découvrir. Quand vous voulez, moi, je suis Pamela sur Skype. Je vois, et tu es même filmé. Tu es filmé sur quoi? Sur Snapchat. Ah, tu snaps toi aussi. Ouais. Pamela, elle snap. Je mets des couronnes de fleurs. Bon, on va démarrer cette soirée avec les pervers de Pamela. Et puis on a un match de foot à suivre aussi ce soir. Je n'en ai pas parlé, mais il y a déjà un but. L'OGC Nice, les leaders. L'équipe du Sud, on peut le dire. Les leaders du championnat. Contre il y a déjà 1-0 pour Nice en plus, ouais. Contre Lyon, c'est OGC Nice OL en direct de l'Alliance Riviera sur la Côte d'Azur, et donc 1-0 pour les Niçois. On suit ça ce soir, amis niçois, amis lyonnais, amis fouteux, on s'en occupe. Mais tout de suite, attention, elle aime aussi se faire marquer des buts. Elle est là, et c'est Pamela. Blonde ou brune, son sein gauche fait 85 A et le droit 95 E. Elle n'a que 3 doigts et travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Et à Fouidou qui nous laisse un message qui dit, Pamela, c'est vraiment le seul travelot que je pourrais me taper. Eh bien, oui, elle est là, Je ne suis pas un travesti, hein. Non, c'est... mais bon, on pourrait y croire parfois. Hein. Ah, c'est non. Je suis une femme. Eh bien, Pamela, voici les hommes. Les hommes pour toi, ceux qui ont laissé des messages sur le répondeur de Pamela. Oh, j'espère que ça va être chaud. D'ailleurs, si vous allez draguer, parce que c'est bien, on en parlait cette semaine en plus dans l'émission de la drague virtuelle, de la drague sur les applis, de la drague sur Smax, de la drague sur le net, de la drague sur les réseaux, de la drague partout, sur Facebook et tout le reste. Eh bien, Pamela est sur tous les réseaux partout. Vous avez entendu Je réseaute à mort. Elle est sur le Snap de Sky, mais elle drague aussi. Snapchat. Partout. Comme ça, t'as le choix. Ouais, il y a la pub mythique qui passe. pas sur Sky, elle est aussi sur Mythique, mais elle est sur Badou Badou. Badou Badou, le vous. Et elle ira draguer. Smacks partout. Elle ira draguer en live ce soir, tu dragueras Viva en live. Viva Street, ouais, sur des chats en live. Sur les chats en live. Donc on dit pas les noms parce qu'après, il y en a qui viennent s'amuser avec moi. Oui, on se fait repérer après. Pas ça. C'est vrai, elle aime pas. Elle fait ça pour le real. Et avant minuit, ton défi, Pamela, c'est séduire un homme. Alors parmi ceux-ci, voici. Le premier, je crois que ça va te rappeler quelque chose. Tu vas être contente. C'est un gros retour. Ah oui? Oui, c'est un qui laisse souvent des messages. Ça doit être un mec qui galère sur les réseaux, qui arrive pas à trouver de meuf. Et il est de retour. Ça fait un moment qu'il t'avait pas contacté. Quand même. Et ouais, on est content de savoir qu'il est encore en vie, qu'il est encore en forme. Écoutez bien. Vieux parisien sympa. On se voit tailleuse de pipe. 06-08-35. Toujours aussi classe. Et toujours aussi sensuel. C'est Gabi. Oui, c'est Gabi. Le retour. C'est Gabi qu'on va retrouver ce soir. Gabi, c'est lui. Lécheur de chatte reçoit suceuse de gland. Voilà. 06-08-35. Ah, il est génial. Il est trop romantique. Ah, c'est vrai. Mais là, il a pris une voix beaucoup plus sensuelle que d'habitude, hein, quand même. Ouais, c'est clair. Il a une voix dégueulasse, là. Mais il se cache, à mon avis, là. C'est une voix sensuelle, Romano. Ouais, parce qu'il a une femme, lui, hein. Ouais, il est en cachette. Puis des fois, il l'envoie bouler quand il est au téléphone. Ah, fais-moi pas chier, je suis en train de me branler. Ah, allez, sois tranquille, tu m'énerves. Vous avez entendu la voix qu'il a prise, ce coup-ci, le retour de Gabi. Vieux parisien sympa. Sympa. On montre tailleuse de pipe. 06-08-35. Vieux. Parisien, j'entendais la fin du bip. Vieux parisien sympa, sympa. Oh, ton tailleuse de pipe. Ah ouais. Ça, c'est un pseudo qui peut vous aider à séduire les gars ce week-end, si vous savez pas quoi foutre. S'il pleut chez vous, s'il fait un temps de merde, si vous avez envie d'aller faire un tour sur les réseaux, eh bien, voici un pseudo qui pourrait peut-être vous permettre de découvrir l'amour. Vieux parisien sympa, ton tailleuse de pipe. Ah, avec la voix, en plus, oui, la totale. Exactement, bonjour Marie. Il donne envie. Hein. Enfin, il fait même. Vieux parisien sympa, entre tailleuse de pipe. C'est quand même le mec met vieux dans son message. Vieux parisien. Vieux parisien sympa. C'est vachement vendeur, quoi. Vieux parisien sympa. Non, mais c'est surtout la voix, attends. On dirait un serial killer, nous dit. C'est plutôt un serial branleur, bah, Sabrina. Un peu, ouais. Sabrina qui nous laisse un message sur le 41759 ou sur l'appli, là. Alors, attention. Après Gabi. Donc, Gabi, on est content de le retrouver. On l'appellera tout à l'heure. Trop drôle, le retour de Gabi. Il a toujours une voix de merde. Ça, je te le confirme. Elocatch, ah ouais, 20 ans, qui vient de nous envoyer un message. Tu as bien raison, mon Elocatch. Ah, on passe au deuxième. Bonjour, je recherche une femme, un cougar. Ah, une cougar. J'ai 38 ans. 38 ans. Le gars. Ah, le gars. Mon numéro, c'est 06. C'est vrai qu'il a oublié quelque chose, il sait pas ce que c'était. Putain, le mec. Ah ouais, j'ai oublié quelque chose. Faites de l'homme dormir. Attends, bouge pas, j'ai oublié. Chercher l'annuaire. Mon numéro. Ça, c'est dans le Gard. Si vous êtes des Gardois, Alès, Nîmes, tout ça, on vous salue. Ah ouais, de l'envie, lui. Vous avez un super voisin. Ah ouais. Carton rouge pour Lyon. Oh! Pour Nabil Fekir. Les Lyonnais, qu'est-ce qui se passe? Il a mis un petit coup de pied, ouais, bon, c'est léger, mais bon, c'est fou. Il a mis un coup de pied au cul. Ah ouais, il a marché dessus. Et après, il l'a piétiné, ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, quand même. Il a grossi Nabil Fekir, dis donc. Il a toujours été enrobé quand même. Non, mais t'as vu, il y a beaucoup de joueurs qui prennent du poids comme ça d'un coup, je sais pas pourquoi. Ah, il a grossi, il mange trop. Et peut-être aller bouffer avec Cédric, je sais après, pas. Après, lui, il a été blessé pendant un an, donc sur moi, il a du problème. Donc Nabil Fekir, Canton Rouge, les Lyonnais jouent à 10, et Nice doit gagner 1-0, et ça se passe à Nice, et c'est Nice-Lyon, le match qu'on suit ce soir. Alors, revenons au but que va se prendre Pamela. Pamela, on a déjà deux pervers. Eh bien, c'est pas tout. Jamais 200. 3. Oh, Gabi! Oui. Jamais 203. J'ai une pute de grosse vache. Salope enculé. Ah, lui, c'est le top du top de la séduction, quoi. Salope. Je comprends qu'il galère à trouver une meuf, lui. Eh ben oui, ils existent vraiment, les gars, comme ça, nous dit Didi 45. Ah, bah ouais, ça fait du bien à la chatte. Ça fait du bien à la chatte, la chatte. Ah, lui, c'est un. Allez, caresse-toi avec Gabi, on t'appellera tout à l'heure. Voici Daniel, tout de suite. Alors, Daniel. Un nouveau qu'on va écouter tout de suite et qu'on va découvrir. Daniel, chez les pervers de ce soir. Oui, bonjour, mesdames. Ben, écoutez, moi, je m'appelle Daniel. Salut, Daniel. Je suis dans l'Ardèche. Et j'ai 62 ans. Comment? Et je recherche une femme entre 60 et 65 ans. Faut appeler la mère de Pamela. Qui voudrait faire des expériences sexuelles ou qui a envie de sexe. Ouais, tu peux m'appeler au 06 60 70. Ouais, mais lui, au moins il est cash. Et puis par rapport aux deux autres qu'on a écouté avant, il a presque l'air normal. Et ça sent quand même le guet-apens. Hein. Tu te retrouves chez Daniel au fin fond de l'Ardèche pour faire des expériences sexe. Moi, perso, j'irai pas. Mais alors, tu vas t'accrocher là. Mais toi, tu n'es pas aussi courageux que Pamela, toi. Ah non, mais c'est clair. L'autre, il a une salle de torture dans une étable. Oui, exactement, oui. Dans une étable. Une étable désaffectée. Tu sais, le mec, qui te séquestre pendant 10 ans, quoi. Elle est une étable qui a été construite au-dessus d'un cimetière, cimetière de chèvres. Moi, je le sens pas, le Daniel. Moi, je pense que Pamela, elle a le courage, elle l'appellera ce soir. Parce qu'elle est Daniel, forte. Bientôt, t'en fais entrer la cuisine. Ouais, Daniel, oui, il a cherché. Daniel de l'Ardèche. Oui, il est passé sur Skyrock. Ouais. Pamela a disparu à la suite d'une rencontre avec Daniel. Où est-elle? Denis, maintenant. Elle est ça y va, hein. J'espère qu'il n'y a pas un D-Fool là-dedans. Denis est là. Oui, bonjour, c'est Denis. Voilà, je recherche une relation intime, sérieuse, discrète. Mmh. Je vous laisse mon téléphone. 07 87 96. À l'usine. Métro. Merci, en attendant que vous me contactez. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Il est dans le métro, il est dans le métro. Ah, il est dans le métro. T'entends pas le son, les portes. Ligne 14, même, je t'ai dit à Paris. Ligne 14. Ouais, mais c'est genre, tu sais, je le connais. Ouais, je le connais, bah. C'est mon poteau, hein. Non, mais il me montre son The Gang. Je lui sais que levier dans le métro. Là, on s'éclate. Ligne 14. Vous avez entendu? Donc, ils sont partout, hein. Dans le Gard, dans le Sud. Ils sont à Paris pour Gabi. Ils sont dans le métro aussi. Ils traînent partout. T'imagines les gens autour qui l'entendent de laisser l'annonce? Absolument, ouais, normal, oui. Normal, le mec. Attention, attention, les pervers sont là. Et oui, une émission qui fait peur. Ce soir, ils rôdent dans toute la France. On a d'autres à vous faire écouter, on les écoutera tout à l'heure, puis on va surtout les appeler en direct. En direct, avant minuit, Pamela doit séduire. C'est ton défi, Pamela, ce soir. Ouais. Ouais, tu sais que Romano va se faire piquer ce soir. Oh, le pauvre. Non, mais on va pas le piquer pour le... Non, on va le piquer pour... Eh oui, car ce soir, la piqûre contre la grippe... Ah ouais, putain. Putain, ça m'a mis en bas, tu sais que j'avais complètement zappé. Ouais, pareil. Et dans la bagnole, j'y ai repensé, je fais, oh putain... Demi-tour. J'ai failli... c'est rien. Ce soir, l'équipe de Skyrock... T'as les bras vachement... graisseux, Marie. Ah ouais. Moi, je suis désolé, avec mes petits muscles. Ça fait mal. Je sens la douleur. Et ouais, donc ce soir... La piqûre contre la grippe. Ce soir. Ouais, bon, ça les va. Les pervers va. De Pamela. Ah ouais, je croyais que c'était encore la piqûre. Ouais, ce soir, la piqûre contre la grippe. Oui. Bon, on revient dans un instant, préparez-vous. Je vous dis que ça va être chaud ce soir et The Weeknd là pour cette soirée. Pour ambiancer cette soirée et vous tous en direct de toute la France. Hein. On vous prend tout de suite. Cette musique, moi, elle m'angoisse. Mais non, Manon, elle est jolie. Tu préfères... Samy, ça te dérange pas qu'on se mette cette musique quand on te pique? Non, c'est bon, on va éviter. Ou alors GL. Encore pire, quoi. Ça te met des palpitations, t'es pas bien, quoi. Nous allons les piquer tout à l'heure. Samy, Karim, Marie, Romano. Ah, ça me stresse ton truc, c'est vrai. Eh ouais. On va les piquer. On va les piquer. Non, on choisira notre musique. Tiens, moi, je voudrais une musique de soprano. Voilà, c'est ça. Si voilà. Ça me motivera, comme ça, moi, je ferai pas trop chier, tu vois. Oui, c'est sûr. Bon, dans un instant, donc, la piqûre, les pervers de Pamela, vous tous en direct, la radio libre. Et The Weeknd. Ah oui. Avec les Daft Punk. C'est parti, The Weeknd et Daft Punk. C'est Scarboy, un titre qu'on a découvert dans le morning sur Sky. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Tu refais là. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Est-ce que pendant votre service civique, vous avez les études à côté ou pas du tout, Abderrahim? Non, j'avais fini ma licence, c'était en attendant de faire un master. Clément? Ce qui est pratique, enfin pratique entre guillemets chez les pompiers, c'est que c'est une garde. Moi j'ai choisi de faire 24 heures le week-end, donc comme ça pose aucun problème vis-à-vis des études. Et surtout, on n'est pas obligé de faire ses études en même temps. Il y a beaucoup de jeunes volontaires qui ont choisi de faire une pause dans leurs études, d'accord, y compris autour de cette table, de faire une année de service civique pour souffler, pour faire une pause et parfois pour réfléchir à leur orientation. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. The Morning Show! Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de D-Fool. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Le 19 octobre au cinéma. Je suis pas la loi. Concert. Skyrock. Après le succès.

piece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Boys sur Skyrock, le son de The Weeknd avec les Daft Punk sur Sky. Diffoul, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. C'est marrant, mais je vois toute l'équipe qui est devenue toute blanche. Samy est vert même. Qu'est-ce qui t'arrive, ouais. Samy? Non, mais Romano, il m'a dit que cette année, les aiguilles, c'était super long. Bah, il y a eu une réforme. Ouais, réforme des aiguilles. Les aiguilles font 10 cm pour la piqûre contre la grippe. Non, non, c'était plus aux normes européennes. Ça va transpercer le bras et tout. Et oui, ouais, ça va passer à travers le bras. Ça va sortir de notre côté. Ah, mais facile. Je vous présente notre infirmière. Quand on dit que les infirmières sont mignonnes, on ne se trompe pas. Bonjour, bonjour. Il y a son mec à côté. Je sais, il est juste à côté. Il y a son mec mais la gueule. Non, mais il est plus petit que moi. Non, mais non. Donc, bon, bonjour, tu t'appelles Patricia. Salut Patricia. C'est toute ta famille, ça? Oui. Donc, ça, c'est ton mec. Voilà, mon mec. Voilà, ton mec. Et tout ça, c'est tous tes enfants. Alors, elle, c'est ma fille. Oui. Eux, je les ai impliqués. Eux, je les connais pas. Eux, ils sont. Eux, je les ai trouvés dans la rue, les deux. Eux, je ne sais pas qui c'est. Ils sont dégoûtés, les deux. Oh non, vraiment, arrête. Très bien. Salut Philippe. Bon, comment t'appelles, toi? Noé. Bon, ça va? Ça va, ça va. Viens assister à la séance de torture. Ouais, je vais quitter. Ah, bah, t'as raison. C'est un sadique, Noé. Hein. T'as pas récupéré le meilleur. Non. Ouais, et toi, tu t'appelles? Tamise. Tamise, oh, comme le fleuve de Londres. Ouais, ouais. C'est bien. C'est comme si Samy, tu t'appelais Rhône. Ouais, Rhône. Parce que tu habites dans les bouches du Rhône. La Durance. Ou la Seine. Ou la Durance, oui. Ou le Furan à Saint-Etienne. Ouais, c'est pas mal. C'est une rivière qui pue, le Furan. Ah, mais non, vaut mieux pas. J'ai pas choisi la meilleure. Et toi, tu t'appelles? Anouk. Salut, Anouk. Salut. Ça va? Ouais. Tu veux faire infirmière comme maman? Non. Non, pourquoi? Parce que j'aime pas trop tout ce qui est maladie. T'as bien raison. Oui, mais moi non plus. Ah, ouais, c'est clair. On est d'accord avec toi, Anouk. Bon, bah, bienvenue à vous. Eh bien, voici l'équipe. Donc, l'équipe a piqué. Qui se fait piquer ce soir? Samy, bonsoir. Bah, pas tout. Tu as insisté. Non, mais parce que déjà, moi, je peux pas. Moi, je sors d'une diarrhée. Dans la main, là. Tu sors d'une diarrhée. Non, moi, je sors d'une diarrhée. Toi, t'es obligé, t'es asthmatique. Ouais, mais je préfère attendre. Ah, c'est bien, mais ça, tu la peux diarrhée. Pas, moi aussi, j'ai une diarrhée. Ouais, ouais. Non, j'ai une vraie diarrhée. En ce moment, là, sur moi, je peux pas. Moi, je jeûne aujourd'hui. Je fais ramadan. Mais ramadan, c'était il y a deux mois. Ouais, mais alors, je jeûne. C'est pas ramadan américain ici, ni ramadan à la carte. Hein. Bon, et Marie, bon, elle, c'est la seule qui a jamais peur. Ça ne dérange pas que je sois à 4 grammes. Non. Oui, on cherchait du désinfectant d'ailleurs pour nos épaules aussi. Marie, mais je l'ai bu. Marie, tu l'as bu. Ouais, bah, vraiment, ouais. On est dans la merde, Marie a bu le désinfectant. C'est un truc de ouf, c'est quand même dingue. Bon, donc l'équipe se fait piquer dans un instant. Bon, bah installe-toi, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi t'as déjà le truc dans la main, Patricia? Bah, parce qu'elle prépare, espèce de vieux. Mais non, mais elle garde dans la main, genre. Mais Samy, tu vois, il va te faire chier. Moi, je commence à m'écarter. J'espère que tu vas pas démissionner de ton métier d'infirmière après avoir subi ce que va faire subir Samy, ce qui fait subir à toutes les infirmières tous les ans. Non, jamais. T'as déjà eu des patients un peu chiants, quoi? Oui, beaucoup. Non, dit comme lui, non. T'es habitué? Je suis très habitué. Je déteste les piqûres. Mais je te jure, je déteste. Non, mais tu sais, non, mais pour te rassurer, Samy, tu sais que je suis pas seul. Son mec était le médecin de Cédric. Secret médical, on ne dira rien. On ne dira rien sur le dossier. Mais c'est lui qui a pas vu qu'il avait des côtes cassées, là? Mais en fait. Alors toi, tu me touches pas. Ah là, je t'approche pas de moi. C'est pas le même endroit. Ah merde, c'est pas lui. C'est lui qui a bousillé Cédric. Ah ouais. Ah, c'est toi qui devais l'opérer finalement et tu lui as filé un germe, il avait la chiasse là. Ah la merde. Eh bah, ben t'auras tout ça pour toi, Samy, ce week-end. Bon, on va faire tout ça. Bon, bah, on se prépare. Il te manque quoi en fait? Il te manque. L'alcool. On a l'alcool. Marie, elle a des bières, ouais. Non, mais les bières, ça va pas marcher. Non, ça fonctionne pas. Non, il y a Oran qui est parti chercher du désinfectant. Ah, on arrive. De l'eau de Javel. Bon, bah très bien. On arrive avec le desktop. Bon, bah restez avec nous là, vous êtes avec nous. Et vous aussi d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous êtes avec nous en direct jusqu'à minuit. C'est au 01 53 40 30 20 pour nous écouter. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à me toucher là. Putain. Non, mais c'est parce que tu es trop séduisant, Samy. Non, non, mais bon, je veux bien. Tu vois. Non, mais Samy, tu vas passer en dernier, non? Oui. Enfin, comme vous voulez. De toute façon, moi, je le fais que si tout le monde le fait. Voilà. Bah, tout le monde le fait. Moi, je peux pas. il a déjà remarqué. Lui, il fait son ramadan. Ah, moi, je fais le ramadan, moi. Non, non, tout le monde le fait. Le faites pas, les gars. Bah, montrer que vous êtes courageux, on est quand même à Skyrock. Hein. Bon, dernier. Bon, allez, on est prêt. Enfin, on est prêt. Ça y est, ça commence. Ça a mis moyen. Mais on est presque prêt pour la piqûre de ce soir, là. Bon, alors, une piqûre pour la grippe. C'est bien de se vacciner contre la grippe. J'ai vu Romano, lui, reçoit tous les ans un truc comme quoi il doit se vacciner parce qu'il est. Non, mais je suis asthmatique. En fait, il me l'envoie gratuitement. Pas cher. Ouais. Ah, bah oui. Quoi, la feuille? La comme feuille. Pour les vieux, en fait. Voilà, c'est ça, Romano. C'est parce que t'es chaud, peut-être. Ouais, c'est ça. Eh oui, oui. Non, mais je suis asthmatique, donc je l'ai gratuitement, ouais. Eh ouais, t'es obligé de le faire. Ouais. Enfin, je suis obligé, non, mais c'est conseillé, c'est les pneumologues, ils conseillent de le faire. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on le fait tous les ans et on chope pas de grippe. Comment? Ils envoient le vaccin. Non, non, ils envoient une feuille pour aller le retirer gratuitement dans une pharmacie, ouais. Oh. Non, non, ils t'envoient pas la seringue, je. Regarde, j'ai les désinfectants, on va pouvoir y aller, ça te va, ça? Ah, putain, merde. Super. Ça, je croyais qu'il mettrait plus de temps. Mais par contre, il me faut du coton aussi. Ah, il me faut du coton, on a du coton. Il y a du PQ si tu veux. Ah, il n'y a pas de PQ. Mais alors là, il est dangereux ici. Il y a un vieux t-shirt de Cédric qui traîne. Bon, vous pouvez encourager l'équipe. Merci avec vos messages au 41759. Vous encouragez l'équipe. Bonjour à Oasis. Bonjour à Blue. Bonjour à LLOM. Bonjour à Laura aussi qui nous a laissé un message tout à l'heure, qui a sa maman qui est infirmière et qui est terrorisée par les piqûres. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a une maman infirmière qu'on n'a pas peur des piqûres. Mais souvent, je sais pas toi, mais souvent quand tu parles avec les infirmières, elles ont peur de se faire des piqûres, mais ça ne les dérange pas de les faire. Non. Non, d'accord, je dis de la merde. Non, non, elle est courageuse. Non, bon, c'est évident. Elle est courageuse, notre infirmière à nous, là, ce soir. Là. Bon, on a Dylan en ligne avec nous, le temps de préparer le coton, et puis juste après, on y va. Hein. Elle est de combien de centimètres, la piqûre? On nous demande. La piqûre est de 10 centimètres, Samy. 10 centimètres? 10 centimètres d'aiguille, hein, je parle de l'aiguille. Ah, bah, au moins, ouais. Au moins. Hein. Non, ça va, c'est comme l'année dernière, ouais, ça fait genre 5 cm. Ah bah tu vois, tu commences à t'habituer. Elle est plus épaisse cette année. Combien? 2 cm, non, ça c'est 5-10. C'est 20-20, ça. Il essaye de se rassurer. Ouais, il est marseillais aussi. Ouais, il est marseillais. C'est ça. Tranquille. J'encourage l'infirmière. Ah ouais, tu vois, il y en a déjà qui sont solidaires avec toi. Hein. Dragwalls, il est pas rassuré. Déjà, elle a pas ramené son matos. Ça pue votre histoire. Diffoul commence le premier pour monter l'exemple. Eh ben, ouais, s'il y a une galère, ouais, vas-y. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Non, c'est bien, vous, c'est une bonne idée, ouais. Mais vous pensez pas. Non, mais vas-y, mais c'est toi qui organisé ce truc. Nous, arrête, on ne voulait pas, à la base. Ben, j'ai organisé ça pour votre santé, les amis. Non, mais voilà, tu le fais en premier, comme ça je t'ai dit, c'est une galère. Bon, ben, on va s'en occuper. Les pervers de Pamela, on les a écoutés tout à l'heure, on les appelle en direct. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée. Donc là, il y a Dylan qui est avec nous à Albi. Bonjour, Dylan. Bonjour, l'équipe. Bonjour, Dylan. Salut, Dylan. Salut. Salut, les gars. T'as un peu la voix de DSK en jeune. Ouais, une voix de pervers un peu. Non, c'est vrai. Ah, t'as un peu la voix de DSK en jeune. Quelle belle voix de pervers, ce Dylan, nous dit Blue. Tiens, tu vois, il vient juste d'envoyer un message là. Bon, alors, Dylan, est-ce que t'as peur des piqûres, toi? Moi, non. Toi, t'es comment? Toi, t'es courageux, un bonhomme. Tu t'appelles pas Samy, tiens. Ouais, mais écoute, on a tous une faiblesse. Hein. Ah, bah là, t'en as une grosse, là. Grosse faiblesse. Bon, Dylan, explique-nous rapidement de quoi tu vas nous parler, comme ça permet à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez de réagir en direct et nous laisser vos messages. Et puis juste après, on pique tout le monde. Et alors je vais m'y mettre. Tu commences. Oui, bah oui. Non, mais on voit la réaction. Mais d'ailleurs, pourquoi moi? Bah parce que c'est toi qui as organisé ce truc. Parce que par ordre alphabétique, on pourrait le. C'est toi aussi. Ouais, je me fais baiser par ordre alphabétique. Ah oui. D'accord. Et, voilà. Et si on le faisait dans le sens inverse de l'ordre alphabétique? Bah là, c'est Samy qui se fait baiser, là. Non, c'est ordre alphabétique, c'est comme ça, voilà. Bon, dans un instant. En dernier. Sinon, on tire au sort. Ah, sinon, ouais, c'est bien. Vas-y, on tire au sort. Vas-y, on tire au sort, je prépare. C'est bien, ça. Ah, la pression aussi. Alors, on va faire le tirage au sort dans un instant, tu sauras qui est-ce que tu vas piquer en premier, là. Ah, c'est bien, c'est bien. Et, Dylan, ouais, t'as appelé pourquoi, toi, dis-nous? Ben, moi, en fait, c'est une meuf, tu vois, je suis en kiff dessus. Oui. Et genre, elle sort avec un gars, tu vois, mais le mec, c'est un déchet, tu vois. Ah, tu l'aimes pas? Ouais, je l'aime pas du tout, tu vois. Et quand tu dis genre, c'est un déchet, pourquoi c'est un déchet? Mais parce que le mec il est en quatrième, elle est en troisième et tout, le mec il est moche, il s'habille comme un plouc et tout. Vous entendez ça les quatrièmes, ce que vous venez de prendre dans la gueule par la troisième? Vous avez vu ce qu'ils pensent de vous les troisièmes? Vous êtes des déchets. Que lui. Ouais, bien sûr, pas tous quand même. Et genre la meuf, je suis en kiff dessus et tout, et du coup ça me fait chier, tu vois. Ah, c'est pour ça que c'est un déchet le mec, c'est parce que tu la kiffes. Ouais, mais que lui, il a quand même la chance. Le déchet, il sort avec elle quand même, ouais. Voilà. Et tu veux. Et cette meuf, elle t'aime bien ou c'est juste une copine, c'est quoi? Non, mais tu vois, je sais pas trop parce que, genre, avec tous les mecs, elle fait un peu la chaude et tout, tu vois. Du coup, je sais pas trop. Ça doit lui faire plaisir, mon déchet. Le pauvre. Et, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, c'est une histoire sérieuse ou alors c'est juste une petite histoire comme ça? Mais genre, ils cassent et ils se remettent ensemble, ça fait 2 ans, tu vois. C'est bien, c'est un peu comme, je sais pas, c'est les ch'tis à Albi. Ouais, c'est des cas sociaux. Les ch'tis, les Marseillais à Albi. dit, ils se séparent, ils se retrouvent, ils s'engueulent, ils se prennent la tête, ils reviennent, ils se reprennent la tête, voilà. Ils se font cocu. Ah, c'est exactement ça en plus. Bon, et toi, t'es cette meuf, tu la kiffes depuis longtemps ou c'est Ben, ça fait depuis, en gros, depuis la rentrée, mais je la connais depuis la sixième. Non, mais tu sais, si le mec c'est un cassos, celle c'en est une aussi, celle sera avec lui. Hein. Et elle est. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En général, bon. les chiens ne font pas. Pas des chats, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est pas faux, Romano, les chiens ne font pas des chats non plus. Ça, c'est vrai, tu as raison, en tout cas. Ça veut rien dire, mais tu as raison. Non, mais qui se ressemble, ça semble, voilà. C'est ça, c'est mieux, ouais. C'est très bien. Et t'en vas la peau de l'ours. Que la cruche se casse. Tu connais. Et toi, tu veux faire quoi? Donc, j'ai bien compris, tu veux sortir avec la meuf, mais il y a déjà des petits, voilà. Des petits signes comme quoi elle te. Comme quoi... Voilà. Ouais, voilà, exact. C'est quoi les petits signes? Mais je sais pas, tu vois, elle montre son boule. Comment ça, elle montre son boule? C'est-à-dire qu'elle vient vers toi, vous êtes dans les couloirs, l'hôtel baisse son froc, regarde. Ouais, en plus, la dernière fois, là, hier, là, elle se met accroupie devant ma bite, tu vois, son cul devant ma bite. Mais c'est pas toi qui te fais des gros films? Mais non, mais pas du tout. Mais non, moi, je pense que tu fais des gros films, toi. Ouais, en fait, la meuf, elle a fait tomber son stylo, donc il faut bien qu'elle se baisse pour le ramasser. Là, t'as dit, là, non, regarde, elle me montre son cul. Ah non, Dylan, elle ramasse son stylo, Dylan. Mais non, mais je suis sûr, il y a un truc, tu vois. Alors, tu penses qu'il y a un truc? Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a rien du tout. Non, mais ouais, je pense aussi. Et tu t'emballes un peu. Ouais, et tu voudrais qu'on trouve une solution pour ouais, voilà, des mecs qui ont eu pareil, tu vois. Mais tu veux quoi? Tu veux te débarrasser du gars? Enfin, te débarrasser, entre guillemets, bien sûr. Oui, pas l'éliminer. Oui, on va pas le tuer, mec. Non, on va pas l'éliminer tout de suite. Pas tout de suite. On va le garder un peu. Mais donc, tu veux des solutions pour essayer d'éloigner ce gars de la meuf. Donc, si vous avez des idées. On cherche des idées malsaines, en fait. C'est malsain d'essayer de briser un couple. Il s'aime peut-être. Mais c'est un couple de... C'est n'importe quoi, leur couple. Non, mais je te dis, mais elle est dans le même état que le mec, hein. Je sais pas à quoi tu t'attends, mon pote. Ah, mais tu veux juste la niquer, dans ce cas-là, bon. Ah, voilà. C'est là une belle histoire d'amour. Ouais, c'est romantique. J'aime bien votre romantisme, moi, du vendredi soir, en général, c'est pas mal. Hein. Bon, mais si vous avez des idées, vous nous dites tout ça. Moi, j'arrête les messages, je les regarde tout à l'heure. Vous laissez ça sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Et on y revient juste après. Ah, ça y est, on y est. Juste après la piqûre. Donc mais gros, il y a Cédric qui nous a envoyé deux autres infirmières. C'est magnifique. Regarde, juste derrière. On va aller saluer Samy, tu vas te faire piquer trois fois. On peut limite se faire piquer en simultané, quoi. Mais pourquoi il y a 50 infirmières là? C'est pour t'attaquer. Il y en a qui vont te tenir, Samy, puis. Il y a un service de sécurité. Ouais. Et il y a Vigile également qui vient de péter la gueule si ça dure trop longtemps. Moi, je prends celle qui a le plus d'expérience. Voilà. Bon. De toute façon, tu vas prendre celle qu'on te donne puisque ça va être le hasard qui va définir. Ah, Samy, vous voulez pas que je commence? Ah bah vas-y. Donc je commence et après on fait. Ah viens, tu fais pas chier le monde. Vas-y Romano, tire au sort si tu veux. Alors, non mais juste une main innocente. La mienne. Non mais demande à Noé là, il est là. Regarde. Bon Noé, tu vas tirer. Allez. Dans la coupe du clash. Va tirer au sort. Fais attention, il y a des mégots dedans. Prépare-toi. Ah, attention. Hop là. T'as pas truqué les bulletins. Tu as tiré qui? Marie. Ah, tu vas voir, ça va aller vite. Ouais, moi ça va vite. Alors attention. Marie, elle ne sent absolument rien. Tu ne t'inquiètes pas, elle ne sent rien. Non, mais j'ai pas peur des piqûres. Non, mais c'est peur de rien. C'est ouf que la plus courageuse de l'équipe, enfin j'allais dire à part moi, mais courageuse, moi moyen, mais le plus courageux de l'équipe, c'est la Marie. Non, bah c'est avec vrai. Les piqûres, hein, pas avec à vous. À part moi, bien sûr. Hein. Bah évidemment. Parce que tu me fous une migale. C'est même pas la peine de le préciser, dit Foul. Est-ce que tu as remarqué que j'étais modeste aussi? Oui. Très bien. Mais ton courage est légendaire. Marie, tu es sur Facebook Live, donc vas-y, sois courageuse, sois forte. Samy, tu seras sur Facebook Live, donc tu devrais être courageux. Hein. Mais c'est moi, Samy. Hein. Mais ça me dégoûte en fait. T'as, j'ai l'impression, moi. Ah, ça coule, mais ça coule, c'est un truc pour désinfecter. Ah ouais. C'est pas grave. Mais le mec a peur d'un désinfectant. Non, lui, il est terrible. Non, je croyais que c'était le truc du vaccin, ça coule. Alors. Ça pue. Je suis désinfecté de partout. Attention, oui, putain, comme tu dis. Frotte bien, madame l'infirmière, parce que je suis très sale. Bien sûr. Comme tu dis, Dylan. J'ai le bras très crasseux. Ouais, j'ai pas d'eau chez moi. Depuis 3 ans. Attention, Marie. N'importe quoi. Marie, elle se lave à la radio, du coup. Alors. Ouais. Dans le lavabo. Dans le lavabo, ouais. Dans les chiottes. Alors là, tu as fait quoi? Tu as sorti l'aiguille. Bah ouais, je vais dégueuler. Tu as désinfecté Marie. Oui, et tu vas la piquer. Samy, vas-y. Fais gaffe, il y a un mec qui va te dégueuler dans le dos. Voilà, Marie se fait piquer, attention. Samy, mais ne regarde pas comme ça, au moins t'as pas peur, quoi. Ça pique. Bah ouais, très bien. autre. Mais Marie, on sert un coup, Jeannot. Tiens, tu m'en remets une deuxième dose, s'il te plaît. C'est trop bon ta drogue. Je sens pas trop les effets. Si vous venez d'arriver, c'est la piqûre contre la grippe, j'explique. Marie n'est pas en train de se droguer en direct, on n'a pas fait venir une infirmière. Alors ça y est, Marie. Merci. Bravo. Bravo, Marie. Elle est vachement nickel. Elle est bien. Elle est bien, notre infirmière. T'as bien, Marie. Qui est là aussi. Ouais, j'avoue, il y a de la matière. Bon, Romano, une main innocente. Alors, une main innocente, qui veut tirer au sort? Vas-y, tire. Les filles, vous voulez pas tirer, non? Eh, Noé, si tu me tires, mon pote, ça va mal aller. Ouais, Noé, attention. Hein. Alors, Noé, t'as tiré. Samy. Oh non. Oh non. On est dans la merde. Bravo, Noé. Oh, alors, rendez-vous dans 2 heures. T'es sûr qu'il n'y a pas des pubs? Non, quoi que la dernière fois, c'était allé plus vite. Ouais, bah, de toute façon, ça va aller vite, t'inquiète. Bah, ouais, parce qu'on a les pubs dans 5 minutes. Hein, Samy? Attends. Autrement, il y a une autre infirmière qui veut. Bonjour, les filles. Bonjour. T'as l'air vous êtes infirmière aussi? Exactement. Bon, on pique Samy, après, vous le repiquerez. Hein. Non, bah, ouais. C'est super. Non, parce qu'il aimerait bien faire une prise de sang. Il aimerait bien faire un bilan, un peu, un check-up. On peut faire la totale, là. Alors, on va voir, vous pouvez aller voir ça en direct sur Facebook Live. Bonjour, Facebook Live. Ouais, tu perds ton bras. Je lui ai dit quel bras? Elle m'a dit, bah, c'était droitier, vaut mieux le gauche. Genre, si je perds mon bras, vaut mieux je garde mon bras. Mais oui, c'est bien vu, ça. Vaut mieux garder, et c'est vrai que si tu perds un bras, autant garder le bras avec lequel t'es le plus endroit. C'est vrai. Mi-temps à Nice. Putain, il est en train de discuter en disant qu'il avait regardé sur internet qu'il y avait des effets secondaires et il est en train de lui prendre la tête. Non, et elle lui a dit je peux te le faire dans les fesses si tu veux. Ouais, mais là c'est comme si je te coupe le bras, les fesses, choisis. Tu préfères quoi? La fesse. Je préfère le. Mais casse-toi, je fais les fesses. T'es mal, je vais les fesses, attends, je suis en bon jeu. Ouais, sérieux. Bon, allez, on fait le bras. Non, mais fais les fesses. Elle a décidé le bras. Et en fait, je suis droit. Oula, oula. Excuse-moi, je t'ai foutu un coup de micro. Ouais, c'est pas mal. Un bleu, peut-être. En fait, j'ai l'impression que mon bras gauche, je vais tomber dans les pommes. Ouais. Parce qu'il y a le cœur dans le bras gauche, non? Ah non, mais tu sais, des fois, les gens. Non, mais juste que tu nous casses pas les couilles trop longtemps. Il est relou, hein? Ouais. Ah, tu vois? Allez, Samy, c'est parti. Non, ouais, non, en fait, fais l'autre. Attends, me stressez pas. Heureusement que c'est peut-être pas une bonne idée, ce tirage au sort. Bon, fais le gauche, allez, voilà. C'est marrant, on a déjà changé 2 fois de bras. Heureusement que c'est pas une pieuvre, Samy, parce que autrement ça serait compliqué. Ah ouais, la galère, ouais. Ah, tu vas me prendre le 4e bras à partir à droite. Ah, gros carib. Attends. Hein, fasse une diversion. Et il faut pas être derrière lui. Tu veux qu'on le tape pendant ce temps? Samy, on me conseille de te foutre une baffe comme ça. Tu es diverti, tu ne t'en rends pas compte. Non, mais tu veux qu'on t'attache? Ah! Mais tu vois, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a tout le monde qui fait des blagues dans tous les sens. Bon, on arrête. Ta gueule, là. Pourquoi on fait ça en plus? Bah, c'est pour pas être malade. Mais oui, ça pourrait pas être malade. Ah putain. Bon, déjà, on va te mettre du coton, mais ça, c'est pas grave, ça fait pas mal. Coton avec du désinfectant dessus, de l'alcool dessus. Attention, c'est parti. Vas-y, Samy. T'es prêt? Et on compte à 3. Attends, arrêtez-vous là, les gars, là, parce que putain, je me sens vraiment pas bien. Je te le dis, ça va pas. Ouais, bon, vas-y, pique-le comme ça, il tombe dans les pommes, il arrête de me casser les couilles. Mais t'es sûr que t'es infirmière? Non, avec tout le respect que je te donne, non, parce que t'as fait tomber le truc par terre. Il est posé là et t'as bougé. Bah, faut pas bouger. Tu bouges pas. Bah oui, faut pas bouger, tu bouges pas. Sinon, je te mets une baffe. Non, mais on gueule-le, hein, vas-y. Hein. C'est bien, parle-lui. Si, mais parle-lui comme un débile. Oui, oui. Je suis sûr qu'il y a des enfants, ils sont plus cool que lui, non? Oui. Ouais, t'as vu, Samy? Ouais, pourquoi tu souffles? Parce que je te jure, je le sens pas. C'est pas bon là, t'hyperventiles, mec. Ouais, mais j'hyperventile grave, tu vois, mais je transpire. T'hyperventile, c'est quoi cette expression? Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se dit. Il te tienne la main. Et t'imagines, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 téléphones autour de toi. Si tu me fais mal, je lui casse le bras. Je veux pas te mettre après. Samy, faut que tu sois courageux parce que le moment est immortalisé par toi. Ce qu'elle a dit, ça va, c'est pas mon fils. Bon, alors allez où ta fille là? Je ne te laisserai pas. Non, c'est bon. Allez, on y va. Attention. Attends, je me concentre. Tu veux que je te mette la musique, Samy? Redésinfecte-moi. Tiens, c'est pour toi, Samy. Je vais avoir peur avec cette musique. Tu es redésinfecté. Comme ça, tu vois, t'es désinfecté 2 fois. Ah putain. Mais tu me désinfectes. C'est bien un Marseillais, hein. Je vois les messages que vous me laissez depuis tout à l'heure. Tu es bien Marseillais, Samy. Regarde-moi. Je maigrais à la Tony, ça te dérange pas, Samy? Non, c'est bien, Romano. Attends, juste un truc avant. Je suis désolé, mais des fois, il y a des gens. Non, mais il va falloir y aller maintenant, monsieur. Non, mais j'ai parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Allez. Ah, on en a marre dans la salle d'attente. L'autre con, il arrête de gémir ou pas? C'est vrai. Plus tendu, plus ça va faire mal. Mais oui. Plus tu vas être tendu, plus ça fait mal. C'est normal, c'est élastique là. Non, mais t'es bien gentil. Parce que moi, j'en serais déjà pris une. Toi, tu pourrais pas être infirmière de Samy, Romano. Ah non, mais c'est un relou. J'arrive pas à me détendre. Mais si, regarde, cool. Wow. Allez, cool, Raoul. Allez. Ah, vas-y. Va. Donne tout ce que t'as. Donne tout. Aïe. Ah, putain. Ah, encore, mais tu le fais 2 fois. C'est trop long. C'est trop long. Ah, je me sens pas bien. Et voilà. Ouais, bravo, ouais, Samy, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Franchement, 2-2. Ah, 2-2, c'est le du monde. C'est bien, Samy. Le mec fait un sketch pas possible, alors que genre, il a sauté en parachute, tu vois, normal. Ouais, mais ça, quoi. Mais ça, je préfère le parachute que ça, tu vois. C'est quand même la prochaine fois, vous sautez en parachute tous les deux, tu me piques, quoi. Ouais, dans les airs, ouais. Le tirage au sort, qui fait le prochain tirage au sort? Ouais, ça va. Vas-y. J'ai la tête qui tourne. On voit. Alors, tu tires. Voilà. Ton prénom, c'est? Franchement, j'ai honte. Karim. Alors ça c'est Karim. Romano. Non, Karim. Non, c'est Karim. Le prénom que t'as tiré, c'est donc Karim. C'est pour toi, dit, moi, Karim. Je fais Ramadan, les gars. Oui, non, j'aurais pas dû faire le tirage. Eh, vous allez me niquer mon Ramadan. Putain, moi aussi, j'avais passé le premier, comme ça, c'est géré après là. Déjà, Samy, il a fait galérer. Eh, toi, tu. J'ai pas fait galérer, oh, ça va. Non, mais c'est toi, non. Non, c'est toi, Karim. Je m'appelle pas Karim. D'habitude, il me tient un quart d'heure à se faire piquer. Tu vois, t'es allé plus vite aujourd'hui. Bravo, félicitations. Chapeau. Ah, moi par contre je voulais demander, je le sens pas sur le bras, tu peux me piquer les fesses? Cochon. Faut comment? Faut que je me cambre? C'est trop mal. Oui, oui. Ouais, il faudrait que tu te mettes à quatre pattes sur la table. Tu fais comme à la maison, Karim. Mets-toi à quatre pattes sur la table. Et t'écartes bien la nuque. Non, bah tu vas me faire le bras finalement. C'est comme ça la piqûre. Bon bah Karim, c'est lui. C'est moi. C'est lui, ouais. Ah, tu veux piquer? Ah bon, on a les autres infirmières qui arrivent. Attends, c'est quoi? C'est quoi ton prénom? T'as pas vu, elle a amené une trousse avec elle, c'est bizarre. Allez hop, Alison pour Alison. Karim. Et Alison, elle se frotte les mains, Alison. Ouais, salut, Karim. Vas-y, Karim, tu vas voir. Tu les ai lavé. Non, elle se lave les mains. Alison, c'est une salle. Non, moi, je dois, franchement, Patricia, de toutes les fois où on m'a piqué, c'est la fois où j'ai eu le moins mal. Je tiens à te le dire. Ah, tu vois? Patricia. Non, mais. Mais je suis très contente. Parce que d'habitude, on avait des élèves infirmières, et toi, ça se voit que t'as l'expérience. Ouais, non. Non, mais ça faisait pas mal, c'était bien. Oh, ça va. Oh, non, non, il y a plus vieux. Regarde, regarde Marie. Je rêve. Bon, Karim, t'es prêt? C'est parti, man. Ah, finalement, t'abandonnes le cul. Moi, je suis un bonhomme, moi, gros. Allez, un bonhomme, Karim. Ouais, elle m'a dit, je le fais pas après. Je lui dis, vas-y, s'il te plaît. Donc, sur le bras encore, Karim. Ouais, le bras gauche. Vous me direz qui est le plus courageux de l'équipe tout à l'heure. Attends. Bismillah. Je pense que Samy sera dans le peloton de tête des plus courageux. Ah, ta race. Ouais, mais tu m'as fait mal. Ah, ça y est, t'es déjà piqué. Non, non, c'est dedans. Alison dirait qu'elle me tue. Quelle de Karim. C'est une bourrine, Alison. Ah ouais, fais le pas avec elle, hein, Romain. Je vais rester sur les classiques, je vais prendre Patricia, moi. Comment elle enfonce, gros? Il y a le truc en plastique qui rentre dans le bras. Non, mais de toute façon, j'ai senti dès le début. Déjà, elle se frottait les mains. J'ai tiré mal. C'est pour ça que tu voulais faire à Samy. Alison, tu es une sadique alors. Exactement. Exactement. Et eh ben c'est bien qu'elle soit passée avec Karim. Super, Alison. Très bien. T'es venu avec une collègue à toi. D'ailleurs, elle est où? Tu piques toi aussi? Ça va bien là. Tu piques, Romano? Ouais. Regarde. Attends, ton infirmière personnelle. Pourquoi mon infirmière personnelle? Pas parce qu'elle est là. Elle est contente. Elle est venue pour toi. Bah attends, ça peut être. Non, mais elle préfère piquer Difool, je suis sûr. Tu es une fan. Ah, en formation, gros. C'est pour ça. Vas-y. Je suis diplômée depuis 2 ans. Ah, ok, d'accord. Attends, on n'a pas n'importe qui. 2 ans ou 2 jours? Tirage au sort, Romano. Diplômée d'un BEP vente, par contre. Rien à voir. Mais bon, c'est bon, ça passe. Tranquille. Alors, entre il reste deux à piquer. Tire au sort. Ah, bah infirmière, quand même. Il reste deux à piquer, ou toi ou moi, Romano. Allez. Tu tires qui? Attention. Alors? Difool. Ah, voilà. Il passe en dernier, Romano. Difool, bonheur. Patricia. Tu voulais pas. Pourquoi Patricia? T'es prête? Pourquoi c'est Patricia? Parce pour que Patricia, j'ai un bon feeling. Et puis j'ai vu qu'elle t'avait pas fait trop mal. Ah, me touche pas, j'ai mal encore. Bon, faut que j'enlève le sweat. Non, c'est vrai qu'elle pique bien. Oui, faut mieux. Oui, parce qu'à travers le sweat, ça va être difficile quand même. Tu risques de nous exciter. Attention. Beaucoup, Difool. Et en plus, on est attention, filmé. Attention, les filles. Oui. Salut les filles. Prends ses abdos. C'est incroyable. Ah ouais, c'est wow. Dingue. Ah ouais. Wow. Ça, y a des du béton. Hein. Ah ouais, il a un seul abdal. Ouais. Et il y a Romain qui filme sur Facebook Live, qui comprend rien. Je montre mes abdos, lui il fait un gros plan sur ma tête. Non mais c'est pas où c'est les abdos. Ouais, c'était sur le visage. Ouais. Allez, bon. Ah voilà, ça, fait voilà, ça commence. Alors, c'est à moi, Patricia. T'es tiens, on peut pas peur. Mettre la musique qui fait peur, toi aussi. Si, attends. Tu avais lu un truc. Voilà. Moi, j'ai pas peur. La pression un peu. Non. Vous savez qu'il y a déjà. En fait, c'est pourquoi Difool il met de la musique, c'est pour marquer, ouais, masquer ses cris. Je ne crierai pas, Romano. Si, déjà, il a fait. What? Il va faire des cris de biatch, gros, tu vas voir. Vous avez déjà entendu. Et droite ou gauche? Non, ben gauche. T'es droitier ou je suis droitier, ouais. Ben, l'autre. Gauche, allez, gauche. Ouais, alors, gauche. On va me piquer. Je vais te laisser un peu de place, parce que. Alors, attends, je te laisse un peu de place. T'as vu, il est chiant comme patient. Ah, oh, Samy. Ah, quel relou, celui-là. Ah, ouais, t'as vu comme il est. Alors, hop là. Donc, je montre mon bras musclé à la France entière. Là, tu vas me désinfecter. Putain. Il est pas serein. Il faut que je me détende. Oui, je me détends maintenant. Ah, il a des frissons, il a la chair de poule. Ah, par contre, moi, il faut que je m'accroche à un meuble hein, pour me faire piquer. Ah, bah, Attends, il y a ton infirmière qui non, dit non, tranquille. Non, mais laisse tomber. Alison, déjà, c'est mort. Et la collègue, je la sens moyen. Ah ouais? Attends, non, alors, non, non, elle vient de me dire, j'ai pas mes lunettes. Tu vois mon bras quand même. J'ai pas mes lunettes. C'était pour rire. Moi, je rigole plus là. Faire des blagues, et donc je peux aussi en faire. Celle-là était pas mal, Patricia. Elle a fait plus de blagues par contre maintenant. Je respire. Aïe, aïe, aïe. Samy qui est mal pour toi. Ah, les crimes. C'est fini. Oh bah voilà. Ah bah oui. Mais alors vraiment. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Je te le refais. On avait dit Jérém Star dans le studio. Non, je suis Diffoul, Romano. Oh, on va tirer le dernier papier, Romano. Ah. Mais il n'y a pas besoin de le tirer, bah c'est moi. Hein. Ah, bah non, on va tirer, on va vérifier. Ben merci. Ah bah non, mais j'ai tout foutu en l'air, donc attends, le dernier papier. Ah bah tu retires au sort, gros, un nouveau tirage. Oh, c'est un nouveau Diffoul. Bon bah écoutez, les gens qui ont peur des piqûres, moi vraiment. Je dirais même que ça m'énerve. Ouais, genre. Ces gens qui stressent pour rien, ça m'énerve. Vous savez, heureusement que je le fais. De toute façon, on n'a pas le temps de le faire maintenant, du coup, moi je laisse tomber. Pourquoi? Non, non, si, non, non, vas-y. Les pubs, elles arrivent là. Ah bah oui, les pubs. Là, Trad, il reste 7 minutes. Non, non, mais là, non, on peut pas, ça m'est déjà 22h54. Je t'apprends un peu le métier. Là, il faut lancer la pub. Non, mais. Qui pique Romano? Bah, celle qui a pas. Ah bah ça va, c'est pas un jeu. C'est pas le truc. Non, mais c'est. Moi. Allez, qui veut? Moi. Bon. Romano, dans un instant. Non, mais t'es sûr, tu sais. T'en as déjà fait? Mais si, elle en a déjà fait 2 ans. Tu es une professionnelle de la picouse? Ah, ce qui paraît, oui. Oh, bah, Romano, ah, voilà. Une pro. Allez, on va essayer. Allez, vas-y, après Alison, après Patricia, c'est le tour de. Léa. Léa. Non, mais Léa, il faut te mettre à l'aise, hein, parce que tu me piques pas avec ta doudou. Je sens pas. Il faut respecter quand même un peu l'hygiène. Dans un instant, Léa pique Romano, préparez-vous. Et pour faire monter la pression, Romano te pique dans 5 minutes. Bah ouais, j'ai pas le choix. Bah non, tu n'as pas le choix. C'est comme ça, ça te permet de. J'ai juste le temps de me barrer. Il va partir avec ses petites jambes. Bon, bah moi, je vous souhaite un bon week-end. Bloquez les portes. Bloquez les portes dehors. Et puis on revient avec Dylan. Ah, ah oui, Dylan, il veut casser un couple parce qu'il veut sortir avec une meuf qui sort avec un déchet. Nous ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça, Dylan. Dans un instant. Le mec, c'est un casseuse, quoi. Ouais, on s'occupe de toi, Dylan. Tu bouges pas. Et vos réactions en direct. Allez-y. En parlant de casseuse, Cédric est joignable? Non, toujours pas. Bon, la radio libre est là. Vous êtes là, nous aussi. Écoute Alonso et Binta et juste après Romano. Ouais. La saga des places de concert continue sur Skyrock. J'suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims. Et Soprano. C'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. C'est Jul. En concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Écoute Skyrock toute la journée. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Après, par exemple, avoir fait une certaine période de service civique, je voulais savoir déjà ce que ça pouvait nous apporter. C'est une expérience et ça peut être l'occasion de la découverte d'un milieu professionnel. Mais ça peut être une expérience plus large. D'une manière générale, ce que nous disent les jeunes volontaires, c'est un moment où on a estimé qu'ils étaient capables de mener à bien une action, de prendre des responsabilités et donc ils sortent de là beaucoup plus sur deux, notamment pour affronter le marché du travail. C'est là que l'expérience acquise, l'enrichissement est la plus frappante pour eux. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Monsieur Richard. Tom Cruise est. Jack Richard. Jack Richard. Ses règles. Je suis pas la loi. Son style. Rester zen. C'est plus gros que je l'imaginais. Privilégier la discrétion. J'aime pas qu'on me suive. Toujours un temps d'avance. C'est un coup monté. Jack Richard, never go back. Tom Cruise. Le 19 octobre au cinéma. Là, c'est l'heure de la chasse. Concert. Approche, écoute, hoche, la tête s'y accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. Sniper en concert avec Skyrock. 22 novembre, Zénith de Paris. Brûle, brûle, Babylone brûle. Toutes les infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Breakdown. Skyrock.

tous les soirs sur Skyrock. Bah écoute Karim, 1 million d'euros, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. T'en as des questions à la con, toi. Ouais, mais si vous avez vous aussi des questions à la n'hésitez con, n'hésitez pas. Comme on est encore plus con dans l'équipe, vous pouvez y aller. Hein, n'hésitez pas. 41759 skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages, vous débarquez ici. On est au téléphone avec Dylan. On aura des réactions pour Dylan. Hey, on va pas le faire à minuit, hein, mon. Mais on va te piquer. Romano est très impatient de se faire piquer. T'entends ça, Dylan, hein? Ouais, j'entends. Et, est-ce que tu as entendu, je remercie d'ailleurs les millions de messages. Non mais t'as gémi, hein. Qui m'ont dit que j'étais très courageux, le plus courageux de l'équipe pour l'instant, d'après les messages que j'ai vus. Ah, tu vois, Dylan. Non mais t'inquiète, Dylan, t'auras cadeau. Oui, mais bien sûr que tu en auras même deux, d'ailleurs. Ce qui est impressionnant, c'est que Difool, il a couiné avant qu'on le pique. Oui, c'est vrai, ouais. Mais non, je vais pas couiner. Ah mais si, mais on ressortira les sons, tu verras. Mais non, mais c'est. Fait. C'est couiné. Mais non, c'est quelqu'un qui était derrière. Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un qui avait peur pour on moi. On a tous entendu. Hein. Regarde qui est à côté de toi, Romano, juste à ta droite. Ouais, mon infirmière. Tu sais que et on a choisi pour toi parce qu'on a eu Patricia qui a piqué. Ah, ouais. Patricia elle a bien piqué. Alison qui a bien piqué aussi. Ouais. Quoi, Alison a priori elle a piqué moyen. Ah ouais, un peu gros. T'as bougé, elle me disait que t'avais bougé. Mais t'es fou quoi, elle a joué aux fléchettes, elle a fait pack. Ouais, tiens, vas-y, je t'injecte le produit. Non, c'est vrai. Tu dis Alison. Il a bougé, c'est lui. Ouais, mais de toute façon, c'est toujours de la faute des Arabes. T'as bougé. Allez. Et donc maintenant, c'est au tour de Romano. Et alors, des messages pour Samy, parce que j'ai regardé les messages que vous aviez envoyés tout à l'heure. Ouais, parce que j'ai pas eu le temps. Alors, allez, Samy, non, t'encourage. Ouais, regarde, Amandine. Alors, juste après, quel fiote message de Papon. Ouais, allez, Samy, représente l'OM, nous dit Nassim, 21 ans. Je peux le bifler pour le calmer un peu. C'est le thug qui proposait de te bifler. Non, ça va, merci. Je vous remercie de vos techniques. Pip bif, sympa. Bon, en tout cas, déjà, on remercie les infirmières. Merci de votre soutien. Bah, attends, ouais, moi, je dirais merci après. Hein. Tu dis pas merci, t'as vu? Vas-y, fais-le souffrir. Il est méchant, il a pas dit merci. Ah, je lui dirai merci après. Bon, alors. Viens voir. Donc présente-nous ton infirmière, Romano. Et tu sais qu'on l'a choisie spécialement pour toi puisqu'elle travaille en neurologie. Et voilà. Donc neurologie, c'est quoi, Karim? Il est où, Karim? Il est là. T'es où? Vas-y, Einstein. C'est quoi, neurologie? La tête. Bien joué, la tête. Mais également l'argent, puisque neuro. Et il est content, regarde, il est content que tu le piques et que tu travailles en neurologie. Ah ouais, je suis grave heureux, ouais. Très bien. Bon. Alors. Ben, on va me piquer, hein. Mais j'espère bien qu'on va te piquer, Romano. C'est prêt, le matériel? Ouais. C'est tout prêt. Vous êtes en pleine piqûre. Attends, il faut lui donner le micro. Vous êtes en pleine piqûre de la grippe. Tiens, Romano. Ah ben, elle va avoir les mains prises. Je donne le micro. Tiens, il faudrait que quelqu'un tienne le micro. Ah. Allez. Attends, il a besoin de 50 assistants. Viens tenir le micro. Vers la bouche, tu lui mets. On vous fait bosser. Ah ben, lui pas dans l'œil quand t'es le pique. Ouais, voilà. Alors, Noé, ce que tu fais, le micro, au moment où elle va rentrer dans le bras de Romano, l'aiguille, tu lui fous un coup de micro sur le nez pour qu'elle ait un petit geste et qu'elle fasse mal à Romano et qu'elle casse l'aiguille dedans. Il a déjà été cassé, le pauvre. Toi aussi. Ah ouais, tiens. Non, mais je te rassure, il est moins pire que celui de Diffie. Ah ouais, bah ouais. Ah bah, c'est rassurant. Bon, c'est bon. Allez, le dernier à se faire piquer ce soir. Attends, ça te dérange pas, je me tiens à la table, hein. Romano, t'as vu les messages? Il y a 99% des messages qui disent que j'ai été le plus courageux. Elle est pas serein. Mais c'est. Non, elle est pas serein. Rade tout à l'heure, je la regarde, moi je dis rien, elle est pas serein. Rade ses mains, comment elle les tient. Mais en fait, t'as un diplôme? Il est à ton diplôme? Ah bah pas avec moi, t'imagines. Comme par hasard. Romano, il demande des papiers, c'est pas pour un keuf ce soir. Bah oui, non, mais c'est Samy qui me met le doute. Mais non, parce que c'est chelou, elle est arrivée comme ouais, ça. Ouais, il y a un truc bizarre. Ouais, je lui ai piqué. Ouais, tiens, salut. T'es prêt? Oh putain! J'ai même pas commencé à désinfecter là, quand même. Ah bah non, mais vas-y, désinfecte. Ah ouais, il y a du boulot là. Je suis quand même un bonhomme. On commence à désinfecter, tu finis à minuit. Faut désinfecter. Oh, mais ça fait rien, ça, Samy. Ouais, ah, mais regarde ce qui arrive après, tu vois. Ouais, c'est là où ça se gâte, ouais. Effectivement. Ah, salopard! Alors arrête de dire salopard, j'y suis pour rien. C'est ce qu'on te dit fou qui a organisé ce truc. Une surprise que je voulais vous faire ce vendredi. Regarde comme elle est. Non, mais ouais, il faudrait vous retourner. Bah non, je te jure, non, parce que ça met la pression, il y a tout le monde qui me regarde. Non, mais t'es sur Facebook Live en plus. Ouais, mais c'est pas pareil, je vois Skyrock pas. Skyrock FM, hein, tu sais, je vois pas tout le monde en face. Les gens qui te regardent. Ça met des cœurs sur Facebook Live. Calme-toi. Ah, t'es sur Péri, toi, il est où le Facebook Live? Ah, il est là, d'accord. Coucou Facebook Live, coucou Periscope. Oh là là, attends. Ah, mais t'es. Ah, mais t'es. Tu passes vachement fort. Tu m'étonnes que je vais pas sentir l'aiguille, elle est en train de m'arracher la peau avant. Faut que je redésinfecte là. Et maintenant, faut redésinfecter. T'as mis tes gros doigts sales dessus. Et voilà. Et voilà. Et en plus, je me fais engueuler par l'infirmière. Et ouais. Ah bah, on le service, c'est plus que c'était. Hein. Au prix où on paye. Attention. On compte. Déjà, commence pas à crisper parce que là, ça va pas rentrer. Oh là là. Tiens, je te mets une musique, Romano. Non, mais ça va pas rentrer, mais normalement, ça rentre toujours. Je fais toujours ça tous les ans. Plus mal. Détends-toi. Oh là là. Détends-toi, écoute. Détends ton bras. Non, non, on va te faire, hein, je t'enlève cette musique. Allez, allez, je te jure, tu oui, passes, mais tu me fais. Non, mais tu me. Ah, mais arrête de t'approcher, mais comme qu'est-ce ça. Que moi, il te suit. Non, mais, hey, mais arrête de bouger. Non, mais t'as vu comment elle m'empoigne le bras, mais je vais avoir un bleu. Non, mais surtout, regarde les normal. Ah, mais. Mais ah, bah, je suis pas sûr. Bon, vas-y. Attention. Oh, là, là, là, là. Elle approche l'aiguille, elle la rentre. Hop. Oh, putain. Ça va, Romano? Il souffle. Ça va, Romano? Mais qu'est-ce que tu branles? T'as pensé ah, mais qu'est-ce que tu. Mais elle vide l'aiguille, la seringue. Ça va? Ça va, tranquille. T'es tout blanc. C'est chaud. Mais t'es tout blanc. Chaud, hein. Non, mais en fait, elle est pas mal ta technique. Pourquoi? Parce que tellement tu pinces fort, c'est-à-dire que l'aiguille, tu la surmènes pas rentrée. Ouais. Ah, voilà. Pas mal. Bravo. Bon, tu perds bravo, le bras, mais... bravo. Eh bien, bravo. Oh là, bravo à nos trois infirmières ce soir. Ah, merci. Ouais. Merci. On est tranquille pour l'année. Un an. Et à vos délires le plus courageux. Alors pour l'instant, 99% des voix sont pour moi, mais vous pouvez aussi voter un peu pour Marie. Hein. Mais on ne sait pas quoi faire des vieilles seringues. Oh, Marie les récupère. Je vais les récupérer pour mon fils. Ouais, bien sûr. C'est pour mon fils et c'est au week-end avec ses copains. Non, mais ça va. Non, mais Patricia les récupère. Bon, ben, bah, merci à vous. Merci. Bon, déjà, merci à la famille bah oui, de Patricia beaucoup, qui est venue avec tout le monde. Bah, ouais. Ça va, les filles? Ouais. Très bien, ils sont sympas dans l'équipe. Ouais, ils sont très sympas. Tu as trouvé que j'étais le plus courageux aussi? Oui. Vous entendez quand même, ah, hein. Putain, mais... Toi aussi, tu as trouvé que j'étais le plus courageux? Non. Non, non, voilà, non. Voilà, dans ta merci. Gueule. Pourquoi non? Bah, Marie, elle est plus courageuse. Ah, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais Marie, elle est à 4 grammes, elle sent plus rien, Marie. Mais non. Marie, en fait, faut même pas lui désinfecter le bras, tout est désinfecté à l'intérieur. Non, t'inquiète. Et donc, qui était le plus courageux? Marie. Ah, merci. Il veut te serrer, Marie, Noé. Bon, bah, merci en tout cas, merci Alison, merci les filles, bisous à toi, tu es très bien piqué, Romano. Bah, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, reste un vaccin. Bon, on fait tourner pour en plus. Allez, on fait un tirage au sort. Non, on va le mettre dans la roulette. Ouais, on, cool. met, on met le vaccin dans la roulette, là, tout à l'heure, là. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, c'est gentil. On n'a pas été trop relou, ça va? Non, ça va. Ça va, les. Alison, on n'a pas été trop relou? Trop mignon. Oh, c'est mignon. C'est gentil. Bon, ça va, vous avez assisté à la séance de torture, ça vous a plu, c'est mieux qu'un film d'horreur. Ouais, c'est sûr que là. Lui, c'est un sadique. Ouais. C'est un sadique, le Noé. Il y a le médecin de Cédric qui m'a dit que c'est pas incompatible avec ce qu'il a eu, qu'on peut lui faire lundi. Ah bah voilà, ah, regarde. Nickel. Voilà. Moi, je le pique. Attends, lundi. Mais Cédric est en ligne. Ah non, il est pas. Attends, vas-y, je le rappelle. Il est en train de se laver le visage pour ne rien cacher. Donc, on garde le vaccin. Oui, parce qu'il avait le visage très gras. Et donc, il est. Voilà, je me suis endormi dans ma friteuse. Bon, bah, c'est gentil. En tout cas, merci à vous d'être. Merci à vous d'être passé pour rester un petit moment. Un petit moment. Dans... Oh, vous avez pas vu les studios, tout ça? Vous avez pas fait visiter? Vous allez voir, magnifique les cieux de Skyrock. Ouais, on va dire à Oran de faire visiter. Waouh. C'est cul. Bon, bah, c'est gentil tout plein. Patricia, merci beaucoup. Tu m'as super bien piqué. Les ouais, filles, les filles, vous êtes super. On vous embrasse. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à tous. Vous avez un petit message à passer? Non, tu voulais passer un message Délicace. À quelqu'un? Nos amis infirmières. C'est surtout un petit message parce qu'actuellement on est en grève en fait. Ah, tu fais grève? Avec de revendications. Ah, t'es venu avec des banderoles. Je suis venu avec des banderoles, mais avec un message en fait donc d'une amie. Profite. Qui disait en fait que là actuellement il y a un gros souci sur l'hôpital public, il y a une réorganisation en fait de l'emploi du temps qui fait que bah c'est en train un petit peu de détruire tout ce qu'on avait mis en place. On va vraiment avoir beaucoup moins de temps avec les patients. Battez-vous les infirmières. Bah oui. Et du coup voilà, c'était surtout pour à titre informatif pour les gens, si on se bat, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour vous, quoi. Merci, bah on l'a vu ce soir. Attends, le message, bravo. On a vu. Merci, merci à vous en tout cas d'être passé. Super la famille, ciao. Tu trouves vraiment j'ai pas été le plus courageux? Non. Enfin, non, là, là, tu me lâches, c'est toi qui l'as faite. Ouais. Ah, en plus, c'est toi qui l'as faite. Bon, regardez. Ouais, non, mais et pourquoi tu te fous sur la pointe des pieds? Parce que comme ça, il a l'impression d'être plus grand. Il a l'impression d'être plus grand. Bon, ben, courageux, quoi. Merci à vous, on vous tiendra au courant. Puis on verra s'il y a des effets secondaires d'ici minuit. On peut peut-être vous rappeler avant minuit s'il y a un petit souci. Hein. Pour le procès. Bon, ben, c'est sympa d'être passé. Merci à vous. Merci au docteur Cédric. Salut, chef. Merci. À la prochaine. Merci, ouais. Franchement, t'as eu du courage de soigner Cédric comme tu l'as fait. Ouais, et... Tu mérites une médaille. Merci, Patricia. Merci. Ciao. Merci, les filles. Merci, Alison. Merci, Noé. Merci. Ciao. Merci d'être venu. Eh bien, voyez, quelle équipe courageuse. Et bonne grève à toi. Merci. De rien. Bon, eh bien voilà. On est le plus courageux, c'est Difool de Skyrock. Difool est vraiment très courageux. Quel courage, Difool. Comme tu es fort, Difool. Oh, Difool, j'aimerais avoir ne serait-ce que 10% de ton courage. Tous ces messages. Mais comment défilent, tu fais pour lire les messages défilent. Alors que tu me regardes? Eh bien, parce que je les ai tous en tête, Romano. Je les ai lus il y a quelques instants. Tu les as appris par cœur, c'est ça, ouais. Ça sentait que je les inventais ou oui, pas? Oui, un peu, là. Ah oui, d'accord. Ça en a fait un peu trop, là, quand même. Non, mais je ne peux pas les lire, Romano. Tu sais pourquoi? parce que ça défile trop vite. Ah ouais, c'est ça. Donc je prends des bribes de messages à droite, à gauche, au centre. Ouais, tu fais un mix, quoi. Exactement, ouais. Parce qu'il y a Cariole qui veut le faire. Elle veut se faire piquer lundi. Je la pique. Je peux la piquer, Romano? Elle a peur des piqûres, elle. Ah hein non mais c'est Samy, mais c'était pire. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que toi ta meuf elle est relou. Putain, ouais, non mais elle. Non mais déjà elle rentre dans un hôpital, elle tourne elle connaît ses déjà, ouais. Elle a failli tourner de l'œil donc. Ouais, ça non mais c'est normal, ça sentait mauvais dans la chambre de Cédric. Non, non mais même avant hein, on était dans la cour, elle était là déjà. Oh, putain, je me sens pas bien. Ouais ouais, elle a horreur de ça. Bon, ah je... oui, et puis les piqûres, ouais, c'est un calvaire. Ouais. Tiens, Momo de la gare, Difool, tu es trop courageux. Comme d'habitude, mais ça ne m'étonne pas. Arrête de mytho, Difool, c'est Marie la plus courageuse, une warrior. Mais la Marie, elle sent rien, c'est quand même. C'est quand même. Ouais, mais Marie, elle est hors concours, elle est blindée. Elles ont de jolies voix, les infirmières. Mais elles étaient sympas, nos infirmières. Il était en kiff derrière sa radio rec en imaginant nos infirmières. Oui, il y a eu plein de messages pour les voix des infirmières. Ouais. Mais ouais, mais on a choisi les meilleurs. Les meilleurs sont sur Skyrock avec vous tous les soirs en direct. Romano, trop rigolo, il panique le man. Non mais attends, on m'a jamais pincé aussi fort pour me faire une piqûre. Mais au final, et, qui c'est qui a non eu... mais la technique elle est pas mal. Qui c'est qui a eu mal? Patricia pique super bien. Ouais, non moi ça va. C'est juste qu'elle me tenait le bras avant, elle me faisait très mal. Ouais. Toi elle est partie loin aussi, elle a pris l'élan comme ça pour te piquer. Genre, ah ça j'ai préféré ne pas regarder. Ah, ouais. Moi j'ai regardé, je me suis dit elle va le louper. Ouais, non mais je regarde pas, ça je peux pas regarder. Bon alors, merci en tout cas pour tous vos messages et on vous donnera donc le plus courageux de l'équipe. Mais a priori ça il y a pas photo hein, depuis tout à l'heure. Je pense pas que le reste de l'équipe puisse me rattraper, refaire leur retard. T'as une telle avance. Mais oui, le courage. Difool égale courage. Merci, ça c'est un très beau message que vous pouvez envoyer sur Twitter. Difool courage. Ouais, c'est ça. C'est bon ça, Difool courage. Tiens, on va avoir du courage là tous ensemble. Cédric, il est là ou pas? Ah ouais, il arrive, oui, dans un instant. Il arrive avec nous. Bah oui, pour se laver le visage, c'est long, ça, Cédric. Il y a des mentons. Voilà, il faut que j'écarte mes mentons pour laver entre. Ou, parce qu'autrement, il y a de la, ça fait de la pâte. Il y a de la pâte entre mes mentons. Ah, putain. Et bon appétit, bien sûr. Et bon appétit. Et en direct sur Skyrock jusqu'à minuit. Il est quoi? 22h14. On se prépare à draguer tout à l'heure avec Pamela. Pamela doit séduire un homme avant minuit. J'espère que aucun ça va bien problème. Se passer. Ça va, Pamela? Tu veux pas te faire piquer, toi? Si, tu veux te faire piquer, mais avec une grosse seringue. Une grosse aiguille avec plein de jus dedans. Eh bien, j'ai Christophe qui est peut-être intéressé par toi. Écoute bien. Ouais, salut, Christophe dans le 64, je cherche à rencontrer un tricot qui me souvient tout seul la nuit à mon boulot. Mmh. La nuit à son boulot, tout seul. Tout confort, pas de sympa. Ah bah ouais. Donc voilà. C'est quoi, Renault Scénic tout confort? Ouais, mais il a oublié de mettre son numéro, le con. Ah oui, il est abruti, lui. Ah bah oui, c'est con, t'as laissé un message à Pamela, elle pourra alors, pas te rappeler. T'as l'impression que t'es d'être sur le bon coin. Renault Scénic tout confort. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. 52 000 km, diesel. Je baisse dans le Renault Scénic. Je vous baisse dedans. Hein. Ouais, ah bah oui. Bon, les pervers de Pamela arrivent tout à l'heure, avant minuit. Sinon, on était avec Dylan, qui est à Albi avec nous. Re-salut, Dylan. Alors, oui, Dylan, bonjour. Nous allons t'appeler. Oui, bonsoir, on s'est déjà parlé, Dylan. Hein. C'est nous qui nous ont piqué, c'est toi qui as les effets secondaires. C'est dingue ça quand même. Non. Donc Dylan, 14 ans, t'es à Albi et tu kiffes une meuf qui est en cours avec toi, enfin qui est en cours avec toi, qui est dans le même bahut que toi. Mm-hmm. Mais elle sort avec un mec qui est en quatrième et un mec que tu as décrit comme étant un déchet. À Cassos. Donc tu voudrais récupérer la meuf, sortir avec elle. Ouais, c'est et ça. Donc que faire pour briser le couple? Si vous avez des idées, si vous avez une petite expérience, même si vous êtes déjà arrivé à la même chose, vous pouvez nous dire comment vous avez fait, vous nous racontez tout ça, vous nous faites vos témoignages. Mais elle, c'est pas une cassos, mais... elle. Et ça donnera peut-être des idées à Dylan. Mais non. Bah, non mais t'es sûr? Bah attends, la meuf, elle sort avec un cassos, pourquoi ça ne serait pas une elle? Mais non, mais l'amour. Bah, Marie, elle est déjà sortie avec un cassos. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Dylan? L'amour en aveugle, comme on dit. Oui, c'est pour ça que je dis que Marie était sortie avec des cassos, mais c'était la seule à pas s'en rendre compte. Ah non, pas Marie. Voilà. Bah si. Ah non, bah, c'est sorti avec plein de cassos. Non, mais tu disais tout à l'heure. T'avais vu, elle passe à autre chose. Non, hein, parce que j'ai essayé de dire ça tout à l'heure. Tu disais que c'était une allumeuse, en fait, la nana, dans le bahut et non, tout c'est ça. C'est pas une allumeuse, elle fait tomber son crayon, elle le ramasse et c'est Dylan qui se fait des plans derrière en bandant dans son jogging. Ah, mais t'avais dit un autre truc, elle montrait son cul, non? Non, mais oui, bah, bien sûr, la meuf normale, elle arrive dans le bahut. Tiens, qui veut voir mon cul? Le cul à l'air, tu sais. Voilà, je baisse un peu mon pantalon, je défile un peu dans les couloirs. Alors, des méthodes que vous nous laissez. Tristan, tu salis sa réputation, tu balances des conneries sur le mec, il nous dit Tristan, 16 ans. On a Astre du 94 qui nous dit j'ai cassé un couple de 10 ans, marié depuis 3 ans. Astre du 94, 26 ans. Pas mal la méthode. Raconte des conneries sur elle. Tu verras. Ah bah tiens, encore les conneries, tu vois. Tu verras, ça va marcher. Non, mais il faut plus se raconter sur le mec que sur elle. Je l'ai fait avec ma meuf. Ah oui, des conneries, pas sur elle. Ouais, tu racontes sur le mec, quoi. On va pas sortir avec, sinon. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, non, ouais. Et si la meuf, tu lui chies dessus, elle va pas te dire, hein, je viens avec toi. Et Rodi, c'est une histoire de combien de temps qu'ils ont tous les deux là? Mais en fait, en gros, ils sortent ensemble depuis 2 ans, mais ils font que casser au bout de 10 jours et ils reprennent. Ouais, c'est une histoire de merde, quoi. Donc ça, mais ça dure quand même depuis 2 ans. Oui, mais l'avantage qu'il y a, c'est vu que c'est un peu merdique, il y a peut-être plus des chances que ça marche. Non, il faut profiter d'un moment où ils cassent. C'est pour ça. Profite d'un moment de faiblesse du couple, un moment où ils cassent, un moment où ils se prennent la tête. Ouais. Et peut-être à ce moment-là, toi, tu arrives et tu arrives tel le sauveur. Et oui, je suis Super Dylan. Hey, le sauveur. Je viens te sauver, ma chérie. Oh là là. Bon, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous avez déjà essayé de récupérer une meuf qui était déjà prise, Romano? Bah, ouais. Qui donc? La gothique. Non, la gothique, non, elle était célibataire, non. Elle était en galère. Ah bah, avec la gueule qu'elle avait, ça m'étonne pas qu'elle soit célibataire. Elle était en galère, elle était sur le bord du chemin. Non, mais, Cariole, Zizine. Elle était avec un mec. Mais moi, j'ai rien eu à faire, le charme a agi. Mais c'est normal. Ouais. Tu es tellement séducteur. Tu as des cheveux, Dylan? Bah oui, arrache-les. Arrache-les. Hein. Pour être séducteur, il faut arracher les cheveux. Regarde, Romano, le charme a agi. Non, mais comme tu disais, moi, je suis arrivé dans une période où ça allait pas. C'est ce que j'allais dire. Et donc, ça a aidé. Non, et toi, il faut que tu profites d'un moment où c'est la merde entre eux pour te glisser dans l'histoire, quoi. Dans l'histoire, okay. Ouais, on peut le dire comme ça. Et en même temps, vous êtes pas trop potes parce que tu disais que tu la connaissais depuis la 6e. Ben si, enfin. Mais t'es pas trop dans la friend zone. Aïe, aïe, aïe, la friend zone. Mais non. T'es sûr que t'es pas dans la friend zone? Ouais. Non, mais bon. J'espère pas. Elle te trouve mignon, elle t'a déjà dit que t'étais mignon. Hein, t'es trop mignon. Bah oui, elle m'a déjà dit. Bon, bah c'est bien. Oui. Il y a un truc qui tourne. Oui. C'est un bon début, tu vois, c'est pour ça que je doute. Des doutes? Rien, hein? Je doute. De doute, Romano, D-O-U-T. Je doute. Moi, j'ai oublié le. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait que tu saches comment ça va avec son mec, tu vois. Si à un moment ça va pas. Tu fonces dedans. Ouais. Tu rentres dans le lard. Ouais. Dites-nous les filles d'ailleurs. Super. Si vous avez été, entre guillemets, détourné d'un amour un peu comme la copine de Dylan avec son déchet, comme tu dis. Et que quelqu'un vous a séduit. Comment il a fait? Comment on fait pour vous séduire, les filles? Vous êtes avec un mec, ça se passe bon, moyen, ça casse, ça revient, ça casse, ça revient. Comment il fait le gars qui a envie de vous séduire? Pour vous faire oublier votre histoire d'amour un peu merdique, puisqu'a priori, d'après ce que tu nous dis, Dylan, c'est une histoire d'amour un petit peu merdique. Il faut lui montrer que tu la trouves belle, qu'elle est. Faut pas trop faire le canard. Pas trop non plus, mais bon. Ouais. Quand t'es pas bien avec quelqu'un, tu te sens moche. Enfin, c'est un peu l'enfer. Et si quelqu'un arrive en disant ouais, t'es jolie, t'es géniale et tout. T'as déjà essayé des trucs, Dylan? T'as essayé quoi pour la séduire, toi? Pas grand chose pour l'instant. Non, t'as du mal comme un canard. Ah ouais, c'est pas ce mieux dans ton téléphone parce que là, t'es moins séduisant d'un coup. Ouais, c'est clair. On dirait Gilles Verdez. J'ai mal à ma France. Non, quand même pas. Non, t'as essayé quoi pour la séduire? Mais pas grand chose pour l'instant, mais j'arriverai direct. On n'entend absolument plus rien de ce que tu nous dis, mais c'est pas très grave. On est en train de te perdre, Dylan, là. Bon, non, on te perd. Je reviens de la surface. Ah, c'est bon, il est de retour, Dylan. Il est de retour à la surface. Bon, bah écoute, Dylan, t'as 2 minutes ou tu restes à l'écoute? Oui. Parce que là, j'ai Kamel, on peut le prendre tout de suite si tu veux, là. Allez. Allez, on prend Kamel avec nous en direct de Dijon. Salut la Bourgogne, salut Dijon, salut Kamel. Ouais, Kamel. Ouais, salut l'équipe, ça va quoi? Et ça va, Kamel. Salut la Bourgogne. Je vous écoute tous les soirs, les gars, et ça fait plaisir. Eh ben, c'est gentil d'appeler. Non, mais. Je dis ça à tous ceux parce que vous êtes une majorité à écouter sans appeler, parce que c'est normal, hein, vous êtes tranquille, vous écoutez la radio, ça vous fait rigoler, vous réfléchissez à ce qu'on se dit, tout ça, etc., etc., etc. Et 2-0 pour Nice. Et deuxième but pour les Niçois. En plus, vous connaissez les résultats des matchs de foot, c'est super la radio libre. Donc, 2-0 contre Lyon. Aïe, aïe, aïe, Lyon. Hein, pas bon, hein, dis donc. Et un deuxième but pour les Niçois, très bien. Moi, j'étais plus pour les Niçois, parce que bon, je suis stéphanois, donc vous comprenez bien les Lyonnais. Ah, c'est plus près, ouais. Non, c'est pas plus près, non, parce que c'est Lyon. Absolument pas. Non, je pensais pas que c'était Lyon. Il y a un Marseillais, la caméra. Tu es en train de dire de la merde. Mais oui, j'ai bien vu, ouais, ça arrive, tu sais. Bon, les Niçois, non, mais c'est bien, j'aime bien cette équipe de Nice en plus. Ils font jouer des jeunes, ils ont des bons petits jeunes, ils ont pris Balotelli, c'est rigolo. C'est bien les Niçois, ils avaient Ben Arfa l'année dernière. Non, bah, ils l'ont plus, là, du coup. Là. Ouais, mais ils se démerdent bien. Il était mieux d'ailleurs à Nice qu'à Paris, Ben Arfa. Ah, ben, ça c'est clair. Bon, donc les Niçois 2 et Lyon 0. Donc je sais que vous êtes plus nombreux à écouter qu'à appeler, mais n'hésitez pas, comme Kamel, à nous passer un coup de fil. Parce qu'on aime bien vous avoir en direct avec nous. Et pareil pour les messages. Hein, ne soyez pas timide. Sur le 41759 et sur la Bisque Skyrock. Donc tu es le bienvenu, Kamel. Nous sommes gentils. Et en plus, tu arrives avec un conseil pour Dylan. Donc, comment t'as fait? Parce que je crois que t'as réussi à casser le couple de ta meuf actuelle. T'as réussi à détourner une meuf, toi. Moi, ça fait 2 ans que je suis avec ma meuf. Et en fait, elle sortait avec un gars avant. Oui. Et moi, franchement, si je pouvais lui conseiller un truc, c'est ni de dénigrer la meuf, ni le gars, ça servira à rien. Parce qu'au final, ça va lui retomber sur la gueule. Ah, faut pas mal parler. Ouais, voilà, ça sert à rien, il va rien y gagner en fait. Parle pas mal. On va s'en rendre compte. Alors pourquoi parle pas mal? Parce qu'il y en a, les messages qui revenaient le plus souvent, hein, je les ai lus pour Dylan, enfin j'en ai lu quelques-uns, mais les messages qui revenaient vraiment souvent, c'était raconte des cracks sur le mec, ouais, salit sa réputation. Raconte des cracks et que la meuf elle tombe au courant à la fin, il passe pour une trompette, tu vois, elle va se dire ouais, il a fait ça, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Non mais c'est vrai que t'as pas tort, tout se sait un jour ou l'autre. Et là c'est vrai, tu passes pour une trompette. Ouais, voilà. Ouais, comme moi, je suis une grosse trompette. Du coup, moi, je suis resté sincère avec elle. Je lui ai dit que, voilà, je me verrais bien avec elle et que je lui apporterais plus que son gars, son ex. Et est-ce que t'as profité d'un moment où ils étaient un peu en embrouille, les deux, ou alors tu l'as fait Ouais, par contre, c'est ça. Moi, c'est un peu comme Dylan disait. C'était, genre, il se prenait la tête souvent. Après, moi, on s'envoyait des messages parce qu'on avait une copine en commun. Et puis, le week-end, quand elle était avec lui, elle m'écrivait pas. C'était assez spécial. Puis au final, on se voyait, puis elle a vu que j'étais un gars bien, et puis que je lui ai jamais le mal parlé de son ex. Elle me racontait ses histoires où il la faisait galérer, il la faisait souffrir et tout, mais je m'en foutais. Parce que ça en soi, de toute façon, limite, il faut même pas en parler, quoi. À la limite, elle t'en parle, tu l'écoutes, mais toi, oui. T'abordes jamais le sujet. Ouais, voilà. Tu donnes pas d'avis. Moi, je pense que c'est la meilleure des idées, comme ça. Ouais, c'est bien, parce que tu vois, il est bien. Il clash pas, il critique pas, c'est un gars droit, et au final... s'il doit finir avec elle, il finira avec elle. Mais ça sert à rien de parler. C'est pas mal ton témoignage parce qu'en fait, c'est différent de tout ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure. Hein, parce que alors, les messages que vous nous avez laissés, alors il y en a un qui était pas mal, mais il a élaboré tout un scénario. Ah ouais? C'est Ed sur le 41759, Ed du 59, qui lui élabore un petit scénario. Je vous lis le scénario. Vas-y, c'est simple. Tu dis à un pote de dire qu'il est sorti avec elle et après. Ah ouais, donc tu la fais pas. Non, en fait, c'est elle que tu fais passer pour une. Pour une folle? Non, pour une cochonne, quoi. Ah, cochonne. Donc tu dis. Ah, mais tu vois, c'est la meuf, elle tombe au courant après, c'est pas cool, tu vois. Non, c'est vrai. Et puis c'est Lucas, ça lui bousille sa réputation. Non, aussi, mais ta méthode, elle est bien, moi, je trouve. Parce que tu restes clean. Le meilleur, Romano, t'inquiète. Ah ouais, t'es le meilleur. Entre bourguignons, je comprends. Eh ouais. Écoutez-les, les deux bourguignons. Ouais, c'est ça, ouais. Attends. C'est... Donc il y a une autre méthode, c'est la méthode d'y aller cash, Dylan. Tu te sens capable d'y aller cash, de lui dire carrément, à un moment où elle est un peu en faiblesse de couple, hein, tu sais, où ça se passe mal entre eux. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, il sort boire un verre avec elle, il lui montre que c'est un gamin. Pénalty pour Nice. Et qu'elle lui plaît, puis voilà, et puis... Il n'y a pas de raison, quoi. Il a raison, ce qu'il dit, l'auditeur. En l'auditeur, c'est Kamel. Comme ça, pas de problème. C'est ta bourguignon, hein. Ouais, tu restes honnête. Merci, Kamel. Bon, merci, écoute. Merci, Kamel, du coup de fil. Et puis pour les autres. J'ai moyen de passer une petite dédicace. Les autres messages, vous restez bien là. Vous nous laissez vos messages sur le 41759 sur l'appli. Ou alors vous appelez directement au 01 53 40 30 20. Vas-y, Kamel, c'est une petite dédicace. Fait. Je passe une dédicace à tous mes collègues de taf, avec du staff, en ce moment même, quoi. Salut, tu bosses dans quoi? Du chauffeur-livreur. Ça chauffe, ça livre. Eh ben salut les chauffeurs, salut les livreurs. Ouais, bon courage, ouais. On t'entend de moins en moins, là, c'est... Okay. Ouais, on change rien, t'inquiète, Kamel, merci du coup de fil. Et 3-0 pour Nice. Et les Niçois qui viennent de marquer. Ah non, il marque pas. Non, raté le pénalty. Il a parlé trop vite, les gars. Ah, Balotelli a tiré, il a loupé. Ouais. Enfin, c'est le goal de Lyon. Ouais, le goal, il a arrêté, ouais. Voilà, c'est... Ouais, bel arrêt du goal. Ouais, joli arrêt. Désolé pour Balotelli, c'est rare quand il loupe un pénalty. Ah ben oui, mais tire fort dans le cul. Ben oui, mais 2-0 quand même pour les Niçois face à Lyon. Match à suivre. Et Dylan, reste à l'écoute. Si on a d'autres témoignages avant minuit, on en reparlera. Okay. Comment vous avez fait pour briser un coup? Mais je trouve que la méthode de Kamel, elle est pas mal. Ouais. Merci Kamel. Salut. Salut. Salut. Oui. Ah oui. On t'envoie le t-shirt Skyrock Collector à la maison. Et même chose pour toi, Dylan. On t'envoie ça à Albi. Donc pour Kamel, okay, à Dijon. Merci. Et pour Dylan Albi. Et puis pour. Je une petite dédicace, une déjà. Petite dédicace, vas-y Dylan, fais péter. Vas-y, dédicace à mon cousin Enzo là qui est en train de m'écouter. Et salut, dédicace Enzo. à ma mère qui est en train de m'écouter aussi. Eh ben salut la famille. Très bien, et ta mère, est-ce qu'elle t'a donné des conseils, ta mère? Elle était au courant de l'histoire ou pas? Non, ou elle a découvert... elle savait même pas. Elle a découvert sur Sky. Ouais, voilà. Très bien, bon. Non, c'est toujours bien d'avoir des personnes avec expérience. Ouais, mais bon, putain, moi j'aimais pas trop demander à mes parents des conseils, tu vois. Oui, maintenant, sur les meufs et tout. Ouais, c'est pour ça que la radio Skyrock, c'est bien pratique. Ouais, c'est mieux, ouais. Salut Dylan, bisous à la maman derrière. Merci. Salut à toi. Merci. Bon, encore merci pour toutes les infirmières. Pour l'instant, toute l'équipe a l'air de bien aller. Romano, t'as repris des couleurs, c'est bien. Samy, on entend. Tout va bien, ouais. Non, moi, écoute, ça va, je commence à avoir des douleurs dans le bras, par contre. Ah, ça y est, c'est pas mal, vous, un peu comme des. Non, mais t'as pas. Non, mais ça fait des fourmis.

you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Let me love you, c'était Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock. Radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct jusqu'à minuit. Tiens, on parlera peut-être des mauvais coups avant minuit, parce que ce matin, on a parlé très tôt dans le morning. En parlant de mauvais coups, Cédric est avec nous. Allô, allô, Cédric. Alors, viens, je me sens pas concerné. Tu te sens pas du tout concerné? Eh bien, écoute, non. Cédric, c'est marrant parce qu'on a tous pensé à la même chose au même moment dans les. Vraiment que tu ne comprends rien alors. Ouais. Bienvenue, Cédric, comment vas-tu? Ça va, et vous? Ça va, ça va. Tu sais que l'émission démarre à 21h, Cédric? Ah ouais? Eh ben ouais, mais hier à minuit, on s'était donné rendez-vous à 21h. Et à 21h tout à l'heure, on t'appelle, personne au bout du fil, dis donc. Dis donc, chelou. Ouais, je suis gonflé, putain, je me suis endormi comme une merde. Tu voulais encore que l'audience grimpe, et oui, parce que depuis que Cédric n'est plus là, depuis un mois et demi. Oui, un an et demi, peut-être pas encore. Non, mais depuis un mois et demi, l'audience a été multipliée par 5. J'ai eu les derniers chiffres de la soirée d'hier soir. Ah, mais c'est incroyable, hein. Audience incroyable. Multipliée par 5 sur Skyrock, c'est un truc de ouf. Eh bien, malheureusement, c'est fini. L'âge d'or est terminé, puisque dans un petit week-end, après ce week-end, Cédric est de retour. Lundi, tu seras avec nous dans la radio libre. Eh ouais, je suis de retour. Et oui. Le public est déjà en transe. Très content, ouais. Une soirée spéciale avec des invités, une soirée spéciale avec des surprises. Kikou les boys and girls. Kikou Mathieu Delormeau. Il sera peut-être là lundi. Et le groupe de le boys band que Cédric va créer avec Mathieu Delormeau et Jérém Star va peut-être voir le jour. Les MJC. Eh ben oui, Mathieu, Jérém, Cédric. Ouais, ouais. Les MJC, leur cri de guerre. Salut les filles. Et ils en ont plusieurs. Kikou les boys and girls. Salut les boys and girls. Ah, et Vermine là aussi. Là. Et puis la Vermine aussi. T'es content, Cédric? Lundi, grosse émission. Fait plaisir, hein. Ah, ils viennent, hein. Ah, bah oui, tous ah, ils sont mais là. Non, mais arrête ta blague. Non, non, vous faites votre premier show. Ouais, premier show en live. Et je t'assure, il y a des invités, tout ça, ça va être une émission de folie, hein, Jérém? Bonjour, bonjour, Vermine. Il t'a reconnu. Bah dis-lui un petit mot, c'est quand même... Salut ma gueule, ça c'est... va bien? C'est quand même ton... C'est quand même ton associé. Bien, comment vas-tu, boule de pute? Comment vas-tu, boule de pute? Ça va, écoute, ça va, ça va. Hein, c'est ton associé, Cédric. Un peu transpirant ce soir, mais ça va. Ah ouais, ouais, putain, ça va être chaud lundi. Parce qu'on a perdu l'habitude, hein, c'est vrai. Ah, mais j'ai bavé et tout, mais laisse tomber. Mais t'es sûr que tu veux revenir? T'es une bête. Bah ouais. T'es une bête. Je vais faire un câlin d'ailleurs à toi, parce que tu m'as beaucoup manqué. Ah, c'est bien ça. Ça va être chaud. Bon, lundi, retour du clash de la drague. Le clash à retrouver en direct, ce sera. Lundi, avec un peu de chance, je serai malade. Ce sera lundi. Et ouais, lundi soir, le clash en live avec Cédric Romano, tous les deux dans ah le mais studio. Attends, ce soir, je compte bien le piner quand même, à un moment ou à un autre. Et oui, mais lundi, c'est live, vous serez face à face. Ah ouais, ouais, ça face à sa gueule de con. Là, votre téléphone. Bien, parce que je vais te taper, hein. Comment? Il veut te taper. Je vais te taper lundi. Donne-lui un coup dans la clavicule. Mais qu'est-ce que tu veux me taper avec ta clavicule et tes quatre queutes? Oui. Ben, je demanderai à Yovan de te taper, tiens, ou à Oran. Ouais. Yovan, il est en Serbie, ça tombe bien, on demandera à Yovan. Ouais, on va demandera à Yovan, il reviendra de Serbie exprès pour ça. Encore une bonne idée, Yovan, nos agents de sécurité. Hein. Bon, c'est ça. Oui, c'est vrai, notre agent de sécurité serbe. Bonjour, Yovan. Bonjour, cassez gueule. Agent de sécurité serbe qui cultive des framboises. Hein, oui, cassez gueule. Ça veut dire quoi? Non, mais il cultive des framboises, vraiment de vrai. Il est en Serbie pour les framboises. Ah ouais, il est en plus agriculteur. Il a un champ de framboises. Ah oui, il a un champ de framboises. Il est framboisier. Le jour, il m'a dit ça. Tu sais que je fais des framboises. Je fais c'est quoi ton expression pour des framboises? Je fais t'as tapé un mec. Il me fait non, je fais des vraies framboises. On lui demandera de taper Romano, il est en Serbie, tout va bien. Bon, on parlera des mauvais coups tout à l'heure, parce que ce matin dans le morning, on a parlé très tôt, donc je sais pas si vous étiez à l'écoute à 6h20. Ben d'ailleurs, c'est pour ça que Cédric nous appelle maintenant. Oui, il faut se lever tôt le matin. Et vous avez appris des trucs sur des grandes stars qui sont des mauvais coups. Ouais, quoi, soi-disant, hein. Et des ex, surtout des grandes stars qui se vengent. Ah ouais, qui balancent. D'eux et d'elles d'ailleurs. Pour balancer un petit peu, pour salir un petit peu leur image. Et d'ailleurs, on aura un témoignage d'ici quelques instants. Moshita arrivera. Parce que nous avons également une star dans l'équipe. Vous savez qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui connaît Mathieu Delormeau. Mais ouais. Qui coule les boys and girls. Mais oui, Mathieu. Et, ouais. Et qui connaît également Jérém Star. Oh, allô. Oui, Moshita. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Moshita. Ah, c'est lui qui est là. Salut ma belle, comment ça va? J'en viendrai peut-être un peu plus tard du coup. Non. Mais non, reste là ma chérie. Attends. T'inquiète, il est qu'au téléphone. Oui. Ah, bon, ouais. Mais moi aussi, espèce de débile. Bon, donc pour les mauvais coups, on va en parler ce soir d'ici minuit, les mauvais coups. Cédric, mauvais coup, hein. Oh. Jamais de la vie. Mais pourquoi mauvais coup, Cédric? Bah, mauvais coup, le problème c'est que quand t'éjacules avant même de rentrer dans le trou, c'est quand même... Ah ouais. Je suis précoce en fait. C'est pas vrai ça. Bah si, tu l'as dit. Je suis précoce en fait. Ah si, m'a inondé le gazon. Bah oui. Pour présenter précoce. Oui, c'est bien. Son sperme. Viens à la maison, soir, je vais te inonder le gazon, tu vas voir. Son sperme m'a irrité, j'en ai perdu les peu de poils qui me restaient. Ah ouais, c'est comme du désherbant le sperme. Pareil, des stops ou je sais pas, un produit toxique. Ça les a détruits quoi. Heureusement qu'il m'a pas mis ça dans la chatte, j'aurais la chatte qui aurait fondu. Y a Cam Cam qui nous laisse un message et qui nous dit j'ai vu ce qu'a bouffé Cédric hier, mais il a été malade, c'est pas possible. Non, mais pas. Avec la merde que t'as bouffé, le grec que t'as bouffé, t'es pas tombé malade. Ah, c'est bon, mais je t'inviterai là-bas. Il est habitué, en fait. Il est pourri du corps. Bon, vous êtes tombé sur un mauvais coup, les filles. Les gars, vous êtes tombé sur un mauvais coup aussi. Vos témoignages en direct, 41-759, skyrock.fm et le 01-53-40-30-20 pour nous laisser des messages, pour réagir là-dessus. Qui t'es déjà tombé sur un mauvais coup, Marie? Ouais. C'était Harry, t'as fait quoi? Ça n'a pas duré longtemps, je peux te dire. Ah, bah, les mauvais coups chez Marie, je pense qu'ils font un aller-retour et elle les dégage. Je suis tombé sur un mauvais coup, ouais. Un seul? Un seul? Dans toute ta vie? Ouais, parce qu'après, si je suis resté un petit peu avec, c'est bon, je les ai remis un petit peu au niveau. Putain, Marie, elle, c'est une maîtresse. Non, je les ai éduqués sexuellement, c'est naze. Une maîtresse du sexe. Non, c'est mais ouf. Lui, en fait, il était bourrin, quoi. Il y avait aucune sensualité. Donc il rentrait, il bourrinait. Ça a duré une fois, et puis. Ah, vas-y, c'est bien, ça. Ah, Karim est bourrin aussi, a priori, tiens. Bah, ouais, mais direct, comme ça. Non, mais il le faisait pas bien. C'était pas. C'était pas bien. Il déglinguait, mais pas comme il faut, quoi. Parce que déglinguer, oui, c'est sympa, mais avec quelqu'un qui sait bien le faire, tu vois. Et t'es jamais tombé sur un mec, je sais pas, il savait pas faire, ou il faisait mal, ou. Bah, si, et oui, mesdemoiselles, c'est un art de bien vous déglinguer. Et voilà, bien que et c'est poétique. Si, si, un en particulier, ouais, mais j'avais. Non, c'est bon, je l'avais. Vas-y, sors son blaze. Non, et Cédric, t'as déjà des filles qui t'ont dit que t'étais un mauvais coup? Non, jamais. Mais tu te rappelles pas que je te l'ai dit? Non, j'ai oublié ça, ma belle. Bizarre. Ma belle? Ouais, ma belle, t'as pas vu sa gueule. Il se souvient pas de ma gueule. Non, il se souvient de rien au final. Bon, vous nous dites les filles vos témoignages là-dessus et on parlera donc de certaines stars dont les ex ont parlé, elles ont fait des révélations. Oui, ils ont fait des révélations parce qu'on a des ex-hommes et des ex-femmes, des femmes stars et des femmes hommes. On s'en occupe là dans un instant et on attend vos témoignages. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé si vous êtes tombé sur un mauvais coup. Pour moi, le mauvais coup, c'est la meuf qui se pose et qui attend que ça se passe. Ah ouais, horrible. Ça c'est l'enfer. Ah genre morte sous l'homme, quoi. Ah ouais, qui bouge pas. L'étoile de mer. Avec moi, c'est très difficile qu'elle ne bouge pas tellement que je lui donne de plaisir. Ouais, bien sûr. C'est vrai que même une meuf frigide est capable de se défrigidifier grâce à moi. Ah, tu la rends chaude, quoi. Mais t'es c'est déjà ça. Tombé sur une frigide, par exemple? Non. Ah ouais, non, t'as jamais eu de mauvais coup? Bah, si, un mauvais coup, si, une meuf qui bouge pas trop, ouais. Ouais, ça c'est, ouais, c'est relou, ça. Bah oui, c'est relou, mais bon, ça existe, hein. Faut aussi qu'elle ait un peu d'expérience. Mais, on attend vos témoignages. Allez-y, c'est sur le 41-759, la piste Skyrock, et le 01-53-40-30-20 pour nous, laisser vos témoignages là-dessus, et je vous ferai donc la liste des stars si vous l'avez loupé ce matin, et les témoignages, les vôtres qui arrivent juste derrière. Je vous ai promis l'arrivée de Mélissa qui doit être, on fait le clash ou pas, Cédric? Tu veux faire un clash? Ouais, vas-y, moi, je suis prêt, moi. D'accord, on a des familles pour le clash? Pas tout de suite, là, il faut en sortir quelques-unes, là. Bah, vous savez quoi, on va appeler des magasins. Oui. Parce que je sens qu'avec les familles, ça va être galère. Ah, bah là, de toute façon, à 11h, ouais. C'est pas con comme technique d'aller serrer dans un magasin. Ouais, quoi, truc ouvert à la nuit, vas-y, quoi. On va faire ça. Ouais, mais c'est bien, ça. Ouais, bah allez. Ouais. Bon, bah alors, vas-y, je vais trouver une méthode rapport avec ça, là. En plus, vas-y, c'est moi, bien. J'ai déjà trouvé, moi. Bravo, Cédric, mais quel génie, ce Cédric, c'est un truc de ouf. T'es trop intelligent, man. Mais grave. Ouais, attends, t'as pas lundi, gros. T'as pas encore entendu sa méthode là, tu t'avances un peu de dire qu'il est intelligent. Hein. Non, mais il a dit, je te signale que c'est ton adversaire. Ouais, hein. je sais. Ouais. On joue à question pour un gros con. Hein. Ah ouais, parce que lundi il y aura le clash, lundi il y aura question pour un gros con, les invités de Cédric pour la grande soirée exceptionnelle. Ah bah ils pourront jouer à question pour un gros con. Quoi que ça dit Cédric? Il y a des meufs aussi, non? Oui, on va faire revenir ton ex grave, Mario. Ouais, bien sûr. Tu sais, ta meuf habite. Ouais, non, c'est rien à voir. Non, bah là, Cédric, on essaie d'inviter des meufs, mais bizarrement, quand on leur a dit que c'était pour toi, elles annulent les choses. Elles ont des choses à faire, en fait. Tu sais qu'on a appelé toutes les stars de Sky, toutes celles qu'on passe en prog. Bah, on a appelé Alonso, on a appelé Soprano, on a appelé Gradure, Sadek, on a appelé Jules. On a appelé Jules également. Maître Gims, Black M. On les a tous appelés. On a appelé MHD. Caris, il y en a aucun qui a voulu venir. Aucun. Les deux qui vont venir lundi soir, c'est Big Flo et Oli. Voilà. C'est les deux seuls qui ont dit qu'ils viendraient, peut-être. Ils nous ont dit avec leur accent de Toulouse. Et t'imagines pas on viendra peut-être. Et t'imagines pas le prix que ça va te coûter parce que bon, on a dit que tu t'allais les payer. Sinon, ils ne venaient pas. Donc lundi soir, il y aura le retour de Cédric, mais également Big Flo et Oli dans l'émission. Ils viennent nous voir. Ouais. Ils viennent nous voir. Ils seront là en direct entre 21h et minuit. On va en profiter. Les autres ont tous refusé. Ah ouais. Mais soyez là lundi parce que prépare une grosse soirée, là. Ouais. Grosse soirée. Bon, c'était une grosse soirée foot ce soir, mais surtout pour les Niçois. Résultat, Nice, Lyon, eh ben, ouais. ça fait 2-0. 2-0, ouais. 2 pour Nice et 0 pour Lyon. Ils ont loupé aussi un pénalty. Les Niçois, ils auraient pu faire 3-0. Lille, il a loupé, ouais. Ouais. Dure soirée pour les Lyonnais. Au classement, ça donne quoi, les Lyonnais? Tiens, va voir ça, Samy ou Karim, allez voir. Ils sont premiers, je crois. Hein. Les Niçois sont premiers. Les Niçois restent premiers. Ils seront premiers à la fin de la journée, là. Ouais. Même ouais, si, ont gagné, ouais, même ouais. si le PSG gagne, même si Monaco gagne, Nice restera premier. Bravo, Nice. Bon, et, les Lyonnais. Ah, Marie, tu dis ça sur un ton. Ouais, t'as vu, ouais. Bravo, Nice. Dur, dur. Bravo, les Niçois. Félicitations. Désolé, les Lyonnais, hein. Et les Niçois sont premiers. Et on nous dit les Lyonnais sont troisième. Non. Je vais te dire tout de suite, gros. Ça arrive. Ils sont encore troisième, les Lyonnais. Ah. Bon, le classement arrive. Ah ouais, on arrive parce qu'en fait, pour vous, rien vous cacher, nous n'avons plus de wifi. Oui. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça marche pas. Ouais, c'est pour ça. Non, non, mais c'est même pas que ça rame, c'est que ça ne fonctionne plus. Il y a un problème de wifi. Ah bon, laisse tomber alors. Et là, j'ai appelé la technique, on me dit, ouais, c'est la bureautique. Sauf que la bureautique à 22h45, il n'y a plus grand monde. Putain, ouais, donc bah, nous n'avons pas là. Non, attends, tu vas sur quel site? Moi, sur j'ai la 3G. Non, non, on va vous demander à vous, ça ira plus vite. Hein. On ouais, peut-être. Troisième. Et Monaco a déjà perdu. Ah ouais, il y a eu un autre match. 3-1 victoire de Toulouse. Ah ouais, Toulouse a gagné. Bah, les Toulousains, ils sont pas mal. Hein. Ouais. Bon, Lyon est cinquième, nous dit Brahms. Lyon sont cinquième, nous dit Ned. Ouais. Cinquième, les Lyonnais pour Aldo. A priori, bon, ils sont cinquième. Hein. Monaco a perdu, dit Foul. Oui, j'ai vu. Merci, Jérém. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un match à 19h. Et demain, il y a Nancy PSG. J'ai pas regardé le match, j'écoutais Planète Rap tout à l'heure en direct du Vélodrome, c'était super. Lyon 5ème, bon, c'est confirmé. Hein. À 10 points de Nice, Lyon, ils sont 5ème. C'est ouf ça, Lyon. Le classement donne donc Nice 1er, 2ème Monaco, 3ème Toulouse, 4ème le Paris Saint-Germain et 5ème Lyon. Et Lyon est en effet à 10 points de Nice. Nice à 23, Lyon à 13 points, Bordeaux est 6ème, mais bon, ils ont pas joué non plus. Bon, toutes les autres équipes ont pas joué. Hein. Saint-Etienne, on est 9ème et nous. Ouais, nous, c'est confirmé, hein. Lyon, ils sont 5ème. 5ème. Et Marseille. Le Lotti, Clément. Attends, 9ème, ça t'est bien. 13ème, dans 13. 10, 11, 12, 13, 14ème. Ah, dommage, 13, c'est mieux. Bah, ouais, c'est sûr. Et Dijon, on est combien? Et Dijon. Vous êtes dernier, non? Non, non, on était remonté, hein. Dijon, vous êtes 15ème, Romano. Ouais, on était remonté, les gars. Bah, non, mais bon, ça va, pour une petite équipe qui arrive de Ligue 2. Si vous gagnez et que Marseille perd. Vous les passez. On va pas perdre contre Metz, gros. Metz, sont combien, Metz? Ils sont derniers, là. Metz, ils sont. Non, c'est Nancy. Metz, ils sont pas mal, hein. Avant-dernier, non? Metz, ils sont 8ème. Non, ils sont bien, Metz, gros. Que... Ah ouais? Mais si, gros. Bah ouais. Putain, j'ai l'impression qu'ils perdent tout le temps, Metz. Non, non, c'est Marseille. Non, parce que l'autre fois, ils ont pris une cartouche, Metz, contre Monaco, là. Ils ont pris 6 à domicile. 7-0, même. Ils sont quand même dans les 10 premiers, eux. Pas mal. Ouais, tu sais, nous, le classement à Marseille cette année, bon. Oui, j'ai vu. L'année prochaine, ça sera sérieux. Plusieurs années qu'ils disent ça. Non, ça fait juste cette année. 2 ans, gros, depuis qu'on se fait. On attend l'américain. Ouais, voilà. Ah, ça change. Bon, à suivre un autre match, le clash tout à l'heure, et Pamela qui doit séduire des hommes un peu dans toute la France. Tous les pervers que nous avons écoutés, qui sont si séduisants et si magnifiques, à retrouver avant minuit. On a Mélissa là en ligne avec nous, je vous en parlais. Mélissa en direct de Valenciennes, en direct du 59. Salut Mélissa. Salut les gars, ça va? Ça va. Ouais, salut. Bien Mélissa. Ça va? Alors tu nous appelais pour dire que Difool était le plus courageux de l'équipe et le plus beau aussi. Et le plus beau. Je crois pas, non. T'as pas écouté l'émission tout à l'heure, c'est pas possible. J'ai entendu. Ah, t'as écouté depuis 21h. Bah ouais. Et tu m'as pas trouvé le plus courageux depuis 21h. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Pourquoi? Je blague. Ah, t'as entendu quand je me suis fait piquer pour la grippe tout à l'heure? Oui, c'est ça, t'inquiète. La classe. Romano, lui, il a eu mal avant de se faire piquer. Une fois qu'il s'est fait piquer, il avait plus mal. Et Samy, il est tombé dans les pommes, lui. Ouais, pour nous tous, en fait. Ouais, bon, c'est ça va. Fragile, mais... en fait, vous êtes fragile. Non, pas moi. Fragile. Ah, merci. Bah, viens nous voir, Mélissa, si tu veux, on peut te piquer aussi. Ouais, on va piquer les gens. J'ai oublié jusqu'à Paris et c'est bon, je viens. Ouais, bah, pourquoi? Ah, Cédric va payer. Ouais, il a dit ouais. La seule radio qui va piquer ses auditeurs. Pas mal, Skyrock, ouais, disons. Bon, alors, Mélissa, explique-nous pourquoi tu nous appelles et après on clash. Ça marche. Alors, du coup, en fait, je suis en galère. Pourquoi? Je vais la faire courte. Vas-y. Parce que si je vous raconte tout, toute la soirée, j'y suis. Courte comme Romano. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une pote avec qui j'étais en cours. Donc du coup, on est super proches, tout le temps ensemble, resto, etc. etc. Oui, mais ça, t'as 25 ans, ça fait combien de temps que t'as arrêté les cours? Ça va faire 5 ans. D'accord, et t'as quand même gardé des bons contacts avec elle, tout ça? Voilà, c'est ça. Donc ça fait 7 ans à peu près qu'on est amis. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est avec un mec. Ça fait 2 ans qu'elle est avec ce mec. C'est genre son amour de jeunesse. Et genre, son gars, il me fait des avances. Donc, ah, au départ, ah non, l'enfer. Ah, l'enculé. Ouais. Il est fou, lui. Moi, je ferais jamais des avances à la meilleure amie de ma copine, quoi. Bah, c'est chaud, parce que moi, ça me met dans l'embarras. Au début, je pensais que je me faisais un film. Donc, du coup, je calculais pas. C'est genre des compliments. Demandé, ouais. T'as pas l'impression qu'il est juste gentil avec toi et... Au début, je pensais. C'était genre des compliments. Ah, t'es belle. Ah, t'as une nouvelle couleur. Elle te va bien. Mmh. Ah, tiens, t'as fait une nouvelle pompe. Ah, ça fait joli. Blablabla. Donc, ouais, à la limite, quand c'est deux fois, tu te dis, bon, ça passe. Si c'est continuellement, tu dis, il y a un truc. Voilà, tu te dis, ouais, c'est chaud. Le gars, il est sérieux. Enfin, voilà. Ouais, et en plus de ça, c'est que la plupart des fois, c'est qu'il le faisait quand elle était pas là. Donc du coup, j'étais un peu gênée. Oui, non, mais il est pas complètement con non plus. Bah ouais, mais bon. Non, mais déjà, il prend des risques, il va pas exagérer. Oui. Devant elle, c'est innocent, tu fais devant ta meuf, tu t'en tapes, t'as rien à te reprocher. Or là, c'était pas le cas, genre le gars, genre, elle est pas là. Mais si le mec, il te fait continuellement des compliments, oui, il fait ça devant sa meuf, je pense qu'au bout d'un moment, elle pète un câble. Bah attends, tu peux même si c'était sa meilleure amie. Tu dis ça, Romano, mais Cédric, il drague Cariole devant toi le matin. Non, il croit qu'il drague. Ouais, mais tu sais que oui. Non, mais il la drague, il essaie de lui mettre des mains au cul. En fait, t'es comme Jean-Michel Vert, Jean-Michel Maire et DSK. Vous avez vu, Jean-Michel Maire est accusé d'agression sexuelle. Ouais, moi je l'ai vu en direct cette nuit, putain. C'est de pire en pire bientôt. Bientôt, on pourra plus faire la bise. On pourra plus parler. Ah ouais, parce qu'en fait, cette nuit, Jean-Michel Maire a embrassé les seins d'une meuf qui avait dit non, embrasse-moi pas les seins, embrasse-moi pas les seins. Non, c'était pas ça exactement. Vas-y, raconte. Parce qu'en fait, bon, là, il y avait Hanouna qui faisait son truc là, les 35 heures là. Ouais. Et il faisait la nuit là. Ouais. C'était une épreuve. Il fallait ouvrir une porte et dans la baignoire, ils avaient pris une meuf, bon, qui avait des seins, mais j'ai des trucs. Mais même Nabila à côté, elle paraît plate. Ah oui, d'accord. Nabila, t'as l'impression que c'est un homme au niveau du torse. Ah, tu l'as vu l'autre. Ah non, mais ouais, non, mais c'était impressionnant. La gueule toute refaite, bon, un cul à la Nicki Minaj, machin. Il l'a mis dans une baignoire. Et celui qui ouvrait le plus vite la porte, bon, il avait le droit de prendre la meuf dans ses bras. Et Hanouna, il propose, il dit à la meuf, ouais, vous voulez embrasser Jean-Michel Maire? Elle dit non. Ouais, elle dit ouais non pas trop machin parce que j'ai quelqu'un. Jean-Michel Vert il fait si. Et en fait au moment de partir la meuf lui a fait un bisou genre sur le haut de la poitrine mais il a pas genre tu sais baissé la robe pour lui faire un bisou. Ouais. Alors les titres des journaux, les titres des sites internet surtout, c'est agression sexuelle de Jean-Michel Maire. Oui. Non mais sérieux? Ouais sérieux ouais. Oh, en même temps un des mecs qui a posté ça là-dessus devrait peut-être fermer sa gueule. Ouais. Il y en a, il devrait s'enfermer. Oui, ça y est, je suis bien enfermé, Je te suis. Mais t'as vu comment il est, lui? C'est un truc de ouf. Qui? Bah, ce mec-là, gros. Jean-Marc? Ouais, Jean-Marc. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Marc? Bah, il a mis. Non, mais c'est lui, par exemple, lui. Il a mis agression sexuelle? Non, je sais pas ce qu'il a mis, ouais, mais bon, en général, il en fait 3 tonnes, lui. C'est une histoire de merde. C'est vrai. Oui, et puis, dans ce domaine, il ferait mieux de s'abstenir en ce moment. Mais je vous rassure, le CSA s'occupe de l'affaire, donc là, on est sauvés, parce qu'ils sont super. Ah, c'est clair. Non, mais puis ça va, la meuf, tu sais, elle a pas fait, elle a pas fait, lâche-moi, tu sais, elle a rien dit. Elle a rigolé, elle a fait. Non mais bon, je vais pas être désagréable avec elle, mais elle avait l'air complètement teubée. Donc elle n'a pas compris. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Non mais la meuf, mais elle avait l'air mais complètement teubée, mais complètement. Non mais genre, elle lui a posé 2 questions, la meuf, elle savait pas quoi répondre. Bon, c'était. Hein? Mais elle a porté plainte ou pas? Mais non, mais c'est non, parce qu'a priori il y a des gens, tu sais, il y a des ils gens sont qui pleins. Sont pleins. Parce qu'en fait, c'est ça le truc qui surveille les médias. En fait, c'est en gros, c'est des gens qui balancent auprès d'eux en disant, hey, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Ouais. Regardez, c'est ça de la meuf. Oui. Et de là, je sais même pas s'il va y avoir un truc. Hein. Ah, c'est ça. Ils ont reçu plus de 250 messages. 500. 500 messages. 500 messages genre à 2 heures du matin. Mais ouais. C'est de la gueule du monde. Mais non, aujourd'hui. Non mais d'accord, oui, non mais l'histoire, genre, cette nuit, il y a 500 personnes qui ont regardé cette nuit et qui ont envoyé un message au CSA. Non mais la vidéo, elle a tourné. Donc c'est pour ça, les gens, ils l'ont vu. Non mais ça va, mais c'était pas la vidéo du siècle. Bon, de toute façon, écoutez, on s'en fout, nous, oui. Jean-Michel Maire fait pas partie de l'équipe. Donc, oui, tant mieux pour la Marie, d'ailleurs. Tu m'étonnes. Et pour nous aussi, on sait jamais. Mais Kardashian, elle s'était fait biser le cul, là. Tu te souviens, il y a pas si longtemps. Non, le mec de la sécu, l'a arrêté. Elle a porté plainte et tout ça, non? Non, je crois pas. Ah ouais. Bon, allez, on va passer à la suite. Donc, Mélissa, pourquoi tu nous appelais pour gérer cette histoire avec la très très bonne copine et son mec qui te fait des avances? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu lui as fait comprendre au mec que toi t'étais pas intéressé, j'imagine? En fait, c'est une deuxième étape. Donc là, c'est la première étape, genre avance tout ça. Et en fait, c'était quand on a fait une soirée avec ma pote en mode tranquille, soirée, puis on a bu un peu et il nous a rejoint en fait, ton mec. Ouais. On est parti ensemble au centre-ville, on est parti faire un tour, mmh. Et je pouvais pas prendre le volant, du coup ma pote elle avait bien descendu, mmh. Du coup elle prend la voiture et moi je reste dans la voiture de son mec. comme si on avait pris déjà sa voiture à la base. Et dans la voiture, t'as pas flippé parce que le mec t'avait déjà fait des avances avant, tu t'es dit putain, je suis enfermé dans une voiture avec lui. Ben voilà, je suis pas dans mon état à 100%. Ouais. Et genre, le gars, il me regarde, il me fait là, tu sais que t'es vraiment belle, je comprends pas pourquoi t'es célibataire, blablabla. Genre, faut s'amuser, tu sais, machin. Et là, j'arrête, je me dis, non, mais c'est pas détends-toi là. On arrête. Vous les tiennent dans la voiture. T'as pas lui, il y a pas peur que tu balances à ta. Et voilà, en fait, mon problème, c'est que je sais pas quoi faire. Est-ce que je lui dis clairement, j'ai une conversation avec lui, genre, je le vois, je lui dis, mais non, t'arrêtes, non, je dis tout. Ou alors, est-ce que j'en parle d'abord avec ma copine? Enfin, je sais pas. En clair, je suis entre deux feux. Non, mais si t'en parles au mec, il va te faire passer pour folle. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Il va dire à sa meuf, l'autre, elle arrête pas de me chauffer, elle est complètement cinglée. Qu'est-ce que vous feriez, Marie? T'as déjà des mecs qui ont été un peu lourds avec toi, ouais, je sais pas, le copain d'un pote. Moi, j'ai eu la même histoire que toi. Mais à ta place, ce que je ferais, c'est que j'enregistrerais ses avances, tu vois. Comme ça, au moins, t'as une preuve. Ah, tu filmerais ou t'enregistrerais? Avant d'en parler à ta copine. Et Marie, c'est un détective privé. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas con, parce que si ta copine, Mélissa, elle est à fond dans l'histoire, elle croira jamais que, genre, le mec, il te fait des avances, quoi. Ah non, il m'aime trop. Ouais, et puis elle pourra même se dire, ouais, finalement, c'était elle qui lui en fait, tu vois, parce que les meufs, elles sont tordues. Hein. Ouais, c'est que voilà, ma pote, elle est super belle. Moi, je suis lambda, je suis normale, quoi. Je suis pas une mauvaise tonique, je suis normale. Et ma copine, elle est super belle, je comprends pas pourquoi. Tu dois avoir ton charme aussi, toi. Ouais, puis t'es sa meilleure amie, donc forcément, ça attire pour la meilleure. Ah, il est pervers, alors. Méfie-toi, on nous dit, là. Bon, vos messages, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, si vous avez une petite idée pour Mélissa, et surtout, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Mélissa? Vous découvrez que votre meilleure copine, les filles, sort avec un mec qui vous drague. Donc ça vous fait bizarre. Comment vous faites? Et puis dans le sens inverse aussi, les gars, hein, dites-nous. 41759, skyrock.fm. Mélissa, tu restes avec nous, on te garde. Merci. Dans un instant, le clash de la drague avant minuit. Pamela, oula, ça va être chaud ce soir. Ouais, hein. Bouillant. Et sa deck est gradure. Concert. En 2017, les numéros 1 choisissent encore Skyrock pour leur concert en France. Soprano. Yeah, c'est Soprano. Un concert avec Skyrock le 30 septembre 2017 à l'Accor Hôtel Arena de Paris et le 7 octobre 2017 au nouveau stade Vélodrome de Marseille. Soprano. Soprano Baba. De Paris à Marseille en concert Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock, promets sur son plan. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres? Rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, Monsieur Blanc? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une association. Pendant cette mission, il touche une indemnité de 577 € par mois et il a toute la couverture sociale. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1 Tera Collector Final Fantasy XV, la console collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation. Skyrock. Monsieur Richard. Tom Cruise est Jack Richard. Jack Richard. Ses règles. Je suis pas la loi. Son style. Restez zen. C'est plus gros que je l'imaginais. Privilégiez la discrétion. J'aime pas qu'on me suive. Toujours un temps d'avance. C'est un coup monté. Jack Richard, never go back. Tom Cruise. Le 19 octobre au cinéma. Là, c'est l'heure de la chasse. Eh oh. Tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Eux sont les caïds d'une cité. Ouais, je suis con l'ambiance. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Vous jouez? La pièce. Les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tonio Life. Est-ce que t'en as une de pièces? La pièce. Les derniers seront les premiers. La partie commence actuellement au cinéma. Avec Skyrock. D-Fool, Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Ah, et Sadek. Sadek et Gradure, c'est sur Sky, évidemment, sur Skyrock. Andale, andale. Sans réfléchir, je l'ai fait. faire ce que personne ne va nous donner. On vendait de la peau du shit, t'étais même pas net. Rebeurre nos dans des jazz panettes. À 4 ou 5 sur la même canette. Vécu dans la précarité, pas la même planète. J'ai ma vie pour le genre, même si c'est la merde. Tous les jours, les cœurs nous emmènent. Sa mère, un jour, je partirai loin d'ici et je te dirai d'aller. J'ai explosé, j'ai traité toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire de si tirons. Je suis Satan. Bonjour Satan. Non. Bonsoir. Difool. I say fuck you. Fuck ugly bitches. Cédric. Et je t'appelais ça pour savoir si ta femme elle était disponible pour venir. Je suis pas marié. Marie. Elle en bouffe du chibre. J'adore ça. Ah ben elle adore ça. Samy. T'es sûr que c'est pas un bonhomme? Elle avait pas une bite entre les jambes. Et Karim. Que veut dire mélancolique? Waouh. Difool Radio Libre. 21h. Tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, c'est nous en direct, c'est vous aussi en direct jusqu'à minuit. On fait la radio tout ensemble le soir, la plus grande radio libre de France. C'est sur Skyrock tous les soirs entre 21h et minuit. Ouais. On a du lourd. Ben, on est passé, on est courageux quand même, l'équipe. Hein. Je voulais vous féliciter. Je suis très fier de vous. Je suis très fier de toi, Romano. Tu Merci. Étais très courageux lorsque tu t'es fait piquer contre la grippe tout à l'heure. Ouais, mais ça va, franchement. C'est plus rapide cette année, je trouve. Ouais, on a été bien. Samy, t'étais mieux aussi. Ouais, on progresse chaque année. Tu nous as bien cassé les couilles, mais t'étais un peu moins casse-couilles que les un autres. Un peu moins long, ouais, voilà. C'est vrai. Non, c'est bien. La Marie, bon, elle a rien senti comme tous les ans. Et Karim. Ouais. Une sacrée maltringue en ouais, fait. Un peu plus que d'habitude, toi, par contre. Non, vous êtes malade. T'es un peu flippé, toi. Ouais, mais vrai bonhomme. Que, tu vois. Mais t'es ça fou, te va bien. Là. T'es vraiment une pucelle, quoi. Le muscle marocain, gros. Pucelle du clash. Oui, rien. Ouais, bah, je trouve que ça a mal représenté le muscle marocain. T'es malade ou quoi. D'habitude, le biceps arabe est plus courageux que t'es ça. T'es fou, hein. Il était contracté, là. Il était zaf. Bon, on a Mélissa que vous entendez derrière moi avec nous en direct de Valenciennes. Mélissa avec une très, très, très, très bonne copine. Une de tes meilleures amies, puisque c'est une amie que t'as gardée du bahut. T'as 25 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans que vous avez arrêté. Tu continues de garder contact avec elle. Elle sort avec un mec. Le mec te fait des avances. Normal. Et même dans la voiture, dans ce petit lieu clos où oui. Vous étiez enfermés tous les deux. Nous sommes que tous les deux. Il t'a demandé ouais, t'es célibataire. C'est con que tu sois célibataire. Ça serait bien qu'on s'amuse ensemble, qu'on fasse des trucs. Donc il est avec ta copine depuis 7 ans, t'as dit 7 ans. 2 ans. Ah, 2 ans, pardon. Ah ouais, quand même. Mais c'est déjà pas mal, tu vas me dire. Hein. Non, mais pour un peu, il a déjà trompé avec d'autres mecs, ouais. D'autres meufs. Hein. Je vous ai demandé comment vous réagiriez si vous étiez à la place de Mélissa. Est-ce que vous iriez en parler à la copine? Est-ce que vous en parleriez au mec directement? Ou est-ce que vous en parleriez pas? Ou est-ce que vous coucheriez même avec on sait jamais, Mélissa. Alors, la dernière proposition, elle t'intéresse ou pas? Pas du tout, d'accord. Mais admettons, le mec, c'est un célibataire, ce serait le genre de mec avec qui tu pourrais sortir ou pas du tout? Pas du tout. Ben, hein? Il est mignon, mais bon, enfin, je sais pas, mais c'est trop dépourvu. Hein. Ouais, c'est le mec de ta copine, quoi. Oui, aussi, voilà, oui. T'arrives pas à imaginer, je trouve ça malsain, en fait. C'est... Ouais, toi, t'es réglo, toi. C'est bien, Mélissa. Ben, ouais. Non, clairement, elle a raison. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est choquant hein, quand ça t'arrive. Moi, ça m'est arrivé avec ma meilleure amie. Et qui, en fait... tête de gorée? Non, rien non, à voir. Elle. Non, elle, personne voulait la baiser. Elle. Non, en fait, ce mec-là était marié et ils sont restés, mais genre 2 ans ensemble et je leur laissais mon appart, tu vois, régulièrement pour qu'ils puissent se voir, quoi. Mm-hmm. Qu'il n'y ait pas trop de problèmes et tout. Et un jour, il s'est trompé, et il dormait, il a cru que j'étais sa femme, il m'a baisé. Mais non, mais j'étais pote avec lui. Un jour, je sais pas, il avait rendez-vous près de chez moi, machin, il m'a appelé, je viens boire un café. Bah, non, j'ai boire un café épiné, tiens. Dis-moi si tu peux me la sucer. Et ben, le mec, tu sais, genre, il commence à se foutre torse poil. Dans mon salon, genre pour changer, mais devant moi, oui, j'ai dit, va dans la chambre, tu vois. Un petit peu de respect, quoi. Et en fait, il commence à me brancher ouvertement. Et je me suis sentie mal. J'étais comme toi, je me suis demandé, et qu'est-ce que je dis? Bah, j'ai écarté les cuisses et j'ai rien dit. Non, en fait, j'ai appelé. Quelle horreur. J'ai appelé, donc il est parti, je l'ai. Je lui ai dit. Ouais, tu l'as évacué, bâton, ouais. Ah, bah, t'as bien fait, ouais. Et j'ai appelé une amie à nous, en fait, et je lui en ai parlé parce que j'étais comme toi, Mélissa. Pourquoi tu nous as pas appelé, nous, Marie? Ouais, non, mais c'était il y a un petit moment. Bah, l'émission n'existait pas encore. Si. Bah, fallait nous passer un coup de fil. Bah, ouais, bah, bien sûr. Et du coup, j'ai appelé une amie en commun, nous deux, elle m'a dit, parle-lui-en. Et en fait, je l'ai appelée, j'étais tellement gênée, elle me connaissait tellement bien qu'elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a branché. Donc en fait, elle savait que son mec branchait un petit peu autour, quoi. Ah ouais? Ouais, donc ça m'a soulagée. Alors, on a Slim au téléphone en direct de Autun. Oh putain. Bourgogne, deuxième plat dans la beurre. Deuxième bourguignon de la soirée, mais c'est la folie, c'est la folie, disons. Bonjour Slim. Salut l'équipe, ça va ou quoi? Bonjour. Salut la Bourgogne. Salut Slim, t'es en dans direct de la Bourgogne. Ah ouais. Bah t'es dans la Birch. T'es chez Romano. Dans la Birch, c'est ça. Dans la même ville, Autun. La Birch, c'est la campagne en bourguignon, hein. Eh ouais, la Birch. Ouais, je fais des traductions. Alors toi, tu voulais réagir par rapport à Mélissa, et après je vous lirai les messages que vous nous envoyez en masse là. Alors. Ouais, tout à fait, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça m'est déjà arrivé, moi, en fait, et j'étais à la place du mec, quoi. D'accord, donc t'étais à la place du mec, t'étais le mec qui draguait la copine. Oh ouais, c'est ça. T'étais le salaud. Bien, Slim, c'est bien d'appeler. Non, mais c'est bien d'appeler en tout cas. Ouais, bah, d'assumer, oui, quoi. Et alors? Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? Raconte-nous la soirée. Ah, Autun, il y a du queue tort. Ça s'est passé que, quand je m'entendais bien avec elle et tout, et du coup, je me suis dit, pas de soucis, quoi, je me lance. Mm-hmm. Et je me suis lancé, donc je commençais à la chatcher un peu, tout ça. Mais t'as eu aucun remords par rapport à ton pote? Juste une petite. Comment? J'ai pas entendu. T'as eu aucun remords par rapport à sa copine? Un petit peu, mais c'était pas trop pour du sérieux, quoi. Tu t'es pas dit, je risque de briser l'amitié de ma meuf avec sa meilleure amie, tout ça? Ah non, ça pas du tout. Non, les couilles, toi, tu voulais juste la niquer, ouais, toi. Le mec, ouais, c'est ça. Parce que le bourguignon, ça a que ça. Non, j'avais pas de pitié, là, pour ça, là, non. Pas de pitié. Et alors? Pas de pitié pour les bœufs. Et du coup, ça s'est passé comme ça, je commence à la tchatcher. Au début, elle était pas trop ouverte, et puis après, elle a commencé, donc je me suis dit, nickel, quoi. Donc j'ai commencé à lui causer par message, tout ça, commencé à se voir. Mmh. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'elle faisait tout ça, fait exprès, pour avoir des preuves écrites, comme quoi... La salope. Pour sa copine, quoi. Ah, salope. Comme quoi, je la draguais bien, et tout, parce qu'elle voulait pas balancer avant, pour pas que ça se retourne contre elle, ou... Ce que tu disais tout à l'heure, ouais, genre qu'elle passe pas pour une folle... Enfin, c'est Slim, la salope, dans l'histoire. Là, tu voulais briser. Enfin, toi, t'étais prêt à tout pour cutter, toi. Ouais, en fait, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un cutard, ouais. Un cutard de la bouche. Mais ça allait pas bien avec ta copine ou? Si, ça allait bien, si. Ah, ouais, non, mais bon, s'il y avait moyen de niquer l'autre. Hein. Ken, quoi. Ouais, voilà. Normal. Laisse le Ken. Par contre, ouais, tu t'es bien fait baiser au final. Ouais. Par contre, frère, je me laisse. Ouais, à l'envers, il me l'a dit. Ouais. Ah, logique. Et si t'étais dans la position de Mélissa, comment tu ferais la place de Mélissa? T'en parlerais à ta meilleure amie? C'était moi, une je fille. Pense que je ferais comme je me suis fait avoir, parce que ça marche. Ouais, enregistrer des preuves comme tu nous disais tout à l'heure, D-Fool. Oui, en effet, c'est mon idée que j'ai eue, elle est géniale. Ah ouais, extraordinaire. Génial. T'en as pas marre? Ah, t'aimes pas mon idée? De voler les idées des autres. Voler les idées de personne. Mais il a rien volé du tout, c'est D-Fool qui l'a dit. Ouais, bien sûr. Enregistrer les messages, tout ouais, ça. Ouais, donc enregistrer ça les messages. Fait des preuves. J'ai même dit, pourquoi pas une petite vidéo? Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai dit. En caméra cachée. J'ai dit caméra cachée aussi. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, Mélissa, qu'est-ce que tu penses de cette idée géniale que j'ai eue tout à l'heure? Je pense que Marie avait raison. Merci, Mélissa. Oh, les filles. Écoute. Elles comprennent rien. Je suis maladroite, j'ai peur de me faire griller, en fait. Si j'enregistre. Qu'il y en a avec lui. Non, mais déjà, est-ce qu'il t'envoie des SMS de temps en temps? Ouais. Il m'a jamais envoyé de message. Mais est-ce qu'il t'excite un peu? Non. Non? Non. Mais non, il dit pas ça. Non. Non. Non. T'es sûr? Bah oui, bah oui. Bah oui. Oui, non, alors après, effectivement, ouais, fais gaffe si t'es un peu, genre, comme dit Foule, main pourrie. Au moment où tu veux enregistrer, si tu fais tomber. Si tu fais tomber le téléphone, quel truc, il voit que c'est sur dictaphone, le mec va se douter que c'est un truc ouais, bizarre. Ouais, ça va pas le faire, ouais. Non, mais essaie de choper une preuve. Et sinon, remballe-le sévère. C'est ce que nous dit Myriam, là, sur SMS. Un mec comme ça, ils font parler à ta copine. Ah bah oui. Bon, parce qu'elle va être malheureuse après, t'as raison toi. Perso, ça arrive à un pote, déjà franchement ça me ferait chier d'être dans cette situation. Ah, c'est clair. Mais moi je sais que j'en parlerai à mon pote, j'irai même pas parler avec la meuf, au final c'est avec la fille que t'es pote, le mec c'est une pièce rapportée. Hein. Ouais, moi aussi. Tiens, on a un autre chaud-lapin qui a fait la même chose, ça m'est arrivé son histoire, j'étais le chaud-lapin, je peux témoigner. On va peut-être te rappeler là, si on a te prendre avant minuit, on te passe un coup de fil. Ah, c'est Starguest. Ouais, Starguest. J'ai plus de batterie. Bah écoute Mélissa, reste à l'écoute, c'est pas grave, roule. ça marche. Ouais. Est-ce que tu peux me repasser le standard, s'il te plaît, 10 full? Oui. Et juste avant, je fais un bisou à toute l'équipe. Ne changez pas, vous êtes bisous, Mélissa, bon courage. Et merci. Ouais, repasse-moi le standard. Allez, je te repasse le standard, Mélissa. Et tu reviens quand tu veux, rappelle-nous quand tu veux. Ciao. Bisous, ciao. Et reste à l'écoute, on en parlera peut-être avant minuit, là. Dis-le vite à ta pote avant de la perdre. 10 full, beau gosse forever. Beau gosse vert, pardon, qui nous laisse le message. Salut, 10 full, beau gosse vert. Il est très beau, ton pseudo, il est magnifique. Et on salue le pompier du 67 qui est un nouvel auditeur de Skyrock. Salut le pompier du 67, coucou. Salut les nouveaux. Bon, je peux le baiser? Ouais, on fait le clash tout de suite. Et merci Slim, hein, merci la Bourgogne. Merci. Ouais, pas de soucis, ça marche. Et vive au tas. Vous gérez. Toi aussi, ouais, Slim. Ouais, vive au tas. Exactement. Et si vous pouvez, si vous êtes dans une région où, comme à Autun, vous n'avez pas de fréquence en FM pour écouter Skyrock, vous avez l'appli. Téléchargez l'appli Skyrock. Exactement. Et bientôt des belles surprises avec l'appli Skyrock. Ouais. Donc téléchargez-la. Et puis vous pouvez nous écouter partout avec un son HD, c'est la folie. Magnifique. Merci Slim, et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Ok, merci beaucoup. Salut Slim. Et passons au clash, le clash de la drague tout de suite. Attention, c'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Yes. Et oui, il est là, l'ami de Mathieu Delormeau et de Jerem Star, celui qui va faire un boys band avec les deux, les MJC. Les MJC, il y aura Mathieu Delormeau, M. Coucou les boys and girls. M comme Mathieu. Il y aura J comme Jerem. Jerem Star. Et il y aura Cédric le Belge, C comme Cédric. Salut les filles. Salut les filles. Allô Cédric. Bah, on a pas encore signé le contrat là. Ah mais lundi on le signe en direct dans l'émission. Hein. Ah ouais, c'est pour qu'ils seront là de toute façon. Ça, pour ton gros retour. Non mais t'inquiète, on t'en réserve une bien belle. Alors des messages. Jules nous dit. Team Romano, on est là. Ouais. Juste au-dessus, NK qui nous dit je vote Cédric direct. Attendez avant de voter déjà les méthodes. Ah bah, je peux te dire NK, t'auras entendu la prestation de Cédric, tu vas passer dans la Team Romano. Hein. Alors attention. Justement les méthodes, la prestation derrière et les votes juste après. Mais je vous donnerai le top pour vos votes. Cédric. Bon, on appelle des trucs ouverts. Oui, on appelle des magasins, des boutiques, des. Il y a tout, Cédric, hein, des stations-service, ouais, des épiceries, des bars, des kebabs, des fast-food, des restos, tout. Alors, allez. Cédric, quelle est ta méthode géniale, j'imagine? Bah, si c'est un restaurant, par exemple, je vais te dire, parce que ça, je vais m'adapter en fait en fonction de ce qu'on va appeler. Ah. Genre un restaurant, je vais lui dire, écoute, j'ai un bouffé gratos, j'ai pas d'argent, puis je te ferai un câlin pour te remercier. Ouais. Ah putain, c'est l'affaire du siècle pour le mec, dis donc. Ah bah ça, c'est super. Bah, attends, limite, ça me donne envie d'ouvrir un resto tout de suite, là, que vous m'appeliez. Ah, excusez-moi, breaking news, on vient de m'annoncer que 15 restaurants ont fermé depuis 10 secondes. Ah merde. Ah ouais. Ah merde. Et ils ont mis la clé sous le... Ah, elle est un peu tard. La porte, ouais, la clé sous la porte, on va y aller tout de suite, t'inquiète. Des pots de bilan. Excusez-moi, breaking news, 20 restaurants là, on en est à 20. Hein. Et toi, il n'y a plus de restaurants dans ça toute la France. Ils sont tous en train de baisser le rideau. Rangez tout, il y a l'autre con qui m'a appelé. Voilà, donc non, ça, je sais pas si c'est un hôtel... Il y en a pour combien de temps de tes méthodes là? Parce que ça nous fait chier là, je te le dis. Attends, je te prends. T'as pas une méthode multifonction? Ah non, moi je m'adapte en fonction de chaque commerce, mon pote. Wow. Ah, à chaque fois il va dire ouais, un je viens pour ça gratuit, pour coucher, machin. D'accord. Ça, c'est au service, c'est pour le plein, j'imagine. Tu te fais remplir. Ah, bah, oui, ouais, c'est la nique unité. Non, mais bah, tu peux dire je me fais remplir. Concrètement, c'est de la merde. Pour résumer. Je vais faire le plein de la voiture, puis je me ferai remplir le plein aussi. Voilà, c'est bien, tu feras remplir le plein. Absolument rien à dire. Voilà, je pourrais remplir le plein, puis je vais bientôt tourner dans les ch'tis, les Marseillais. Aussi. Bon, c'est quoi ta méthode de merde à toi, là? Bah, moi, ma méthode, c'est tout simple. Il n'y a pas 50 méthodes. Moi, je tourne pas autour du pot. Je suis tombé en panne d'essence près du truc qu'on appelle. Mmh. Et le problème, c'est qu'il commence à cailler, là. Et je vais venir me réchauffer. On Tu demandes hébergement. Ouais, c'est ça, on va se coller pour se réchauffer l'un contre l'autre. Eh bien, c'est parti. Je lance le top pour le premier appel. L'un dans l'autre. Pas pour les votes, hein. Premier appel pour Cédric. J'espère qu'on va s'enfiler. On commence par une station-service. Station-service, Cédric. Comme tu l'as dit si bien. Tu veux une grosse pompeuse comme t'es, ça te va très bien. Allô et bonsoir, comment ça va? Allô? Oui? Ouais, bonsoir, ça va? Voilà. Eh bien, bien joué, Cédric. Tu ne pourras pas te faire remplir le plein, comme tu l'as dit si bien. Pas. Si, t'entendais très bien. Non, mais t'entendais. Mais la preuve, au début, le mec a répondu. Bah oui. Non, mais bon, voilà. Voilà. Méthode Romano. Méthode de merde, prestation de merde. Pourtant, station-service, c'est avantageux, hein, vu qu'une grosse pompeuse comme t'es. Et Romano, pour toi, on va dans un hôtel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. C'est l'hôtel? Oui. Oui, en fait, j'ai un petit problème, justement, panne d'essence, là, près de votre établissement. Allô? Oui. Oui, est-ce que je pourrais venir me réfugier chez vous, parce que je commence à avoir froid dans ma voiture, le temps que la dépanneuse arrive? Ah non, l'hôtel est fermé, monsieur. Mais là, vous êtes dedans, vous? Non, je suis pas dedans, non. Vous êtes chez vous? Oui, je suis chez moi, oui. Bah écoutez, à la limite, je peux vous rejoindre chez vous. Vous êtes qui, monsieur? Je m'appelle Jean-Louis. Et là, je suis un peu un naufragé de la route. Je vais venir me réfugier chez toi et pour te remercier, je me taperai ta femme si t'en as une. D'accord. J'arrive dans 5 minutes. Ok. À tout de suite, mon amour. Dis à ta femme de se préparer. Hein. J'ai très très froid. Gla gla gla gla gla. Gla gla gla gla gla. Brrr, j'ai froid. Bon, gla gla gla. Qu'elle va me réchauffer mon zizi dans sa bouche. À tout de suite, monsieur l'hôtelier. Il y en a un derrière son téléphone qui doit être mal, là. J'en connais un qui doit avoir la gueule en billet. Bip, bip. Il a rien fait. Bah, le mec, il me dit de venir. Mais t'es sérieux, là? Bah, réécoute l'appel, hein. Ah, mon pote, lave-toi les oreilles, hein. Ah, je suis mort de rire. Mais t'es complètement mieux, c'est fou. Mais écoute, si t'es content que j'ai serré, beau, si bah, ça moi, je suis content que tu sois content, Cédric, c'est vrai, t'as ça fait plaisir. T'as rien fait. Bah, si, mais le mec, il m'a dit de venir. Le mec, il me dit, venez. Ouais. Et t'as même dit, je vais baiser ta femme. Bah, ouais, je lui ai dit, je vais baiser ta femme, et il m'a dit, ok, venez. Bon, on vient faire un deuxième tour parce que ça tourne au ridicule. Ah, bah, pourquoi tu veux faire un deuxième tour? On peut s'arrêter là. Quel talent, Romano, nous dit Jules du 02. C'est noté. Allez, Romano de Dinono. Mort de rire, le gros serrage pour l'inconnu du 45. Salut, l'inconnu du 45. À tout de suite, mon amour. Mort de rire, nous dit le poteau du 95. Salut, le poteau du 95. Mais Cédric, t'as pas l'air serein. Mais sinon, on s'arrête là, hein, moi, franchement. Si, moi, je suis serein. Mais là, on fait toujours deux tours. Non, ça dépend. Parfois, on en fait trois aussi, hein. Des fois, ouais, quatre, voilà, bah, quand écoute, tu galères vraiment. Et des fois, un. Romano, il a eu un hôtel, je peux te passer un hôtel. Allez, Cédric, un hôtel allez, pour toi. Allez, vas-y, passe-moi un hôtel. Et Romano, t'as une station service après. Très bien, merci, Samy, c'est très bien votre. Pas de marronnage. Hôtel Mercure, Amiens Cathédrale, bonsoir, Antoine, à votre écoute. Ouais, bonsoir, comment ça va, Antoine? Ça va très bien, merci. Ouais, nickel, dis-moi, je t'appelle parce que ce soir, je venais faire un petit câlin avec toi. Oh là là. Il y a une chambre de libre ou pas? Désolé, j'ai pas le temps à perdre avec des conneries comme ça. Non mais t'as pas le temps à perdre, t'inquiète pas, hein, je viens directement à l'hôtel et puis on fait un petit câlin. Oh mais c'est incroyable ça. Incroyable. Ça c'est incroyable. Incroyable, c'est ouf. Il t'a raccroché au nez mais sans respect. Bravo. Comme ça, mais toi, ça me dégoûte. Rappelle. Sans respect, c'est vraiment. Mais tu vas pas l'emmerder pendant toute la nuit. Ouais, il a pas le temps. Il a autre chose à foutre, le mec. Le jour au clash, il nous a fait chier. T'as fait trois rappels, mon pote. Je veux un rappel. Bah, j'ai fait trois rappels et je t'ai baisé. C'est vrai. Donnez-lui son rappel. Mais prends ton rappel. Oh, ça, tu feras rien, gros. T'as le droit d'avoir ton rappel, Cédric. Vas-y. À mon avis, ça va très bien se passer. Le mec, il va plus répondre déjà. Si on partait, pour vous le redire, découvrez notre nouvelle. Voilà. Comme allez, un très bon rappel. Cédric, est-ce que tu en veux un autre? C'est sérieux là? Bah oui. Vas-y, prends-en un autre. Ah, mais ça va, laissez-le le mec. Quoi. Bah prends-en un autre, Cédric. Moi, perso, ça me dérange pas, j'engrange. Tu veux faire quoi, Cédric? On passe à Romano? Non, mais comme tu veux, si tu veux un autre rappel, on peut. Non, ça va aller. Bon, bah Romano, alors, à toi. Donc, tu abandonnes. Une station service pour Romano. Fois de plus, on reconnaît ton courage légendaire. Me ferme ta gueule. Aujourd'hui, c'est comment on sert dans les trucs ouverts la gueule tout le temps. C'est le deuxième qui te raccroche à la gueule, en tout cas. Monsieur Ravialet Fontanette, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis bien à la station service. Oui. Oui, dites voir, je suis tombé en panne d'essence, là. Je dois être à 600-700 mètres. Ouais. Ouais, est-ce que je peux venir me réfugier, parce que je commence à avoir un peu froid, là? Ah oui, ah bah, tu sais, bien sûr. Je pourrais me mettre dans tes bras? Ben, bah, c'est qui, ça? Eh, c'est Jean-Louis. Un naufragé de la route. Naufragé de la route, mais chaud de la biroute. Ah ah! C'est une blague ou quoi? Non, mais sérieux, là, je vais venir. Je crois que ce soir, c'est ton soir, bébé. N'aie pas peur, hein, je suis pas un sadique. C'est une blague! Non, mais sérieux, là, j'arrive, je pose ma bite sur le comptoir. Ouais, ben c'est ça, si c'est pour raconter des obscénités comme ça, vous êtes censé téléphoner. Alors, bonne soirée, ciao. Alors là, vraiment, Romano, les obscénités que tu racontes, non, ça c'est une honte. Elle est outrée. Attends, je prends mon rappel. Ouais, si tu veux. Ah oui, t'as un rappel. J'ai mon rappel. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Salut, tiens compagnie. Je te demande juste un truc, Romano, hein, quand même. Les obscénités. Si tu pouvais arrêter de dire des obscénités, vraiment, ça serait bien. Lui, ça avait une bonne voix, elle était sympa. Ouais, elle était sympa, ouais. Allô poupée. Du coup, j'ai moi. Non, mais vous arrêtez là, je suis au boulot, là. Et je vais vous la casser en deux, moi. Bah attends, mais viens, je viens tout de suite, là, bébé. Ah bah arrive ta carcasse, tu vas voir comment je vais te faire à ta bite, moi. Ah bah c'est nickel. Et hop, voilà. Ça sert ce soir. Tiens, il y a la saucisse du 30 qui dit: je connais la station que vous appelez, j'irai leur passer le bonjour demain matin. Tu leur dis et tu l'embrasseras. Elle était gentille. Mais oui, elle était sympa en plus. Et bien voilà pour le clash de ce soir. C'est fini pour les appels, c'est parti pour les votes. 41-759. Sur l'appli Skyrock, je donne le top vote. Qui a été le meilleur pour vous? Qui avait les meilleures méthodes? Qui a eu le plus le swag du serrage, de la drague, du clash? Eh bien, ce soir, je crois que c'est Romano. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. T'as pas serré là, j'étais en l'air comme une merde. Si, si, elle m'a dit, je m'occupais de ta bite. Mais n'importe quoi. Eh bien, si, le premier coup de fil, bim, serrage. Incroyable. L'hôtelier, le mec m'invite carrément dans son appartement privé pour baiser sa femme. Eh bien, pour tout ça, ce soir, mes amours, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Cédric n'a rien fait, rien. Ah, vous ne votez rien de rien. Top au mytho, ne votez pas pour l'autre chose, c'est vraiment un gros mytho. Il se fout de votre gueule, pour ça, votez Cédric. Moi, je vous dirai toujours la vérité. Je vous aime très, très. Oh, le beau gosse. Allô. Salbotage. Je sais pas ce qui se passe, ça coupe. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Oh, putain, mais. Mec, t'es ravagé. Le costard, entre les obscénités et le visage. Le mec a quand même dit bon, là, je suis dans le costard. Oui, voilà. C'est bizarre. En effet, je trouve que c'est bizarre. C'est bizarre, je suis dans le costard. Votez pas Romano parce qu'il dit des obscénités. Oh, ah, le mec, il nous a fait un doublé, là, le belge. Mais phénoménal. Ah, Cédric, vivement lundi que tu sois là en direct. Voilà, c'est bizarre. Ça va, t'es pas trop dans le costard là? Bon, allez, ah, tu me fais bien rire du con. Vous en fait mourir de rire. Votez Romano. L'ambulancier vote pour Romano, elle va te la manger. Ah ouais. Je vote Cédric pour le malfaiteur, je vote Romano pour Simo. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Team Romano pour Abdel Tuffer. Hakim vote pour Romano. J'attends des votes pour. Putain, on peut pas la rappeler une dernière fois, la dame. Pourquoi? Je vais lui faire un bisou. Ah, tu lui fais un bisou, allez. Alors, pour un bisou, on rappelle la dame et vous votez. Cédric, Romano, Romano, Cédric. Et les résultats arrivent dans un instant. Préparez-vous. On rappelle la nouvelle copine de Romano et ses pas d'obscénité. Allô? Allô, ma belle? Ah non, mais là, c'est bon, là. Non, mais j'appelais pour. Monter, hein. Non, mais j'appelais pour te faire juste un bisou, je t'embête plus. Ok, ça marche. Allez, ciao. Bisous, ma belle. Romano, t'as craqué. Oh, bah, complètement. Lundi, on vous annonce à 6h que l'histoire entre Cariole et Romano est terminée. Il part avec Madame Avia. Ah ouais. Avia, c'est Avia? C'est Avia, Madame Avia. Ouais, pour lui dire des obscénités sur l'oreiller. Mais c'est beau, ça, dites donc, hein. Magnifique. Bon, ça vote. Allez-y, faites tout péter. Et vous avez 5 minutes pour voter. J'ai lancé ça à 23h20 et 23h22. Ça veut dire qu'il reste 3 minutes, 2 minutes 30 à peu près. Donc ça va aller très très vite, hein. Vos votes en direct, les résultats du clash tout à l'heure. Les réactions pour Mélissa. Tiens, on aura Manuel qui veut témoigner pour Mélissa. Il doit être dans le coin. Manuel, il a besoin. Salut Manuel. Salut. C'est Beson ou Beson? Beson. Beson. Beson, ouais. Non, Beson, ouais. Je préfère Beson, mais bon, bah, je suis bon sur le truc. Hein. Donc, moi aussi, je préfère, ouais. Ouais, toi aussi. Hein. T'as 24 ans, Manu, c'est ça? C'est ça. Et donc, toi, t'es à la place. Tu votes Romano, toi? Ah, bien sûr, bien évidemment, parce que j'allais voter pour le tocard. Oh là là, Cédric, ça parle mal, Cédric. Mais comment tu parles, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Cédric, tu sais, avec ton absence de 3 mois et demi, là, t'as perdu des fans, hein, je te le dis. Hein. Ouais, je vois ça, ouais. Mais je crois même que la team Lebel s'est désintégrée. Ah, c'est pas vrai. Non, t'inquiète, elle est toujours présente. On verra ce soir dans les votes si elle est désintégrée, la team Lebel. Bon, Manuel, toi, tu réagis par rapport à Mélissa. Donc, Mélissa qui se fait draguer par le mec de sa meilleure amie. Et elle sait pas trop comment réagir. Bon, on a donné 2-3 conseils tout à l'heure. Toi, t'es à la place du mec, mais la place du mec de qui drague ou la place du mec qui sort avec Manu? Le mec qui drague. Ah, t'es à la place du mec qui drague. Ouais, donc t'avais une meuf et t'as dragué sa pote, quoi. Ouais, et ce qui s'est passé, c'est réussi mon coup. Ah, tu vas nous raconter comment ça a marché. Oui, garde un peu de suspense. Ouais, bouge pas Manu, c'est parce qu'il faut qu'on mette la pub en speed. Oui. Ah, puis t'as pas peur. Hein. Et puis on aura Ashrar aussi dans un instant. Ouais. Ashrar ou. À Chalon-sur-Saône, dites donc. Putain, mais la Bourgogne, mais c'est la folie, quoi. 71. C'est un truc de. La Bourgogne est en feu. Salut, Ashrar. Salut, du fou, ça va? Salut à toi. Salut, Ashrar. Alors, attention, Ashrar veut devenir. C'est Ashraf. Ashraf. Ah, merde, excuse Marie, elle comprend rien. Excuse Marie, elle est à 6 grammes. C'est vendredi, et puis en plus, il est 23h24. En même temps, c'est pas commun, ton prénom. Bah, si, Ashraf. Ah ouais? Bah, oui, Marie, Ashraf. Bon, Ashraf pour attacher des feuilles et tout. Bah, oui. Ashraf. Ah ouais. Ashraf veut devenir fille. Mais on en reparle tout de suite. Vous ne bougez pas. Ça va beaucoup mieux. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Galenta sur Skyrock, c'était MHD. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et à écouter PNL après MHD, il y aura du PNL. Et on n'aura pas le temps d'écouter SCH ce soir, mais ça sera pour les prochains soirs. Bon, allez, salut tous, PNL à écouter avant minuit sur Skyrock, le son Nara de PNL. Un extrait de l'album, vous tous en direct avant minuit, bah, c'est possible, hein, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. À n'importe quel moment, vous pouvez débarquer ici. Vos messages, eh bien, on les lit en direct sur le 41-759 sur le skyrock.fm et sur l'appli Skyrock. Téléchargez l'appli Skyrock, son HD. Ouais. Et messages gratuits, ouais. Photos gratuites que vous pouvez nous envoyer tout au long de la soirée. N'hésitez pas, on est là en direct jusqu'à minuit. On a vécu un beau match, le match du Clash de la Drague. J'ai les résultats à vous donner. Puis il y a un autre match qu'on a vécu ce soir. C'est Nice-Lyon. Bah, Nice a gagné 2-0. Hein. Ouais. Et Nice conforte sa première place au classement. Bravo! Ballistique, bien sûr! Bravo les Niçois! Bravo les Niçois, ouais. Bon, et désolé pour les Lyonnais. Bon, le Clash de la Drague, Cédric est là avec nous en direct. On aura le témoignage aussi dans un instant de Manuel. Ouais. Et Ashraf qui veut devenir fille. C'est marrant parce que t'es viril au niveau de la voix, Ashraf. Je m'attendais pas à ça de toi, dis donc. Non, je suis un mec. Bah oui, non, c'est bien pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais bon. Pour l'instant, tu es un mec, mais on va en savoir plus. Plus pour longtemps, peut-être. D'ici quelques secondes. Romano, tu as la musique de suspense pour que je donne les résultats du Clash. Cédric. Bien sûr que je l'ai. Tu es là, Cédric. Moi, je suis là, ouais. Avant ton grand retour en direct lundi à 21h, avec la grosse soirée surprise pour ton retour. Voilà, ça va être bizarre. Non, ça va être bizarre. Ah, bizarre. Bizarre, comme tu l'as dit. Plein de surprises, ouais. Plein de surprises. Big Flo et Oli aussi dans l'émission lundi soir, à pas louper entre 21h et minuit. Ouais. Le résultat du Clash. Eh bien, quand je dis il faut voter, tout n'est pas joué avant le Clash. Vous vous êtes dit, après les deux serrages de Romano, bon, il va gagner les doigts dans le nez, il va faire du 98%, tout ça. Et ouais, 98, ça va, peut-être 90%. Pas. Eh bien, et non, mais je rassure Cédric, il a fait beaucoup moins. Non, mais il y en a qui se sont aperçus que c'était un gros mytho, c'est tout. Beaucoup moins que 98%. Il a peut-être même perdu le Clash de la Drague. Non, mais ça, c'est impossible. Ça serait une vraie punition pour lui, ça. Et... Non, mais il n'y a pas de punition, ouais. Espèce de débile. J'étais de serrage. T'écoutes l'émission. Mais t'as pas serré, t'as wow. Mais t'es sûr que t'écoutais Skyrock? Tu t'es pas trompé, ce con, il écoute RTL. Moi, je comprends pas. Il y a Philippe Bouvard, il fait l'émission. Non, mais non, mais il était foutu dehors avec Romano, bien fait. Mais non, mais c'est pas la bonne station que t'écoutes. Oh là, c'est un truc de ouf. J'ai une grosse tête. Bon, les résultats du Clash donnent Cédric vainqueur avant son retour. Ouais, impossible. Putain, j'aimerais bien. Non, impossible. Mais c'est impossible. Sinon, je crie au scandale. Cédric vainqueur ou pas vainqueur? Vaincu, hein, dans le cul. Dans le cul, bah oui. 63% des voix pour Romano Vittori. Ouais, et une de plus. Allez, bim. Et bim, dans ton cul. Est-ce que tu penses que ton retour a tout changé, Cédric? Bah, j'espère bien, hein, parce que là, franchement, ça me fait chier, là. Et t'as pas peur, Romano, que bah, devant la joie de la France entière lundi, tout le monde se laisse emporter pour fêter le retour de Cédric et tout le monde se dit, bon, ok, il s'est fait raccrocher au nez 5 fois de suite, machin. Mais on va quand même voter pour lui. Non, parce qu'il n'y a pas à faire ça, parce que il est en tort. Je veux dire, ça fait un mois et demi qu'il vient pas. À un moment donné, moi j'ai toujours été là, moi je ne quitte pas ma team Romano. Il est pas bien là, il est pas bien là, je le sens qu'il est pas bien. Non, parce que déjà je suis content parce que je pensais que je me serais fait baiser à la période où t'avais vraiment mal, tu vois, que t'aurais fait pitié. Mais même pas, j'ai continué à te baiser. Donc je pense que ton retour n'aura sans doute aucun effet sur mes résultats. On verra lundi, Romano, mais mes statistiques, en tout cas, je l'espère, parce que ma team Romano. Je sais qu'elle est toujours là. Donc, et moi, je suis toujours là pour elle. Lundi, parce qu'on ça. S'aime. Avec impatience, j'attends ça. Le retour du Clash de la Drague en face à face. En tout cas, merci encore une fois pour tous les votes. Et ça fait plaisir. Moi, je remercie tous ceux qui ont voté. Les 37% pour Cédric et 63% pour Romano. Je vous remercie. Je vous donne 100% de mes remerciements. Même à Mac Lemore qui dit après l'arbitrage désastreux et les serrages de Romano qui n'en sont pas, j'ai quand même voté Cédric. Stop au lobby Romano. Il est vénère. Merci Mac Lemore. Merci Mike. Bon, mais il y a une cas qui résume bien. Cédric, franchement, tu étais nul ce soir. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, Cédric? Ouais. Non, j'étais pas nul. C'est juste que j'ai une famille. Enfin, j'ai eu un mec qui travaillait, qui était énervé de travailler, je pense. Il était aigri. Il m'a raccroché à la gueule, c'est tout. C'est pas de ta faute. C'est toi. Dingue, parce que Romano a aussi des gens qui travaillaient, il a pas eu ça. C'est quand même un truc de fou. Bah, il y en a qui ont le feeling et le talent. Oui. Et d'autres qui n'ont rien. Et le hashtag obscénité a été lancé sur les réseaux, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On remercie d'ailleurs la Madame Avia qui nous a fait l'obscénité ce soir. Alors. Ça veut dire quoi, Djedja? Djedja et Dinage, ça veut dire. Non, Djedja, c'est une poule. Pourquoi, Akima, tu me dis que je suis une vraie Djedja? T'es une vraie Djedja, t'es une vraie poule. T'es une poule. Une poule. T'es une poule de luxe, Romano, toi. On sait pas. Poulette quoi. Bon, on va faire un tour donc chez Ashraf dans un instant pour savoir pourquoi il veut devenir une fille. C'est intéressant. Pour avoir ses règles peut-être. Pour faire des bébés peut-être alors. Ouais, je sais pas. Aussi. Donc Ashraf nous explique tout. Juste avant un témoignage express de Manuel par rapport à Mélissa. Et puis Pamela avant minuit qui doit serrer. On va s'y lancer dans quelques instants. Commencez à vous mettre sur les réseaux. Commencez à chauffer là. Ouais, chauffez les gars sur les réseaux. C'est bon, on se connecte partout et on envoie du pervers à tout va. Et attention. J'ai montré au Belge comment on séduit parce que j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Ça y est, t'es branché sur les réseaux, Pamela. On est en train de se brancher là. T'es là le vilain ? Ouais, je suis là, ma chérie, t'inquiète. Lundi, sois là, je vais te faire un gros câlin, mon cœur. Il t'a répondu direct. T'es là le vilain, ouais. Oh, ouais, ouais, donc, je suis là, moi je suis là, représente. T'inquiète pas, ma belle. Lundi soir, ça sera qui le vilain ? Ah bah, ça on sait. Mais lundi, tu viens avec ton. T'as encore l'enveloppe pour ton bras là ? Ouais, encore une semaine. Ah, donc on pourra te faire chier. Oui, ouais. Ah non, tu vas pas me faire chier, je te le dis, moi. Vivement lundi soir, moi. Non, mais dis, si tu reviens, tu reviens pas avec ta mauvaise humeur. Moi, j'ai vraiment hâte que le week-end il soit fini. Oh, ouais, quand même, on profite un peu. Hein. Oui, mais quand même, Cédric revient lundi, ça va être bien. Ah ouais, non, mais ça va être une belle soirée, il faut être là. Hein. Bah oui. Bon, Manuel, t'es avec nous, Manuel, de Beson dans le 95 ou 78 95. Bien. Alors, toi, raconte-nous par rapport à Mélissa qui nous appelait tout à l'heure, qui nous écoute dans sa voiture maintenant, Mélissa. Donc, elle a le mec de sa meilleure amie qui arrête pas de la draguer. Qu'est-ce qui s'est passé, toi ? Bah, moi, en fait, elle m'a arrivé la même chose. C'est que moi, je suis parti draguer l'ami de ma meuf, en fait. Pourquoi ? Bah, parce que bah, je la trouvais belle en fait et voilà, bah, j'avais envie de kiffer un petit mais peu. Mais est-ce que dès le début, tu sais, genre t'as rencontré ta meuf, sa pote elle était là ou pas quand vous êtes rencontrés la première fois ? Ouais, je la connaissais déjà depuis longtemps. Mais t'as toujours eu envie de la baiser ? Non, c'est venu avec le temps. Ouais, ouais, comme quoi ? Ouais, non, c'est venu avec le temps et puis j'avais envie de m'abuser un peu, sortir tout ça. Mais là, tu t'es pas dit, mais l'histoire avec ma meuf, ça risque de la foutre en l'air quand même, parce que c'est une éventualité cette histoire. Ah mais si, complètement, mais j'en étais content, ouais, j'en étais conscient. Rien à foutre quoi, mais tu t'en branlais. Ouais, bah écoute, mais si je me faisais penser, tant pis quoi. T'étais pas super amoureux de ta meuf ou t'étais amoureux quand même un peu ? Si, quand même un peu quoi. Ah, ouais. Ah, voilà, ouais. Quoi, un tout petit peu alors. Si je sortais avec elle, c'était pas pour rien. Un chouïa. Ah, attends, mais un chouïa comme on dit, un chouïa. Quand t'es amoureux, tu fais pas ça quoi. Oui, non, général non, mais... Ah oui. Mais bon. Non mais toi, t'avais envie de zober de tous les côtés. Ouais, ça zobe, ça zobe dans le 95. Voilà, c'est ça. Mais et les meufs, comment t'as fait alors pour la séduire et tout ça ? En fait, au début, j'ai galéré, voilà. Parce qu'elle voulait pas trahir ta pote, tout ça. Mais tu lui as dit cash, genre, j'aimerais bien qu'il y ait un truc entre nous ? Non, je suis allé mollo, tu vois. D'abord, je te trouve sympa, tu vois. Ouais, comme il fait le mec avec Mélissa, quoi. Pareil. Ouais, exactement. Voilà, quoi. Et elle t'a pas dit, je vais le dire à ma copine et tout ça, quoi. Ah, je vais tout répéter. Non, au début, elle m'a repoussé, voilà. Parce qu'elle voulait pas trahir sa pote. Et au fil du temps, elle a baissé la garde et tout ça. Et le truc c'est que j'ai réussi, je l'ai ken une fois, je l'ai ken deux fois. Oh. Elle y a pris goût, hein. Et t'es quoi, Romain ? Elle y a pris goût à ta teub. Ouais, puis elle a rien dit quoi. Puis à la troisième fois, j'ai largué ma meuf initiale pour aller avec elle. Ah bah voilà, l'autre elle a tout perdu. Oh. Bravo. Et elle l'a su ta meuf ? La pauvre. Non mais Marie, elle l'a su puisqu'il l'a largué. Non mais il peut la larguer sans dire qu'il baisse sa copine, hein, tu sais. Ah c'est je le dis, c'est. Oh, bon, attends, ah, totalement. Ah, tu fais quand même une chose proprement. Enfin, elle a perdu sa meilleure amie. On se cache rien. Et son mec. Bah non. On dit tout le temps qu'il doit pas y avoir de mensonge dans le couple. Bah là, il y a pas de mensonge. Ah bah là, il y a pas de mensonge. Oh, bah, non mais ça a été horrible pour elle. Non ah ouais, elle perd sa meilleure amie. Enfoiré. C'est, t'imagines, Romano. C'est comme si Cédric sortait avec Cariole et qu'ils s'en allaient tous les deux. Ouais, mais j'allais faire la pute, j'allais dire mais c'est pas mon meilleur. Ouais, j'allais dire ça. Non mais je vais pas dire ça, c'est pas bien. Non mais je sais, mais Cédric, tu sais, bon, je le laisse. Je sais qu'il est pas beaucoup en contact avec la femme. Alors le matin, il parle avec Cariole, tu vois. Bon, ça lui fait plaisir, ça lui donne un peu. J'aurais pas harcelé, moi. Ça... Oui, non mais tu sais. Pitié. Ouais, j'ai un peu pitié. Tu vois. Non, c'est horrible. Faut bien qu'il s'est. Faut bien qu'il parle un peu. On va rigoler, tiens. Comment ? Essaye de me toucher, on va rigoler, tiens. Non mais je peux même pas te toucher, Cédric, tu ne comprends absolument rien. Il ne t'a jamais touché, c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Ça n'est pas de doute là-dessus, je te toucherai pas. Allez, touche-moi. Non, mais... On ira dans la baignoire de Jerem Star tous les deux. Non mais vas-y, je te laisse ta place. Allez, s'il te plaît. Non, il y a que deux places, il n'y en a pas trois. En plus, t'es un connard parce que le matin, c'est Carole qui jette sur moi. Ah bah ça c'est sûr, ma. Ouais, non bah évidemment. Et t'es en face, oui, je peux. Mais d'ailleurs, tu sais que depuis que tu viens plus, elle est en dépression complète. Ouais. Ah bah ouais, elle pleure. Ah bah ouais, elle t'attend. Hein. Ah bah, elle attend. Mais je sais très bien ça. Je vais revenir d'ailleurs bientôt pour la voir, pour lui faire des câlins. Ah, elle doit être heureuse. Ah oui, elle a annoncé la grande nouvelle. Nickel, c'est ça. Oh là là, qu'elle est heureuse. Bon, bah écoute, merci Manu en tout cas pour le témoignage. C'est sympa d'avoir appelé. Y a pas de souci. Et raccroche pas et reviens quand tu veux sur Sky dans la Radio Libre. On est là tous les soirs, sauf le samedi. Et le dimanche, c'est Best Of, c'est la spéciale. Ouais, mais on est là quand même un peu, malgré tout. Grâce à Vincent, qui anime avec merveille. Big up à Vincent. Magnifique, cette magnifique spéciale. Ah, j'aime bien écouter, soir. Moi, le dimanche. Moi aussi, parce que l'émission, quand on l'a fait, bon, on l'écoute, bien sûr, parce qu'on a le casque sur les oreilles. Mais j'entends, mais il y a une fille qui parle le dimanche, c'est qui? Elle arrête pas de boire. Mais c'est vrai que quand t'es chez toi et tout, c'est différent. Ouais, j'aime bien, moi aussi. Ouais. Bon, bah, dimanche soir, profitez-en. Et puis lundi soir, n'oubliez pas le retour de Cédric. Merci, Manu. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison, hein. Ok, merci, l'équipe est passée. T'es parti. Salut Manu. Ashraf qui veut devenir fille, on le prend tout de suite. Et juste après, on lance Pamela. Attends, juste avant, il y a Malone. Qu'est-ce qu'il a, Malone? Salut Malone. Salut. Salut Malone. Malone, il voulait pas passer à l'antenne. T'étais sur Snap. Sur Snap, ouais. Ouais. Et tu nous as annoncé une nouvelle sur Snap. Et en fait, tu nous as demandé des conseils, t'as demandé qu'on t'aide. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit, bah passe à l'antenne, c'est mieux, il y a plus de monde. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Malone? J'ai voulu récupérer mon téléphone dans la table de nuit de ma mère. Pourquoi elle le met dans la table de nuit, ta mère? Là-bas, j'ai été puni. Ah, t'es puni. Donc, elle a gardé le téléphone dans la chambre. Ah, moi, je vois le truc arriver, là. Ouais. J'y étais, puis je suis tombé sur un god. Ah, je l'étais sûr. Ouais, voilà. Et ta maman, là, elle est à côté? Là, je suis monté en haut parce qu'elle était à côté. Elle écoute la radio? Je veux pas qu'elle entende ça, en gros. Ah non, tu veux pas qu'elle écoute la radio? Ah non, parce qu'on aurait pu lui demander, mais alors, qu'est-ce que tu fais? C'est tes godes qui traînent partout. Non, c'était un petit jouet sexuel. Bah ouais, mais Malone, t'as quel âge? T'as 16 ans? Ouais. Taron, c'est god, gros. Et bah ouais, mais bon, bah, elles le font peut-être toutes, hein. Ah, mais traquage, ouais, mais c'est vrai qu'il vaut mieux pas le savoir. Oh, mais tes potes, moi, je comprends que ça te mette mal, quoi, Malone. Ouais, ouais, ça fait. Il est mal, Malone. Non, mais à la limite, Malone. Ouais. Il est Malone. Non, mais je comprends, moi, que, ouais, ça te mette mal. Même si elle le fait, tu vois, qu'elle fasse n'importe quoi. Mais bon, tu te doutes bien qu'elle a une. Tu vois, Marie est mère, elle se god aussi. Je salue d'ailleurs son fils. Ouais, salut, Man. Super, ouais. Bisous, Théo. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me rendre mon god à maman? Ah, non. Je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec ton god. Après, il est tout, avec mon god, il est tout marron. Ça après. Se pas là-dessus. Moi, c'est super planqué. Et il sent le caca. Dessus, hein. Bah, il est toujours dans mon cul, alors aucun souci qu'il le trouve. Pour ce quoi. Marie a dit ça alors que son gamin, il est tombé sur ses sextapes et tout. Ouais. Non. Quand il avait 5 ans. Il avait vu. Non, j'étais. Bah, non, il l'a vu en train de Ken. Ah ouais, il l'a vu en live. Ouais. Ah, oh, bon, c'est encore plus mieux. Mais bon. Ah, ouais, moi, si ça m'arrive, c'est dégueulasse, je ne m'en remettrai jamais. Essaye d'oublier cet événement. Le pauvre, nous dit Mathieu. Salut Mathieu. De toute façon, il n'y a rien à faire. Tu vas pas aller voir ta mère. Non. Tu te godes. Non, mais c'est. Tu le prends et devant elle. Je voulais le dire, hein, quand j'ai récupéré le truc et j'ai vu ça, je voulais aller. Non, tu veux te non, ce que tu peux faire, c'est. Tu me rends mon téléphone ou alors je dis ce que tu caches dans ton téléphone. Je te rends pas ton god. Ouais, c'est aller fouiller. C'est ça le chantage. Non, tu le prends et tu le bouges devant elle, c'est quoi ça, maman? Non. Tiens, en le bougeant. Non, mais tu la bifles avec. Non, mais le pire quand tu trouves un truc comme ça, c'est que tu. Ah. Imagine, ouais, j'imagine. Ah non, le pire, c'est demain au bahut, tes potes qui vont te traquer, justement. Parce que moi, j'entends mon pote à la radio, sa mère, elle a un god, mais ça me fait l'année, gros. Non, mais vous rigolez, mais il faut tous savoir que nos parents, ils ont une sexualité, hein. Oui, mais le mieux, c'est de pas le savoir, quoi. Mais déjà, s'ils t'ont fait, Romano, c'est qu'ils ont ken, hein. Non, mais je sais, mais je me doute, ils doivent ken encore. Ils pensaient à toi, ils pensaient au bébé magnifique qu'ils allaient faire, un petit bébé chauve, tout mignon, avec des lunettes mignonnes toutes. Oui, quoi, je suis né sans lunettes, hein. Ah ouais. Mais t'es né avec la calvitie comme ça? Non, j'avais des cheveux. Il a déjà dit, il avait plein de cheveux. J'avais une banane. T'es blonde, ouais. Non, mais bon. Juste presque jeté. Ça arrive, hein. Oui, non, mais ça arrive, mais ça fait chier de le savoir, quoi. Non, je vais le découvrir. Ouais. Je comprends que tu sois choqué aussi, hein. Ça, c'est comme tes parents, tu te blagues inique, mais ça fait chier de savoir la position. Quand tu les. Savoir, ou de les voir, tu vois, ou de tomber dessus, quoi. C'est vrai. C'est mieux de pas tomber dessus, c'est sûr. Ah, bah ouais, ouais. Bon, de toute façon, t'as récupéré ton téléphone, du coup? Bah oui. Bon, bah très bien. Bon, bah voilà. Le code. Je suis toujours choqué. Là, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Tout comme ça. C'est choquant. Mais non, mais tu dis rien, gros. Mais tu sais, je pense que ta mère, de toute façon, comme t'as pris le téléphone dans sa table de nuit, elle va se douter que t'as peut-être vu quelque chose. Donc elle risque d'être un petit peu bizarre ce week-end, ta maman. Ou peut-être même elle va rien te dire parce que t'as pris le téléphone pour pas te dire, pour même pas que vous parliez ça du god ou quoi. Mais t'es sûr que c'est un god? Ouais, bah ça vibre. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Non, mais sinon, ça peut être un truc, un masseur pour visage. Ah, ma soeur, pour non, non, il y avait ce qu'il fallait. Parce qu'ils vendent, parce qu'ils vendent ça dans Téléachat, j'ai vu. Non, mais par exemple, je sais pas s'ils le font, mais, à une période, la Redoute, par exemple, ils présentaient l'objet sur Internet. Au lieu de mettre que c'était un god, la meuf, elle avait ça contre la joue et présentait ça comme un masseur. Ouais, oui, regardez, regardez. Oh, mais oui. C'était un god, en fait. C'était un god. Il se mettait sur le visage. Ouais, c'est ça. Il faisait pour détendre. Et il disait, tu sais, pour pas choquer, il mettait genre un masseur pour le visage. Avec que c'était un god, quoi. C'était en forme de bite. Bon. Avant de vous maquiller, n'hésitez pas à vous détendre le visage. Non, mais c'était ça, genre massion pour visage, ouais. Bon, bah, moi je dirais rien. Qu'est-ce que vous feriez dans l'équipe? Ah, tu dis rien. Ouais. Ah non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Maman, tu te godes? Maman, tu te godes? Non, mais tu vois. Non, mais il faut rien dire. Tu sais qu'elle a une sexualité. Non, voilà. Ouais, bah, elle est avec ton père encore, ta mère, ou elle est célibataire? Non, elle est avec mon père. Bah, ils jouent ensemble, ils s'amusent. Ça veut dire. C'est peut-être le sien, ton père. Peut-être pas. Je la perdais plus pareil. Oui. Mais bon, après ça veut dire qu'elle a encore une qu'elle s'éclate et que quand on s'éclate sexuellement dans la vie, on est mieux. Non mais puis bon, tu vas pas aller le renifler pour savoir à qui il est. Hein. Non. Ah non, papa. Non, ah non. Merci Malone. Bah écoute, ouais, garde ça pour toi. Ah tiens, il y a quand même Poto qui veut savoir. C'est un gros ou un petit? Moyen. Moyen. Bon, ça va. Très bien. T'imagines, tu sortais un god bras. Il y a un god bras dans le. Il rentre pas dans le. Il rentre genre, pas dans je pense que toi, Malone, tu fais un malaise. La table de chevet, ça. Bon, on t'embrasse, Malone, salut à toi. D'accord, allez, salut. Ciao, Malone. Salut, bon courage. Et on t'envoie un t-shirt Skyrock, raccroche pas, ciao. Ciao. Ouais, puis c'est moins pire que de trouver des menottes ou, je sais pas, un fouet. Ah, je préfère trouver des menottes qu'un god, moi. Ah oui, Marie. Mais ah ouais? Ah, moi, je préfère trouver un god que des menottes. Quoi? Ouais, moi aussi, clairement. Les menottes, je me dis, putain, j'imagine ma mère en train d'attacher mon père ou mon père en train d'attacher ma mère, je me dis. Ah, c'est vrai que les menottes, ça fait un peu particulier, ouais, j'avais pas vu ça. Ah, bah, moi, je préfère les menottes quand même, tu vois. Très bien. Mais bon, le god, c'est directement un truc qui est rentré dans sa chatte, c'est chaud aussi, quoi. Ou le cul. Ou le cul, tu sais. Ouais, enfin bon. Ça peut rentrer partout, cette histoire. Bon, alors, on va retrouver Ashraf. C'est peut-être passer le visage avec. Ouais. Pamela, t'es prête? Oui, je suis prête. On prend Ashraf et on va essayer de l'aider. Ashraf, il veut devenir fille. Allô, Ashraf. Salut l'équipe, ça va? Ça va, Ashraf. T'as 20 ans, t'es à Chalon-sur-Saône. Ouais. Et tu nous as appelé ce soir. La Beurge. La Beurge. Chalon, c'est la ville. Attends, je connais. Il y a la Beurge autour. Autour, mais. Il y a Autun autour. Il y a Saint-Rémy, c'est la Beurge. Châtenois-le-Royal, c'est la Beurge. Je crois que c'est à Saint-Rémy qu'on a notre antenne, Romano. C'est en haut de Chalon-sur-Saône. Saint-Rémy. C'est sur une colline. Je sais qu'il y a une boîte là-bas, mais. Ah. Bon, bah écoute, très bien, il y a une boîte. Ah, c'est là où il mixe, DJ Roro, je crois. Ah. Ah, c'est ça. Ouais, c'est faire caler. Ah ouais? C'est faire caler. T'as même là-bas? Ouais, il n'y a pas pu rentrer. Bon, alors, Ashraf, explique-nous, pourquoi tu veux devenir fille? Ça va l'équipe, ça fait plaisir en vrai. Bah écoute, nous, ça va, ouais, mais toi, tu m'inquiètes un peu, pourquoi tu veux devenir fille? Alors, non, je veux pas devenir fille, je veux devenir fille au père, en fait. Je voudrais. Ah, ouais, c'est différent. Tu veux devenir fille au père. Ah, putain, tu veux t'occuper d'enfants, quoi. Sinon, je t'aurais passé Cédric parce qu'il a été très excité. Hein. Voilà. Parce que ça, il adore. Non, mais du tout, je connais Cédric. Ça lui rappelle son. Ça te rappelle ton ex, Cédric? Non, rien à voir. Bah, si, ton Mario, là, l'autre. Ton homme-femme. Oui. Ah, la femme espagnole. Oui. La femme espagnole. Voilà, la femme, Mario. Ouais, c'est bizarre, une femme espagnole, c'est Mario. C'est nouveau que sur espagnol, t'es brésilien aux dernières nouvelles. Brésilien. Ouais, brésilien qui habite en Espagne. Mais t'es vraiment un gros mytho, en fait. C'est incroyable. Quoi. Bon, c'est un des ex de Cédric, ça arrive. Bon, oui, Ashraf. Et en fait, le problème, c'est que je suis en fauteuil roulant, tu vois, j'ai un handicap et tout. Oui. Donc, je sais pas trop comment nous le prendre. C'est quoi fille au père, tiens, on nous demande? Bah, tiens, explique, parce qu'il y a Formante qui nous laisse un message, c'est quoi fille au père? Bah, en gros, tu pars dans une famille à l'étranger. À l'étranger, tu gardes des enfants, quoi. Voilà, exactement. Et eux, ils t'hébergent, tu bouffes chez eux, tu vis ta vie. Ouais, c'est ça, ouais. Tu files un peu d'argent de poche. Ouais, c'est bien, ça, ouais. Bah, c'est bien, ça. Et tu crois que c'est bien, si t'as envie de le faire, hein, parce que moi, je sais que les gosses. Ah, non, mais pareil, ouais. C'est bien horrible, oh. Le calvaire, oui. Putain, moi, j'aurais pas pu faire ça. Hein. Ah, moi non plus. Et en plus, les gosses des autres. Oui, c'est ça. T'as envie d'en tarter un. Il a dit, genre, claque un, moi. Non, mais t'imagines. Non, mais admettons, le gosse, tu sais, ça peut arriver. Le gosse, en fait, genre, tu sais, je sais pas pourquoi, il te déteste. Ouais, il dit fuck you. Et il te fait genre la misère, tu sais. Ouais, l'américaine fait fuck off. C'est ça. Tu sais, j'ai envie de niquer ta mère. Oh, motherfucker. Go to your mother. Pas te claquer, c'est pas ton môme en plus. Ouais. Non, mais il y a des limites. Si le gosse, c'est toute la journée, il dit va niquer ta mère, je pense que je nique sa race. Fuck your mother. Fuck your mother. Ouais, fuck your mother dans ta gueule, bim. Ça, c'est l'enfer, mais sinon, si tu passes un an comme ça à l'étranger, c'est vachement bien pour toi. Ça te fait une expérience. Je pense que ça dépend quand même vachement de chez qui tu tombes. Ouais, ça, je suis d'accord, ouais. Et dites-nous. Je sais pas comment ça fonctionne après. Pour Achraf, si vous en savez plus que nous. Et le fait que tu sois en fauteuil roulant. Je pense qu'il y a pas de problème. Après, il faut juste que la maison des gens chez qui tu vas aller, elle soit adaptée. Il faut pas que, par exemple, il y ait 3 étages, tu vois, avec des escaliers, parce que pour toi, ça va être compliqué, quoi. Ah ouais, il faut juste une maison adaptée à ton fauteuil roulant, Achraf. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais t'as déjà demandé, parce que tu sais, il y a des organismes qui s'occupent de mettre en relation les familles qui recherchent et les candidats pour devenir fille au père. Oui, en plus il y a maintenant des quotas, on doit prendre un taux de personnes avec un handicap, et ça c'est bien, vrai. Ça. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est normal, hein, au final. Bah oui. Ouais, mais justement, je sais pas trop comment ils me comptent, quoi, en fait. Bon, on va demander à tout le monde, là. Vous nous laissez vos messages au 41-759 sur l'appli Skyrock et au 01-53-40-30-20. Vous pouvez nous appeler. Si vous savez, vous nous dites. Donc, est-ce qu'on peut être fille au père? Bah, dans un fauteuil, ça va. Il y a un que qui te fait une blague, Achraf, une blague pas drôle du tout, mais on a dû te la faire 10 fois. Ça roule, Achraf. Vas-y, balance. Alors, ça roule, Achraf. Ouais, ça roule, tranquille, y a pas de problème. Tranquille. Non, mais moi, je pense que c'est possible. Après, c'est vrai ce qu'il disait Romano, ce que je lui avais soufflé juste avant. Bah, évidemment. Si la maison est pas adaptée, ça peut être un peu relou. Ouais. C'est le seul truc. Bah, non, mais de toute façon, la famille, ils pourront pas te prendre. Ouais. Et puis, toi, tu pourras pas y aller non plus, parce que, je sais pas, ouais, admettons, si les chambres, elles sont au premier étage, comment tu fais pour monter, quoi? Ouais, mais c'est quand même, après, il y a peut-être une famille, tu vois, ou le père, ou quelqu'un handicapé, donc du coup, Ouais, c'est ça. Non, mais sinon, il y a plein de gens qui habitent dans des maisons et il y a pas d'étage, hein. Puis il y a des gens qui habitent dans des appartements, moi, j'ai pas d'étage, ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. J'habite pas comme toi dans un château bourgeois du 16e siècle. Ouais, mais bien sûr. J'étais en 9-2. Là, il y a Alabama. J'ai fait fille au père chez des amis à ma mère. C'était horrible. Bon, voilà un truc, un message motivant. C'est pour toi. Bon, bouge pas, Achraf. Reste avec nous et dites-nous pour Achraf. Il y en a 2-3, là. Clitoridienne et Mamoun. Ouais, t'as vu? Qui disent, il faut contacter le Cap Emploi. Ouais. Ils aident les personnes handicapées dans leur démarche professionnelle. Tu connais ça, Achraf? Il y a Blota aussi qui le dit. Ah ouais, Cap Emploi encore. Ouais, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu, ouais, de nom. Bon, bah, renseigne-toi là-dessus. Apparemment, c'est bien ça, ouais. Allez, on va les appeler, on s'en sait de là-dessus, on va te dire tout ça. Tiens, juste un autre après. Témoignage. Cynthia, moi, je suis nounou, et franchement, au début, ils sont mignons, mais maintenant, je me retiens de ne pas les frapper. Il y a un bout de nerf. C'est bien, il faut te retenir. Bon, ouais, Cap Emploi, c'est comme un pôle emploi pour les gens en situation de handicap, on nous dit. Ah, bah, c'est bien. Très bien. Bon, bah, Achraf, tu bouges pas, a priori, c'est bien parti, on va arriver à trouver un truc là-dessus. Reste là, le temps de retrouver. Bah, tout de suite, hein. Le temps de retrouver Pamela, tout de suite, c'est l'heure, Pamela. Ah, Pamela. Oui, je suis là, moi. On a dit avant minuit, tu dois serrer, t'as vu, il est 23h52. Mais y a pas de problème, moi, je n'ai pas peur. En 8 minutes. 8, 9 minutes, peut-être même 2. Oh. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. C'est moi. Mais oui, c'est toi. C'est elle. N'oublie pas lundi, émission spéciale pour Cédric. Tu seras là, bien sûr, pour fêter ça. Hein. Oula. Bah, quoi. J'espère bien, ma chérie. Ah là, vous me prévenez tard. Moi, j'ai un shooting. Tu as un shooting de quoi? Bah, je suis dans la fashion. On va te shooter des trucs dans la gueule. C'est quoi ton shooting? Je suis modéliste, hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dans la mode. Elle est modéliste. Oui, là, je pose avec mes 3 doigts pour une marque de bague. Oh, magnifique. Et ouais, parce qu'elle a des contrats pub, hein, Pamela. C'est un peu la Cristiano Ronaldo de la mode. Ouais, c'est ça, là, je pose avec des bagues. Une marque de vernis à ongles. Elle a que 3 doigts. Pas con, l'idée du vernis. C'est original. C'est pas mal le vernis. Bah, on prend des gants. Les gants, oui, c'est pour Noël, tout ça. Ouais, pour ça, ouais. Le ski. Je lance une collection de gants à 3 doigts. Oui. Ah, les gants Tortue Ninja. Car Pamela n'a que 3 doigts par main. Mais ça m'empêche pas de bien me branler des queues. Eh oui. Alors allons-y. Qui empêle-t-on? Moi, je propose qu'on commence par Gabi. Alors Gabi, c'est lui. Il a laissé un message. Il avait disparu. Il est de retour. Vieux parisien sympa. Vieux parisien sympa. Vieux parisien sympa rencontre tailleuse de pipe. Il est excitant, hein? Ah bah, c'est le message le plus excitant qu'on a écouté depuis des semaines et des semaines. Ah, mais Gabi, c'est un poète, Gabi. C'est Gabi. Bon, vas-y, appelle-le, vas-y, Gabi. On appelle Gabi. Magnifique, il avait déjà laissé plein de messages avant. C'est un des habitués de Pamela. Lui, il galère, hein. Je peux te dire que ça fait des mois et des mois qu'il est sur le réseau. Parisien, voyeur coquin, reçoit femme au sein lourd. Le mec a un fax, il est con, le mec. Ah, le con, il a donné le numéro d'un fax. C'est lui, là, c'est lui, Gabi. J'ai une pute de grosse vache. Salope enculée. Vieille pute de grosse vache, salope enculée. Marie, un mec vient te voir et te fait dans l'oreille, comme ça, sur l'oreiller. Vieille pute de grosse vache, salope enculée. Et il finit par un petit salope. Il sort de chez moi. Attends, c'est pourquoi immonde. Parce que salope, à la limite, pendant que tu fais l'amour, d'accord, ah, mais. Très bien. Et alors, et s'il te dit ça? Je lui caresse un peu la queue, là. Non, non, il m'excite toujours pas. Bon, le con a mis le numéro de son fax. Bon, désolé. C'est hein. pas bon. Désolé, Pamela, je sais que tu l'aimes beaucoup, celui-ci. Ah, hein. Dommage. C'est vrai qu'il est tellement sensuel. C'est... J'ai les couilles complètement à plat. Mais il a les couilles complètement à plat. Pleine ou à plat? À plat. À plat, les couilles à plat, le mec. T'imagines. Il est ravagé, lui. Bon, donc on fait. On a ceux qu'on drague en direct aussi. Hein. Faut nous les envoyer, ceux-ci, ils sont marrants. Et là, donc, c'est on les pervers qu'on a écoutés tout à l'heure. Ceux qui ont laissé des messages sur. Ton répondeur, Pamela, comme toutes les semaines. Le répondeur est plein toutes les semaines. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Là, vous savez, quand on a démarré Pamela, je me suis dit, bon, ça, on va le faire 15 jours, et puis après. Bonjour. Ah non, vous bonjour, êtes sur madame. Le répondeur du... Ils vont se rendre compte, ils vont se rendre compte que bon, c'est Pamela, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les mecs, toutes les semaines, il y en a 100, 150. Ah ouais, c'est dingue, hein. Allez, vas-y. Allez, on y va. Donc, on les teste, là, c'est ceux qu'on a... on s'y prend tard aussi, hein. C'est ceux qu'on a écouté tout à l'heure. Ah, et je t'annonce l'arrivée de ceux qu'on drague en live. Allô? Allô? Oui. Oui, tu m'entends? C'est qui? C'est Pamela, l'appareil. C'est Jackie? Oui. Oui, je te dérange pas? Pourquoi? Ben non, parce que je t'appelais pour faire ta connaissance, éventuellement, peut-être faire rencontrer un de ces quatre. T'es d'où, toi, Jackie? Montigny, et toi? Deux? Montigny, Montigny, et toi? Ah, je suis à Bordeaux même, moi. Tu m'appelles de Bordeaux? Montigny-le-Bretonnais. Ah, moi, je suis à Paris, moi. T'es à Montigny-le-Bretonnais? Mais je t'entends mal, Jackie. Parle mieux dans ton téléphone. Oui, tu m'appelles... Parce que tu commences à me taper sur le haricot, espèce de con. Alors parle mieux, dépêche-toi. Allô? Mais parle! Pourquoi tu t'énerves, Pamela? Ah, mais qu'il y a tes fautes de merde! Ça m'agace! Bon, bah, désolé, c'était. Jackie. Non, j'ai essayé de le rappeler si tu veux le traiter, mais bon. Bon. Ah, mais le mec, il est de tension, hein. Ah. Allô? Jackie? La réunion, elle est là. Laisse un message, ma rappel là-haut. C'est Jackie. Très bien. Il est bizarre, t'as raison. À la fin de votre non, mais je suis d'accord avec toi. Il est bizarre. T'as le mec qui fait flipper. Non, le mec parle à l'envers. Il prend les mots et il les dit à l'envers. Bon, alors là, il y a ceux qu'on drague en direct. Juste avant le direct, je t'en passe un, il a laissé des mails insistants. Il veut acheter tes petites culottes sales, tu sais. Ah, très bien. Ah ouais. Nickel. Allô. Oui, allô? Oui, c'est qui? C'est Pamela, là, pareil. Je t'appelais, c'est moi que t'as eu en message à propos des culottes sales. Pouvoir arrêter avec votre blague, s'il vous plaît. T'as un problème? Ah, mais là, c'est une caillasse, ça. T'as vu ça un peu? T'as un problème? Appelle-le. J'ai peur que tu seras gentil avec Cédric, hein, lundi. Hein. Ah, mais je suis pas. Je suis en shooting. Moi. Non, mais tu vas bien trouver un petit moment dans la soirée entre 21h et minuit, entre oula, deux photos. Mais là, non, je vais loin, là, je suis content. Allô? Ouais? Pourquoi tu raccroches? Oui, mais tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Bah, non, mais tu veux mes culottes sales? Ou sinon, je te chie direct sur la gueule. Tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Mais tu as vu des culottes ou pas? Je peux te faire pipi dessus? Non. Non, dommage. Bon, bah, désolé, t'as peut-être dû commencer par le pipi, finis pas, coca. Bon, là, on est sur les réseaux en direct. Pamela, ça va envoyer d'abord en live, je te le dis. Bon, là, c'est en live. La discussion. C'est quoi, lui? J'ai passé à Pamela. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Pamela? Parce qu'on a discuté avec plein de mecs, là, depuis tout à l'heure. Enfin, depuis un quart d'heure. Et Pamela a serré. En un quart d'heure, elle serre. Hein. Si vous êtes en train de draguer sur les réseaux, vous galérez peut-être parfois. Pamela, elle, 8. Un quart d'heure, là, et c'est géré. Coucou, tu recherches Plantel? Pamela a répondu oui. T'es chaude? Oui. Numéro du mec? Ah, direct. Voilà. C'est homme chaud. Ah, il répond pas, lui. Sabine, il en a un autre. Ouais, tiens, c'est lui. Bonjour, vous êtes sur la message. Je suis. Alors, attends, c'est où? Ah, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien et tout. Bah, et c'est toi? Bah, c'est Pamela, moi. Hein. Ah, oui, j'ai bien compris. Ah, t'as bien compris? Non, mais je pensais des fois que tu discutais avec d'autres personnes. Non. C'est quoi ton prénom? Denis. Denis, tu as quel âge, Denis? 43. 43, tu es sur quel coin, toi? Je suis sur Paris. Ah, mais c'est bien ça, moi aussi, je suis sur Paris, moi. Ah, oui? Ouais, dans le deuxième arrondissement, c'est vers Châtelet-Les Halles. Ah oui, bah je suis pas très loin en fait. Ah c'est bon ça. Ouais. Parce que moi je travaille dans la mode, je suis modéliste. C'est vrai. Oui oui. Donc je suis régulièrement sur Paris pour des shootings. Ah bon. Et donc tu gagnes ta vie comme ça. Ouais ouais ouais, je suis modéliste quoi. D'accord. Et toi, tu cherches quoi là, sur le site? Bah là ce soir j'avais envie de me caresser au téléphone avec un homme à belle voix qui saurait m'exciter quoi. Ouais, bah je vois ça. Ah. Donc t'es déjà là que tu te caresses, c'est ça? Ah ouais, je suis en petite culotte là sur mon lit. Bah tu devrais l'enlever, putain. Ah tu veux que j'enlève ma culotte? Bah oui. T'as pas peur que j'ai froid? Bah c'est pas grave, hein, non. Je te réchauffe moi-même. Ah ouais, j'enlève ma culotte. Ouais, enlève. Ça y est. Ah. Ouais. Attends, ma culotte. Ah. Attends. J'enlève ma culotte. Ah. Elle est enlevée. Donc là, t'es à chatte nue. Bah ouais, là j'ai enlevé ma culotte, là, oui. Ouais, d'accord. Elle est comment, ta chatte? Elle est épilée devant, un peu plus longue sur les côtés. D'accord. Avec donc... une petite encre de marin, au niveau des poils pubiens. Ouais, d'accord. Donc t'as pas envie de la ouvrir? J'ai envie de la ouvrir, mais qui? La porte? Non, ta chatte. Ah, oui, je vais l'ouvrir, oui. Bah, tu peux écarter les lèvres, non? Allô, Denis? Oh merde, tu l'as trop ouvert d'un coup. T'as ouvert trop fort la chatte. Ah ouais. Mais oui. J'ai déchiré la fermeture. Ah bah merde alors. La fermeture de la chatte a explosé. Ah ouais. Ah bah oui. Tu peux la ouvrir. Bah oui, la chatte. Bon, on fait PNL et on en fait un petit dernier. On peut peut-être essayer de le rappeler lui. Alors regarde lui de côté. Tu dis que t'as trop ouvert ta chatte. Ouais. Je l'ai trop la ouverte. Bah oui, elle est trop. On fait la roulette, tiens, la roulette qui va tourner dans un instant. Vous inscrivez les places pour Joule au mois de décembre en tournée avec Skyrock et les dernières de la semaine de ma nouvelle roulette qui tourne. Donc les toutes dernières places pour Joule dans cette roulette, c'est maintenant. Si vous voulez les gagner, vous envoyez roulette au 7-20-20, vite, roulette au 7-20-20 et on se retrouve en direct sur Skyrock. Vous faites tourner la roulette, vous allez voir Joule à Marseille, c'est complet, à Paris, c'est complet partout hein, pratiquement hein. À Amnéville au Galaxy et à Nantes, Joule en concert avec Skyrock. La tournée Joule, c'est avec Sky et les places au 7-20-20, vous envoyez roulette et nous on écoute PNL tout de suite. J'avais promis PNL, ils arrivent. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Tu refais là. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Est-ce que pendant votre service civique, vous avez les études à côté ou pas du tout, Abderrahim? Non, j'avais fini ma licence, c'était en attendant de faire un master. Clément? Ce qui est pratique, enfin pratique entre guillemets chez les pompiers, c'est que c'est une garde. Moi j'ai choisi de faire 24 heures le week-end, donc comme ça pose aucun problème vis-à-vis des études. Et surtout, on n'est pas obligé de faire ses études en même temps. Il y a beaucoup de jeunes volontaires qui ont choisi de faire une pause dans leurs études, d'accord, y compris autour de cette table, de faire une année de service civique pour souffler, pour faire une pause et parfois pour réfléchir à leur orientation. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Le 19 octobre au cinéma. Je suis pas la loi. Concert. Skyrock. Écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Yeah, yeah, yeah. SNIPER, papy. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. Concert unique. Sniper en concert avec Skyrock. 22 novembre, Zénith de Paris. Toutes les infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Eux sont les caïds d'une cité. Oui, je suis colombien. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Vous jouez ? La pièce. Les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tonio Life. Est-ce que t'en as une de pièces ? La pièce. Les derniers seront les premiers. La partie commence actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et PNL, hein, quelle belle soirée. On a démarré tout à l'heure la soirée en direct du Vélodrome avec Fred. Il arrive Fred avec la nocturne dans un instant. Hein. Ouais. Soprano était en direct du Vélodrome. On finit la soirée avec PNL et avec Pamela. C'est pas beau ça, hein. Magnifique. PNL, nah, c'est le son qu'on écoute tout de suite. Et Pamela juste derrière. Et Jul a gagné. Hein. 7-20-20, vous envoyez roulette. Les concerts de Jul sont seulement sur Skyrock. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. Pas qu'on m'invite, pardon, je reconte. Mes rêves se ravis, money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rues sont devenues vertes. Non. Ok, j'm'en balais. J'crame une clope dans la. C'est ta seule voix, ma. J'suis pas à ma. Le Yankee veut ça. En menottes dans la. J'ai là. Tu crois, je fais le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. J'suis totalement paix. PNL sur Skyrock, c'est le son qu'on vient d'écouter. PNL avec Na. Default. Radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Oui, en direct sur Skyrock avec Cédric qui est avec nous avant son grand retour lundi soir. Ouais. Et Cédric, la soirée de lundi. Oh là là là. Mais ça va être la folie. De la folie. Tu sais que Big Flo et Oli ont été les seuls artistes à accepter de venir. Et puis, je te raconte pas combien ça va te coûter parce que bon, la facture est pour toi. On les embrasse, Big Flo et Oli d'ailleurs. Ouais, lundi soir, ils seront dans l'émission avec nous. Ils passeront à un moment de la soirée. Il y a d'autres surprises. Il y aura la grande élection de lundi soir avec notre question pour un gros con de lundi. Les deux finalistes sont Karim. C'est nous, man. Et Cédric. Il y aura le gros con de la soirée qui sera élu. Lundi soir. D'ailleurs, envoyez-nous des questions si vous avez des questions à leur poser. On va leur faire un gros quiz. Non, question de culture générale, tout ça. Tout domaine. On prend tout. Vas-y, man, vas-y, t'inquiète, je vais le baiser. Ça peut très bien être des trucs, par exemple, sur l'école. Ouais. Bon, on va prendre un niveau bas pour vous, hein, vous inquiétez pas. C'est niveau sec pas. Mais des trucs aussi de la vie courante. Aussi, ouais, genre cuisine. Vas-y, ça roule. Tout. Médecine. Objets, voiture, musique. Ce week-end, je révise. Le retour du clash en direct avec Cédric et Romano en face à face. Ce soir, on l'a fait en direct, mais Cédric était dans son lit. Mais je l'ai baisé. L'un en face de l'autre. Peut-être que tu vas l'impressionner, Cédric, et que lundi, Romano va perdre ses moyens. Non, mais lundi, on passe aux choses sérieuses, t'inquiète. Ah, c'est bien, Cédric. Donc ça, il est enfin, lundi soir, c'est pour nous. Pamela est toujours avec nous, elle sera là. Elle nous a dit qu'il y a entre deux shootings. Oh non, je suis pas là. Ah, là, il y a tout le monde lundi. Tu dis que je suis pas là. Allez, viens. Mais si, allez. Tu peux l'enlever de l'antenne. Entre deux shootings. Tu veux quoi, tu veux que j'enlève? Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah. Ah. Ah, on me dit que tu es tellement sexy que tu la déconcentres. Non mais elle est partie. Ouais, tu la déconcentres quand elle appelle les pervers. On en a un dernier à faire là. On rappelle, il y a Denis là. Rappeler, est-ce que là. Tu veux rappeler celui qu'on a fait? Bon, on rappelle celui d'avant. Vas-y, rappelle. On Denis. A fait un autre et après, on a une surprise pour toi, Cédric. Tiens, on te fera écouter. Ah oui. Et oui. Ah ouais. On rappelle Denis alors. Et après, donc on appelle. Pour ton retour, on met les petits plats dans les grands, comme ils disent à la télé. Hein. Ah non, mais c'est vrai, hein, tu vas halluciner. J'imagine, ouais. On n'est pas prêt de faire de la télé, mon ami. Hein. Et. Et la roulette aussi qui va tourner, là, tiens, vous allez faire tourner avec nous. Denis ne veut pas te répondre. Attends, on est qu'à la fin. Fais la gueule, sonnerie. Denis. Troisième sonnerie, quatrième, je sais plus. Sinon, pour toi, j'ai grosse bite dispo. Ah qui ça, bonjour, c'est bien, ça. Vous êtes sur la messagerie du 06. Okay. Bon, Denis, quand tu as ouvert ta chatte tout à l'heure, tu lui as fait peur et depuis, il ne répond plus au téléphone, Denis. Là où je ne comprends pas, c'est important, moi, j'ai juste ouvert. Hein. Ah, elle réouvre. C'est joli. Et là, mais c'est joli. Oui. Ah, ça. Allô? Allô? Bonjour, allô. Ouais, grosse bite dispo. Oui. C'est toi? C'est quoi ton prénom? Nassim. Nassim, t'as quel âge, Nassim? J'ai 31 ans. 31 ans, t'es d'où? Et de Paris. Ah bah pareil, je suis de Paris. Moi j'ai 25 ans, je m'appelle Pamela. Je suis dans le deuxième arrondissement vers le Forum des Halles. D'accord. Ah, j'ai envie que tu m'excites très fort et que tu te branles. D'accord, et toi tu fais quoi là, t'es dispo là? Là je suis dispo là pour me caresser, ouais. Ouais, et t'es comment? Là je suis à poil. À poil? Ouais. Mm-hmm. Chaud. Mm-hmm. Chaud à la moule. Et comment, t'es quoi, t'as un trave ou... Comment? T'as un trave? Mais tu... non, pas du tout, tu m'as pris pour qui? Je sais pas, je te pose la question. Non, mais enfin, je suis une femme, je travaille dans la mode, je suis modéliste, alors. D'accord. Je fais des shootings à Roche-la-Molière, tiens. Dans ta gueule. Et à Saint-Chamond. Roche-la-Molière. Ah, c'est d'accord. Large là-bas. Hein. Bon, alors, tu te touches un peu la queue, là, ou pas? Oui, bah oui, mais t'inquiète pas, hein, elle est dans ma main depuis tout à l'heure. Hein. Ah bah vas-y, bah dis-moi des trucs. Ah bah c'est comment, hein, viens, on se capte, c'est tout, je vais te dire des trucs. T'as la même voix que Doc Gynéco. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour vous comme Doc Gynéco. T'as une bonne bite. Ouais, elle est assez grosse, t'inquiète pas. Ah, parce que j'ai une grosse chatte. Ah bon? Tu veux que je te la fasse écouter? Oui. Attends. Je me mets en position, hein. Oui, vas-y. T'as entendu ma chatte? Je peux faire de la musique. Ta ta la ta ta. Oui, j'ai entendu. J'ai un incroyable talent. Et je fais la même chose avec mon anus. Et j'arrive à faire chat anus. Et anus chat. Impressionné. J'impressionne, Nassim. T'as affaire à une pro. Chiroté aussi. Cédric, ça c'est Cédric. Non, c'est pas moi. Ah, t'es un sale, Cédric. Le caca, c'est bon. Oh, Cédric est un monstre. Le belge, ah, donc, en plus, c'est pas moi. Si, si, c'est toi en plus. Tiens, Nassim, Nassim, je te passe un copain, il a envie de se branler. Ça va pas, non? Cédric, vas-y, ça t'entraîne. Je peux me branler, mais casse-toi, il est fou. Mais parle avec Nassim. Non, mais ça va aller. Ça va aller, allez, là, tranquille. Oui, bonsoir. Oh Cédric, bah tu vois, tu fais des efforts, c'est bien. Viens là, mon petit Romano. Oh. Mais c'est quoi cette voix de biatch qui prend lui? Bah, c'est Cédric. Hein, qu'est-ce que tu veux? Pas moi, connard. Bah si, c'est qui ça? Oh. Mais ça, c'est moi, ça? Mais oui, c'est toi. Non, je suis pas sûr. Si, si, c'est lui. L'autre d'avant, c'est. Non, je crois que c'est des mecs en production qui s'amusent. Ah, je crois que c'est plutôt ça, ouais. Oh. Viens là, mon petit Romano. Ah, ça, c'est toi, Cédric. Bon, on a si. Pas moi, ça. Ah, si, mais on va y aller, nous, hein. Oh, on va partouzer, nous, on va faire l'amour avec Pamela. Ah ouais, on va la déglinguer. Pour une fois qu'on arrive à serrer une modéliste. Ah ça, ouais, vraiment, je travaille dans la mode, moi. Ah ouais, ça, c'est vraiment super. Eh, hey, Nassim, je t'ai pas dit, j'ai trois doigts. D'accord. On t'embrasse, Nassim. Bisous, à bientôt. Bon, hein. Salut, Nassim. À ciao. Bientôt sur le réseau. Ouais, ciao. Bisous, salut. Ciao, bisous, mon amour. Merci, bisous, c'est Nassim, grosse bite, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Grosse bite dispo. Salut, grosse bite dispo. Ciao. Ciao. Ciao Nassim. Tiens, pour Ashraf, donc oui, c'est Ashraf qu'on est au téléphone. Les bonnes nouvelles, c'est que on t'a pas dit des conneries tout à l'heure. Non, faut aller sur le truc là. C'est comment on disait, Cap emploi. Le Cap emploi, ça marche. Quoi, ouais, c'est le truc qui est revenu le plus souvent. Hein. Après, tu peux te faire aider aussi par des associations, parce qu'il y a plein d'associations qui s'occupent des gens qui ont des problèmes. Donc toi, t'es sur un fauteuil, cherchais le mot. Mais, sinon, tu sais, t'es même pas obligé de contacter forcément un truc réservé aux personnes à mobilité réduite. Hein. Tu peux très bien appeler une association qui s'occupe de. Ouais, de ça, ouais, il y en a plein. Hein. De trucs de filles au père. Et tu leur dis, tu leur expliques, tu dis, ouais, moi, il y a juste, bon, au niveau des jambes, il y a un problème, mais le reste, ça fonctionne. Hein. Bah oui. Ouais. En tout cas, merci pour les messages que vous avez envoyés. Regarde, il y a Mamoun qui confirme, contactez le Cap Emploi. Ils aident des personnes handicapées dans leur démarche professionnelle. Le Cap Emploi, on disait que c'était le pôle emploi des gens en situation de handicap. Il y a des assos après des messages que vous nous avez laissés. C'est ce que je pensais, ouais. Il y a Nans, tiens, handicap. Juste s'il n'y a pas de problème dans la maison. On disait tout à l'heure aussi, mais vous confirmez aussi. Oui, il faut que la maison soit adaptée, oui. Il y a juste ça. C'est sûr, s'il y a des escaliers, ça va pas être facile. Bah, si les gens ont un immeuble, ça va être un peu chiant pour toi. Ou alors on met des roues carrées sur. Enfin bon, c'est compliqué après. Ouais, puis il faut que les portes soient larges et tout ça. Ouais. C'est ça surtout. Bon, en tout cas. Renseigne-toi. On te reprend tout de suite, de toute façon, on va te dire tout ça, Ashraf. Eh ben, merci d'avoir appelé, Ashraf. Et tiens-nous au courant de la suite, tu nous dis. Bisous. Ouais, y a moyen de gratter un maillot? Oui, on va t'envoyer le maillot. T-shirt Skyrock, dis donc. On t'envoie ça à la maison. Putain, le nombre de messages que t'as reçus, donc. Il y en a plein, ouais. C'est bien le Cap Emploi. Eh ben oui, on aura appris un truc. Bah ouais. Bon, Ashraf, on te passe la Marie, on t'envoie ton t-shirt, on t'embrasse, et on fait tourner la roulette, et une petite surprise pour Cédric. Tu vas voir, Cédric, on a mis les grands moyens pour l'émission de lundi, hein. J'attends ça. Ah ouais, mais tu vas halluciner, hein. Halluciner. Allez. On t'a fait un truc, mais à l'américaine. Ah, il va être fier. Là, ça tourne. La roulette. Ouais. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Jules sur Skyrock. Rappé à R&B non-stop. C'est ça, la chante. Tiens, Romano. Jules sur Skyrock. Et Pierre avec nous pour faire tourner les places. Rappé à R&B non-stop. Pour tourner la roulette. Allô. Et gagner des places. Salut, Pierrot. Allô. Comment ça va? Et toi, bien? Ouais, Pierre. Ouais, bien, je vends du taf, c'est trop cool. Cool, tu fais quoi dans la vie, Pierre? Je suis responsable restauration. Très bien. Donc, Pierre, 33 ans, dans 57, tu veux aller voir Jules? Ah, putain, tu m'étonnes, j'ai envie d'aller voir Jules. Allez, c'est parti. Jules sur Sky. Jules. Quelle soirée de folie on a eu, hein. Exceptionnel ce soir, on a terminé avec un feu d'artifice avec le cul et la chatte de Pamela, c'était magnifique. Ah ouais, magnifique. Et là, elle baillait grave, la chatte de Pamela. T'as entendu ça, un peu impressionnant, moi ça m'a excité quelque part. Hein. Ah, peut-être pas quand même. Alors Pierrot, dis donc, tu as gagné tes deux places pour aller voir Jules. À Amnéville, la meuf était dans le 57. Et ben tu vas aller voir Jules. T'as 2 minutes de la maison. Et ben voilà, au Galaxy, c'est gagné. Bravo Pierrot. C'est trop cool les gars, vous assurez, Diffoul, Romano, tout ça, c'est trop de la balle. C'est gentil Pierre. Merci mon pote. Dans la restauration, tu bosses ce week-end, non? Ouais, grave. Écoute, bon courage. Tu bosses dans quoi? C'est un truc connu ou? Ouais, non, ça vient d'ouvrir il y a 3 semaines, c'est un sushi, c'est à Luxembourg et ça marche du tonnerre. Tant mieux, hein. Continue, vends des sushis. Moi, il y a du de l'ange. Comment ça s'appelle? À du de l'ange. Moi, moi, à Dudelange, ouais. Le Moi, moi, à Dudelange. Ouais, exactement. Très bien, c'est là, oui, Dudelange, c'est presque à la frontière. Exactement. Très bien. Eh ben, on te salue, le Luxembourg. Bah oui. Et puis, bravo pour Jules, 2 places de concert pour toi. Ma fille, elle va être aux anges. Ah, celle que tu vas ramener. Un truc de ouf. Comment elle s'appelle, ta fille? Alicia. Eh ben, on fait une bise à Alicia. Elle va aller voir Joe grâce à papa. Salut Pierrot. Ouais, merci beaucoup. Ciao l'équipe. Salut à toi. Salut. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Et attention, attention, Cédric, le grand retour. Attention, attention. C'est lundi dans l'émission. Hein. Ouais. Ouais. Eh bien, on va retrouver. Ouvre bien tes oreilles sales, Cédric. Oui. Après que Pamela ait ouvert autre chose. Oh, connard. Écoute bien, c'est pour toi, Cédric, une surprise qu'on t'a réservée. Alors, on dit au revoir maintenant ou après ? On dira au revoir après. Après, très bien. Et Fredo arrive juste après pour la nocturne. Ouais, désolé, Fredo, on est à la bourre, il est 0h19. Mais la soirée a été agitée. Hein. Écoute bien, Cédric. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est magnifique. Lundi, il est de retour dans la radio libre de Difool. Après sa cascade. Il faisait le kéké à côté de nous avec sa mobilette. Et bam. Plus cultivé que jamais. Le mot Everest, d'ailleurs, qui se trouve ? Bah, je sais pas, dans une montagne. Plus dragueur que jamais. Je suis commercial en sucette et on m'a dit que ta femme, elle aimait sucer. Ouais. Bah, si t'as pas d'amis, bouffe un curry, pauvre con. Bah. Plus beau gosse que jamais. Je suis beau gosse comme un saumon. Cédric. C'est Cédric. Reviens dans la radio libre de Difool. Lundi, 21h minuit, sur Skyrock. Salut les filles. Alors ? Ah ouais, la classe. Ah, il est content. Il est content, évidemment. Très bien, mais t'as entendu ça un peu quand même, hein. Franchement, la classe. Non, mais je t'ai dit, un truc à l'américaine. À l'américaine, c'est ça. Ah, mais grave, putain. Eh, maintenant, t'as intérêt à revenir, hein. Si tu viens pas lundi, on passe pour des cons. Après ça, on sait jamais avec Cédric, hein. Peut-être avoir une galère ce week-end, je sais pas. Touche pas de scooter, c'est porte pas la poisse, putain. Non, mais on sait jamais, Cédric. Déjà la poisse, hein. Je t'avais dit quelques jours avant que tu te casses la gueule en moto, attention, attention en moto. C'est vrai. Ah, mais ce con, à chaque fois qu'il dit un truc, ça m'arrive. C'est vrai, ça m'arrive. Et en plus, le jour où j'avais dit ça, Romano, il fait, bah, tu crois pas si bien dire. Je sais pas pourquoi il m'avait dit ça, mais bon. Ouais. Comme ça. Comme ça, le hasard. Voilà, et puis là, bam, bim, une voiture a malencontreusement tamponné Cédric. Ouais, une voiture avec un chauve à lunettes à l'intérieur. Bizarre, bizarre. J'ai quand même laissé mon pare-chute dans l'histoire. Ah merde. Ouais, je sais, ouais. Bon, Cédric, lundi soir. Ouais. Le retour et la nocturne qu'on va retrouver tout de suite sur Skyrock. On vous laisse vite, hein. Il est minuit 20. Merci d'avoir passé cette soirée à rallonge avec nous. Ouais, on est vacciné contre la grippe, donc on sera pas malade. Bon. On vous lâchera pas de la saison là, vous allez voir. Donc on ne sera pas malade. Peut-être Samy, peut-être. Ça, ouais, ça va. J'espère pas. Non, ça va là. Franchement, je suis content de ma piqûre cette année. Je fais un gros bisou à toutes nos infirmières qui sont passées tout à l'heure. Ouais, vous embrasse, merci, merci d'être venu. Oui, merci d'être venu nous torturer en direct dans l'émission. C'est gentil. Bon, maintenant on est immunisé, on est parfait, on va passer un bon week-end. Là, profitez bien vous aussi, profitez bien de la nocturne pendant 2h 100% rap français. Et à lundi matin déjà pour le morning. Ouais. Tu seras pas là pour le morning, Cédric ? Non, pour le soir. Ah, tu reprends à mi-temps. C'est ça en fait. Allez, reviens alors. Payé à mi-temps aussi, hein. Oui. Et reste en partage, alors, on fait comme on a dit. Oui, hein. Oui, non, mais t'inquiète, ça vole pas de problème. La compta est déjà au courant. Vous êtes malade ou quoi, les gars ? C'est moi qui viens à sa place le matin, c'est pour moi. Ah non, c'est toi, tu es bénévole. Ah, tu es bénévole. Ah, ouais. T'avais pas prévenu. Bah oui. J'ai pas les tickets resto à la fin, non ? Non, rien. Rien du tout. Ah non. On t'offrira un café. Tiens, un check. Et un verre d'eau. C'est gentil, les gars. Donc, lundi matin, café, verre d'eau, 1 500 € à gagner. Inscrivez-vous, envoyez 1 500 au 7-20-20. Ouais, ça marche. Comme ça, tout le week-end et lundi matin, on vous appelle. Ah, bah, ça serait pas mal, dites donc ça. Yeah. Donc, lundi matin, réveillez-vous avec nous, écoutez le morning et gagnez 1 500 €, et puis tout le reste aussi. Lundi soir, le grand tour de Cédric et un bon week-end à vous. Fred, la nocturne, c'est parti. Yes. Ouais. Ciao. Éclatez-vous bien. Et bah oui, éclatez-vous bien, soyez prudents et à lundi. Ciao. Salut. Ciao. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh bah, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux ? Non. Oh purée ! Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le Morning de Difool sur Skyrock. Tu refais là. Planète rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français avec un garçon qui nous vient. Est-ce que tu nous viens d'ailleurs toujours de Perpignan ? C'est ça. Tu t'es pas installé à Paris, toujours pas, non ? Non, jamais. L'air n'est pas bon ? Ah ouais, on est trop bien à Perpignan. Monsieur Gromo est là avec nous. Bienvenue dans cette nocturne. C'est ta nocturne. Yes, c'est ça. C'est toi qui prends le contrôle de la nocturne à l'occasion de la sortie d'un projet aujourd'hui. C'est ça, les dièses de Gromo. En tout cas, merci pour l'invitation, Fred. Sois le bienvenu, les dièses de Gromo. Alors, petit point sur l'historique de Gromo. Donc toi, t'as commencé déjà le hip-hop. Je dis hip-hop parce que c'est très important pour toi, le hip-hop. Non, la contenance, le contenu hip-hop. Sûr. Parce que ouais. Au tout début, il y a eu la danse, même si... j'étais nul. Non, je voulais juste dire que tu regardais peut-être un peu plus que pratiquer. Non, j'étais nul. Ouais, la danse, après, ben, le rap, hein, c'est moins physique, mais donc ça l'a fait, quoi. Le rap qui a commencé aussi par des sessions d'écriture aussi, des ateliers d'écriture, où t'as croisé, évidemment, Némir. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis toute une fine équipe aussi du côté de Perpignan. Nasty, t'as Hassan qui est là avec nous aujourd'hui. C'est un peu les grands frères de Perpi, quoi.

c'est pas une cambrure qu'elle a. C'est un imbago, c'est un imbago. Hein? Elle a mis tout mon corps en fuego. Puis cette pute m'a refroidi. En trois, c'est mon ego. Elle m'a dit, tu dégages et t'as pas de limbo. Hein? Je lui ai dit que je bicravais ta gade en bendo. Mais pour elle, c'est pas assez. Madame veut des lingots, des lingots. Je t'espère un jour lui caresser la boîte à berlingots. S'il te plaît, pélo, s'il te plaît, pélo, s'il te plaît. T'es pas un bédo. T'as pas un bédo, pélo, t'as pas un bédo. S'il te plaît, pélo, s'il te plaît, pélo, s'il te plaît. T'es pas un bédo. T'as pas un bédo, pélo, roule un spliff.